Ah bah voilà, une émission pliée depuis 18h, c'était l'Eurodance 25 sur Fun Radio, le classement des 25 titres les plus joués dans tous les clubs d'Europe. Et numéro 1, ça ne bouge pas cette semaine pour Avicii avec Hey Brother. Eurodance 25 sur Fun Radio. Je vous redonne le top 5 de ce soir. 5ème, moins une place pour Chotek avec Bouya. 4ème, ça rentre dans le top 5. Tony Junior, Twerk Anthem et gros carton des clubs en Belgique et en Allemagne sur ce titre. Dubs, ça ne bouge pas pour Tsunami à la 3ème place. 2ème, Martin Garrix, là non plus pas de changement. Et 1er, Avicii avec Hey Brother. À signaler la forte progression dans le classement d'un morceau qui est juste énorme. On l'a écouté tout à l'heure, c'est Ellie Goulding avec Burn. Et l'entrée de deux morceaux qu'on adore. Chotek, la nouvelle version du Cannonball. Earthquake avec Mathieu Coma. Et Pitbull et Keisha avec Timber. Voilà, belle soirée à vous. Prochain classement, ça sera évidemment dimanche prochain, il en reste deux sur 2013 et à ne pas louper dans 15 jours pour le 29 décembre, on va faire une spéciale Eurodance 25 en mode 2013 avec le classement des 25 titres les plus joués au cours de l'année. Donc émission collector à ne pas louper. Belle soirée tout le monde, c'est dimanche, Party Fun qui débarque dans un instant dès minuit, juste après Mickaël qui est en pleine forme je pense. Mais totalement, d'ailleurs ça commençait très bien, j'ai pas poussé sur le bouton. Ah, c'était parfait, je pense qu'on va s'en faire une belle ce soir. Bon, ça les annonce une belle émission en général. Ça annonce une émission au taquet. Mais tu vois le taquet, c'est encore au-dessus, je pense. Mais je vois le taquet, tout le monde est en pleine forme. Sandra était resplendissante tout à l'heure. Ah bon, faut que j'en parle. Non, mais c'est un truc de fou, toi. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, j'attire les mâles. Ah bon, bah écoute. C'est pas le seul, le stagiaire aussi. Ouais, enfin, c'est le stagiaire après. Hein, Il est un peu moche, le stagiaire. Bon, non, mais. Message pour Sandra, j'ai prévenu Victor, il va passer. Ah, bah, la voilà rassurée, tiens. Elle n'attendait que ça, donc je rappelle que Victor est donc l'assistante d'Ario tous les après-midi. Oui, exactement. Et qui a une sale gueule, hein, faut dire les choses quand même. Bon, hein, l'autre. Non, mais c'est bon, non, mais il est gentil, mais. Mais il est moche, je veux pas qu'il tue qu'on fasse. T'es moche, Victor. Non, c'est rien, mignon. C'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. Elle a dit qu'il était mignon, il y a une ouverture, on va creuser. Non, il est trop jeune. Ah ouais, mais ça malheureusement. Écoute, t'inquiète pas, on va le foutre dans. On va le faire vieillir, tu vas voir, c'est comme le, comme le vin, tu vas voir, il va être bien là. Bon, bah très bien, bah la bonne soirée alors du coup, Miko C, retour avec l'Eurodance. Dimanche prochain et Party Fun tout à l'heure à minuit, voilà. Tout à fait, et bah salut à toi. Bisous à vous, bonne émission. Plein de bons. Oui, bah bien sûr, évidemment, avec du gros cadeau ce soir, il y a eu très très lourd, je vous explique ça juste après. Salut Miko. Salut. Ciao. Bisous. 20h minuit. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, bienvenue, c'est Mickaël No Limit. J'espère que vous avez passé un bon week-end hein, dans les magasins, faire les courses de Noël par exemple. Bah, venez nous dire si vous avez fait et comment ça s'est passé là. Et qu'est-ce que vous avez acheté, etc., etc. Moi je suis venu avec les bras chargés. Hein. Oh là là. Alors, cette semaine elle va être rude. Bureau. Très très rude. Alors pour ceux qui nous découvrent, coincés peut-être dans les bouchons, je sais pas moi, de retour de week-end. Bon, moi c'est Mickaël. Le dimanche, on est avec vous de 20h à minuit, puis tous les jours de la semaine, hein, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Si vous voulez passer l'antenne avec nous, bah, c'est facile, il suffit de nous appeler 01 42 48 5000, ça c'est le numéro pour toute la France, le 02 851 4x0, ça c'est le numéro pour toute la Belgique, et puis pour tous les autres, eh bien vous faites le 00 33 1 42 48 5000 pour nous appeler, et vous ferez comme Jonathan qui est avec nous. Comment va Jonathan ? Ça va, et vous ? Eh bah écoute, en très grande forme, Jonathan, là, ça se passe très très bien. Et bah bientôt Noël, je rappelle qu'on sera là d'ailleurs hein, pour passer Noël avec vous le 24 décembre. Comme c'est une fête de famille, nous avons décidé de la passer en famille, c'est-à-dire avec vous. Donc si vous n'avez rien prévu le 24 décembre au soir, eh bien on ne va pas vous laisser comme les autres radios dans la merde ou comme les chaînes de télé qui vont vous diffuser une soirée de Noël qu'ils enregistrent au mois de juillet. Donc on sera là en direct avec vous 24 décembre dès 20h sur Fun Radio. Tu fais quoi toi d'ailleurs Jonathan toi pour Noël ? En famille. En famille, d'accord, ok, bah peut-être avec nous. D'ailleurs si vous faites en famille, bah allez-y, mettez un haut-parleur sur une chaise, comme ça on sera là, on sera autour de la table avec vous. Donc je compte sur vous. Avec un peu de bûche. Voilà, et puis on échangera les cadeaux de Noël. Donc si vous avez reçu des cadeaux de Noël de merde, eh bien rassurez-vous, on va pouvoir vous les échanger. Mais attention, l'échange doit être honnête. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'antenne, vous dites moi j'ai reçu une paire de chaussettes de mamie, je voudrais l'échanger contre on verra ce qu'on aura le soir de Noël. On fait un échange, c'est-à-dire que vous nous envoyez la paire de chaussettes et on vous enverra derrière l'autre cadeau. Ouais. Pas d'enfume. Il n'y a pas de je garde la paire de chaussettes et je garde le cadeau en plus. Pas question. Donc voilà, 24 décembre, on sera là avec vous pendant que tous les autres vous abandonnent comme des merdes. Et ben nous, on sera là. Voilà, 24 décembre. Jonathan, t'as passé un bon week-end. T'as fait quoi, toi ? J'ai rien fait de très intéressant. D'accord, rock'n'roll, quoi. Bon, et on parle de quoi dans quelques minutes avec toi, Jonathan ? Je cherche des bons plans parce que mardi, je vais sur l'île et puis voilà. Des bons plans, mais c'est-à-dire, tu veux quoi ? Tu veux acheter une veste pas chère Non, pour des hôtels. pour des hôtels. D'accord. Oui. Ok, pourquoi pas. À Lille en même temps, ça doit pas être la ville où l'hôtel coûte le plus cher non plus, hein. Mais bon, bah dites-nous si vous avez des bons plans, on sait jamais. Ou si vous avez des bonnes manières d'avoir des bons plans. Parce qu'il y en a aussi parfois qui sont un peu en fumeur. Je ne viserai personne dans ce studio, de toute façon je ne peux pas me viser moi-même. Donc si jamais vous avez... oui, tu pourrais, ouais. Si vous avez des bons plans, si vous avez déjà fait des bons plans, n'hésitez pas, appelez-nous aussi 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 et on parlera aussi des cadeaux de Noël. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme cadeau de Noël, justement? Sandro, t'as fait quoi ton week-end, quoi? Justement, cadeau de Noël déjà ou pas encore? Non, pas encore. Pourquoi? Ah, ça va venir. Oh, j'étais en famille là. Tranquille. Ouais, relou, quoi. D'accord, ok. Non, c'était bien. Ah ouais. Mais t'as reçu le cadeau ou pas encore? Non, avec pas ta encore. Chienne. Ouais, parce qu'en fait, son mec, elle l'appelle sa chienne. Sa chienne? Voilà. Et elle a sa chatte aussi. J'étais avec ma chienne, ça se passait bien avec ma chienne. Quoi, t'as pas une chatte? Bah si. Non. T'as pas de chatte? Ah, il me semblait. Non, j'ai pas de chatte. T'avais une chatte. Ah, moi, je pensais que t'avais une chatte. C'est normal, mais il est décédé. Ah, il est décédé. Oui, il s'est suicidé en fait. Il s'est jeté du 5ème étage avec une corde. T'avais un chat et une chatte? Ouais, mais elles sont parties. Ah d'accord. Elles en ont eu marre de. Ah oui, de ceux-là, ils ont fui. Non mais c'est Miguel, ah, il les a foutus dehors. Arrête. Un soir, je suis sûr que c'est mais toi. Mais non, mais à l'époque on faisait coloc et genre les chats se sont barrés parce que je les aimais pas, c'est ma faute. Tu les as foutus dehors la nuit, ils avaient pas l'habitude de sortir le soir. Quoi. Arrête. C'est pas des voyous mes oh, chats. Oh t'es relou. Bon, Tof, t'as eu le temps de faire les courses là? Mais parce que j'ai une question à poser quand même à Tof. C'est-à-dire que bon, il y a un moment c'est toujours emmerdant les fêtes de Noël, Saint-Valentin, tout ça. Ouais. Parce que quand t'as autant de meufs et que tu fous de leur gueule en faisant croire à toutes que c'est la seule et unique, il y a un moment arrive le jour J. Oui, bah c'est une gestion. Ah bah complètement, complètement. Parce là, que Noël, tu passes avec qui? Avec la première, la deuxième, bah, la dixième, Noël, la quinzième? Non, je passe ici, donc comme ça, moi bon, ça bah, Nouvel An alors. Ça m'évite un problème et Nouvel An, ça va être plus compliqué. Ah, mais bah, je vais trouver ça. Et Saint-Valentin dans un mois et demi. Oh là là là là. Enfin, deux mois en fait. Oh deux là mois. Là là là. On va t'acheter un plan comptable. Ah ouais, ouais, ouais, c'est ouais, pas là, un plan comptable que j'ai besoin, c'est un plan organisation. Ah bah ça va galérer. Organisation, il l'est bien avec ses nouveaux amis. Eh bien, allez vous faire foutre, cher ami. Voilà, et celui-là qu'on a rencontré cette semaine. Ferme ta gueule. Du con. Et voilà. Il fallait juste que je fasse une dédicace à Daoud Douida. Ouais. Voilà qui envoie souvent qui des messages. Twitter. Qui est sur Twitter, qui envoie souvent blindé de messages. Parce qu'en fait, je l'ai rencontré en vrai. Ah bon? En fait, on s'est croisés. Comme par hasard. Comme par hasard. Non. Il comme par hasard. Il est vigile au casino à Bruxelles et donc voilà. Ah bah hey, j'espère que tu l'as mis à tu l'as mis par terre. J'espère que tu l'as démonté la tête. T'auras dû. Donc voilà. Bon, donc et puis Polo, je le saluerai. Bah très bien. Bah voilà, message est passé. Polo, tu as trouvé un petit cadeau pour Stéphane là. Hein, Polo qui sera à Vienne le jour de l'an avec son pipeau d'ailleurs, ouais, hein, je le rappeler. En concert. Voilà, en concert, il fera le tour d'Europe pendant les fêtes. D'ailleurs, j'envoie Stéphane. Bien évidemment, Stéphane donc qui est donc la personne qu'il a rencontrée après Starflore, ouais. Qui s'appelle Stéphane. Oui, c'est une fille. Oui, bah bien sûr, évidemment, c'est bizarre, il n'y a pas de problème. Bon, et puis on ira aussi du son ce soir avec Asi, Born Again. Je vous cale aussi Demi Lovato, Neon Lights. On calera aussi Let's Get Ridiculous, le son de Redfoo. Yeah. Yeah. Yeah. Et puis on se fera un petit moment chill avec Drake. Hold on, we're going on. Et puis un son que vous avez découvert sur Fun Radio grâce à des auditeurs qui eux-mêmes nous l'ont fait découvrir. New World Sound, la chanson de The Flute. La chanson de Polo. Oui, la chanson de Polo qui a été, c'est un plagiat de Polo avec sa flûte, bien entendu. Hein. Ouais. Voilà, donc si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, vous êtes les bienvenus ce soir. Vous envoyez un petit hashtag Mickaël sur le Twitter et le Facebook pour demander vos sons, pour discuter avec nous. Vous pouvez également réagir par le téléphone, hein, standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et attention, mesdames et messieurs, surtout mesdemoiselles d'ailleurs et mesdames, ce soir, je vous offre votre paire de Louboutin. Wow. Oh yeah. Voilà, c'est les chaussures hyper chères qui vaut quand même 450 boules wow. Avec la semelle rouge. Voilà, je vous l'offre ce soir et attention, j'ai décidé de faire les choses bien. C'est-à-dire que bon, si vous êtes de tout près de la radio, on ira dans la semaine. Je vous viendrai à la radio, on ira chercher les chaussures ensemble. Hein, on se tiendra par la main, vous allez choisir les chaussures, je paye, vous partez. Oh, c'est ça classe. C'est beau. Plutôt ça, classe beau. Quand même. Tu peux venir aussi ou pas? Tu peux venir si tu veux pour filmer. Tu es tenu toi devant toi et derrière avec un balai. Je pensais que t'allais me faire des chaussures. Non, pas du tout. Et si vous n'êtes pas tout près de la radio, c'est pas grave. On prendra également en charge votre déplacement pour faire l'aller-retour jusqu'à la radio pour venir parce qu'il y en a qui disent ouais, mais il faut être tout près de Paris pour venir. Non, pas du tout. Si vous êtes ailleurs, c'est pas grave. Vous pouvez être en Belgique, à l'autre bout de la France, pas grave. Vous viendrez à nos frais, bien entendu, en train, on l'a vu, on verra bien, pour venir acheter votre paire de Louboutin tout près de la radio. Vous viendrez, on ira dans la boutique ensemble la semaine prochaine ou avant Noël ou après Noël, si jamais vous pouvez pas venir avant, mais tant qu'à faire, autant les avoir pour les fêtes, hein, finalement. Grande hein. Classe. Voilà, donc vous viendrez, on les essaie, enfin vous les essayez, je les paye, vous partez avec et la paire de Louboutin est donc à gagner dès maintenant sur le Facebook de l'émission, enfin depuis tout à l'heure même. On fera le tirage au sort avant le minuit. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, faites un like à partage de cette magnifique chaussure avec la semelle rouge. Et si c'est pour vous, eh bien vous viendrez la semaine prochaine direction les paires de Louboutin pour la boutique. Petite précision, Toff n'a rien à voir avec tout ça, donc ne. Ouais, c'est pas lui. Hein. Avec vous, il n'est pour rien. Voilà, il n'y est pour rien. C'est un menteur. Exactement. S'il essaye de vous dire oui, mais je vais essayer, je paierai un peu plus, etc. Non. C'est un fou, c'est du fake. Voilà, c'est du fake. Bon, il y a également Antonino qui est avec nous là. Bonsoir Antonino. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Mais très bien, très bien. Et vous? Bon, eh ben très bien aussi, hein, tranquillement. On t'appelle pour la colle, toi? Bien sûr. Eh ben on enchaîne avec les jeux. Alors c'est parti. Donc il y a la paire de Louboutin, ça c'est sur le Facebook. Et puis il y a la colle, ça c'est pour gagner à l'occasion de la sortie de Kick-Ass 2. Eh bien on offre des GoPro toute la semaine. Et tu es le premier à tenter ta chance, Antonino. On va donc faire péter ça maintenant. Tu as une colle et bah vas-y, on t'écoute. Ok. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle. Parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Alors, je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible et souvent pleine. Qui suis-je? C'est ça? Tout à fait. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien, il y a une GoPro à gagner maintenant. C'est la nouvelle, hein, Hero 3, je sais pas quoi, la dernière. C'est comme ça, hein, Hero 3. Ouais, Hero 3, voilà, tout à Hero fait. 3. Qu'on vous offre donc la GoPro, si vous avez la bonne réponse à la colle d'Antonino, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi venir sur le Facebook pour jouer, hein, puisque c'est indiqué si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre et que vous préférez la lire parce que c'est peut-être plus facile pour vous. Eh bien, vous venez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L-officiel. Répète encore un coup, Antonino, pour ceux qui viennent de débarquer. Oui, je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Voilà, si vous avez la bonne réponse, eh bien c'est pour vous. Antonino, peut-être que cette GoPro arrivera à Waterloo chez toi. Hein. Je te le souhaite. Si jamais personne ne trouve la bonne réponse, eh bien ce sera pour toi. Si quelqu'un d'autre trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne aux alentours de 10h-10h30, eh bien à ce moment-là, c'est lui ou elle qui gagnera. Voilà, je te souhaite bonne chance, Antonino. On te récupère d'ici un gros quart d'heure pour répéter la colle encore un coup pour les retardataires. D'accord? Ok, ça va. Allez, à tout à l'heure, Antonino. Ne bouge pas de là. Bon, allez, bah, comme ça, on a mis tout au clair. Ce soir, on aura les chéris, je peux te faire cocu. On aura également le canular de jeudi. On aura les appels de Toff également. Mais oui. Attention, du lourd avec les appels de Toff. Hein. Ah, il va y avoir du lourd, hein, je peux vous le dire. Ouh là là. Aussi lourd que ça cette semaine. Cette semaine, ça a été dur. Puisque je rappelle que pour ceux qui ne comprennent pas le coup de la croix, si vous n'étiez pas à l'écoute cette semaine, eh bien, Toff nous a. Ouais. Même pas avoué, parce qu'on lui a rien demandé. Non. Nous a annoncé, comme si dans une conversation normale, on mangeait. C'est plus voilà. De la confession. Exactement, on était au Pizza Hut, on mangeait une petite pizza Hawaiian Pepper. Et puis là tout d'un coup il nous dit qu'il aimait bien faire l'amour dans une cave accrochée à une croix en forme de X, hein, la croix catholique. Il y a donc une croix en forme de X. Et que bah, il aimait bien se faire sodomiser dessus. Voilà. Et donc exactement. C'est votre fantasme. Et d'ailleurs il y a Cheyenne qui dit coucou. Bah salut Cheyenne. Jérémy Love qui dit énorme Mickaël, les chaussures, le transport est énorme. Merci Fan Radio, merci Mickaël, nos limites, mais de rien Jérémy. Le prince Nadia qui dit une paire de Louboutin comme cadeau. Ouais, bof, peut mieux faire, Mickaël. Je plaisante, bien sûr, c'est juste un cadeau de ouf. Ouais, je tiens d'ailleurs à saluer, parce qu'on a mis un exemple de photo. On pouvait pas toutes les mettre, évidemment, les chaussures. On a mis un exemple de photo. Ouais, bah, de toute façon, celles-là, elles sont moches. Oui, bah, écoute, si t'es pas contente, c'est le même tarif. Hein. Y a Basile aussi qui dit dédicace au lycée Picasso de Perpignan. Et alors également, Renaud, j'ai hâte d'être le soir de Noël. Je déballe les cadeaux et je saute sur la radio pour écouter, Mickaël. Bah, j'espère bien. Mais en tout cas, on sera là pour vous, pour passer le réveillon avec vous. Donc, mercredi, non, c'est mardi. Mardi 24 décembre, voilà, on sera avec vous en direct sur Fun Radio. Voilà. Bon, alors Jonathan, on va revenir avec toi là. Jonathan ? Oui. Très bien. Est-ce que t'as écouté cette semaine entre 23h et 2h ? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Parce qu'il y a les appels de Toff qu'on a fait, donc s'il y en a que vous voulez réécouter parce qu'ils vous ont fait marrer, qu'est-ce qu'on avait fait comme thème cette semaine aujourd'hui maintenant, tiens. Attends, j'ai oublié. Ça alors. Mais non, il en fait tellement. Mais ouais, franchement ouais, il fait tellement de conneries qu'on les compte plus. J'ai oublié, merde, quel con alors. Je me demande si on n'a pas appelé pour de la branlette. Ouais, il y avait la branlette aussi, effectivement. Les bites tordues. Il y avait les bites tordues. Ouais. Il y avait aussi la retarder l'éjaculation. Oui, le retardateur d'éjaculation. Voilà. Le dernier, et puis le dernier, j'ai oublié. Bon, bref, si vous vous souvenez d'un en particulier, vous voulez le réécouter ce soir, n'hésitez pas à vous demander. Hashtag et Mickaël est sur le Facebook également. On est quasiment 300 000 sur le Facebook. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux tous les soirs. Et bah, pour ceux qui viennent de débarquer, pour les tout nouveaux qui viennent de brancher leur radio, sachez que vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter. Le soir, sur Fun Radio, ça se passe de 20h à minuit le dimanche. De 23h à 2h tous les soirs de la semaine. On va parler des bons plans avec toi, Jonathan, dans quelques minutes. Il y a Mourad qui voulait également donner son avis. Un autre Mickaël d'Arras qui voulait parler des cadeaux pourris. Et puis la colle avec Antonino. Eh ben, on écoutera aussi le son d'Asie dans quelques minutes sur Fun Radio avec Born Again. Et il y a Thomas qui dit mission de malade. Merci à toute l'équipe. Continue comme ça, c'est une tuerie. Et Benoît qui dit moi je les veux pour moi, les loup-boutins. Est-ce que ça existe en 45? Non, je crois que ça se limite à 42. Et c'est déjà pas mal hein, pour des loup-boutins. Voilà. Bon, je vous les offre en quart sur le Facebook maintenant. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël nos limites, 20h minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bienvenue, on est en direct dans toute la France. Si vous êtes dans les bouchons, là, en train de revenir de votre week-end éventuellement, eh ben bon courage tout le monde, ça va bien se passer, vous allez voir, en plus on est là jusqu'à minuit, normalement ça ne devrait pas durer jusqu'à minuit non plus, hein, le bouchon là, donc tranquillement. On a également la GoPro à vous offrir dans quelques minutes avec la colle d'Antonino là, et puis on a surtout votre paire de loup-boutins qu'on vous offre les filles, donc où que vous soyez en France, imaginons vous êtes à Marseille par exemple, ben, c'est pas grave, vous viendrez jusqu'à la radio, on vous paye le transport, vous venez à la radio, on va choisir les chaussures ensemble dans la boutique qui se trouve d'ailleurs pas loin de Fun. Vous allez les essayer, vous testez celles que vous voulez, vous prenez celles que vous voulez, je paye et vous partez avec votre paire de loup-boutins. C'est quand même plutôt classe. Ah, ouais. C'est pas ailleurs que ça se passe ça. Donc si vous voulez les gagner votre paire de loup-boutins, enfin la gagner, ça vaut quand même 450€ la paire, et ben vous venez nous rejoindre maintenant facebook.com/MIKAELOfficiel. Et puis bah si vous êtes tiré au sort, et bien ce sera pour vous. Petit cadeau quand même plutôt sympathique. Voilà, facebook.com/MIKAELOfficiel. Vous likez, partagez la photo où il y a la paire de loup-boutins et elle sera peut-être pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Il est 20h17. C'est dimanche soir, on est en direct dans toute la France sur Fun Radio, Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Et le son de Asie, je vous l'avais promis, c'est Born Again maintenant. C'est Fun Radio avec le son d'Asie. Chaque fois il parle, il me saoule lui. Asie avec Born Again sur Fun Radio. Il y aura 2000 bateaux dans quelques minutes là. Avec Neon Lights. Et puis je vous cale aussi avant 21h, Red Fou, Let's Get Ridiculous sur Fun Radio. Et ben voilà, si vous voulez choisir un des sons ce soir, on est là jusqu'à minuit, donc faites-vous plaisir et puis faites-nous plaisir par la même occasion. Vous envoyez le hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Il y a Magda d'ailleurs qui envoie un message qui dit Mickaël, oui je le veux, je les veux ces chaussures, comme toutes les filles je pense. Ouais je crois aussi ouais. Il y a Renaud qui dit allez s'il vous plaît, c'est quoi la musique d'arrière-plan? Celle que là que t'entends maintenant là? Bah c'est la musique de l'émission, on n'a pas pompé sur quelque chose, hein. On a fait un peu comme Jean-Pierre Sauzet, on a fait les chansons de l'émission à la David Guetta. Voilà, il y a Echo aussi, salut Mika, ça fait un bail que je vous ai plus écouté, coup de baffe dans la gueule de Toff parce que c'est gratos, je vous ai kiffé, t'as rien, là, attends, avec plaisir, attends. Ah, attends, voilà, c'est gratuit de violence. Toujours gratuit. Le prince qui dit Polo a-t-il souillé de la fibre capillaire ce week-end? On veut savoir, nous sommes tous des vilains curieux. À mon avis, non. Non, il n'a pas fait. Et Jones aussi qui dit une paire de loup-boutins et l'année se termine bien, tu m'étonnes. Thomas qui dit mission de malade, merci toute l'équipe, continue comme ça, c'est une tuerie. Et Marine également qui dit j'espère bien gagner cette petite paire avant les fêtes, ce serait cool. Et Mademoiselle Thor qui dit je passe une soirée de merde le jour de mon anniversaire, s'il vous plaît, amusez-moi. Mais oui, nous sommes des bouffons, ne t'inquiète pas, nous allons t'amuser. Alors déjà, on va te souhaiter bon anniversaire, voilà, avec la musique qui va bien. Et bon anniversaire. Bon anniversaire. Mais oui. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien, hein. Hein, Antonino? Antonino? Antonino qui n'est pas qui n'est pas au taquet, Antonino, qui a déposé le téléphone et qui fait autre chose en attendant, la preuve. Tout à fait. Et ben voilà, grillé en direct, bravo Antonino. Bon Antonino, toi t'es là pour la GoPro, je rappelle qu'on en offre aussi une tous les soirs dans la colle. La GoPro, on donne la réponse avant 10h30. Et pour la gagner, oui, cette GoPro, il faut simplement répondre à la colle d'Antonino. Je rappelle que si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle en direct soit ne décroche pas, soit n'a pas la bonne réponse, c'est Antonino qui gagne. Dans tous les autres cas, c'est vous qui gagnez. On y va pour la colle, fais péter. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle. Parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Voilà, je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, c'est facile, hein. Enfin, moi, j'ai trouvé direct. Pour le coup, c'est vrai. Ouais. On était dans le bureau, Toff m'a dit, ah, machin. Je dis, oh, direct, j'ai trouvé la bonne réponse. Je suis quand même plutôt fier, hein, quand même. On proposait la réponse, c'est le miel. Ah, bah, c'est pas ça. Non, la neige. Non plus. On proposait de l'air également. Non plus. Il y a Ivan ou Ivan, je sais pas qui dit, proposait un saladier. On proposait une chatte ou une bouteille? Non plus. Est-ce que tu peux répondre un peu plus vite? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois tu dois réfléchir pendant une demi-seconde. C'est le décalage, c'est le décalage. Antonino, c'est ça, ouais. Je suis un peu lent du cerveau. Ah bah je vois ça, ouais. On proposait une pensée. Non plus. Non, bon, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, venir jouer sur le Facebook. Vous pouvez comme ça lire la colle. Vous envoyez, enfin, vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Antonino, on te récupère dans quelques minutes. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible et souvent pleine. C'est pas plus compliqué. On donne la réponse avant 10h30. Je te souhaite bonne chance, Antonino. Merci. Salut, à tout de suite, Antonino. On écoutera Demi Lovato comme promis dans quelques minutes. Et puis on va récupérer notre ami Jonathan qui est avec nous. Jonathan, t'es là? Oui, je suis là. Bon, on va parler des bons plans dans quelques minutes. Mais avant cela, je t'en avais parlé. Il y a Toff qui a fait les appels cette semaine. Et bon, comme t'étais là et t'étais pas là tous les soirs, eh bien, on va remettre les meilleurs. Hein. On va parler de la masturbation féminine. Oui, ah, parce qu'il paraît que c'est bon pour la femme. Il que paraît. Ça lui fait du bien. Il paraît. Et on était tombé sur quelqu'un de très particulier. Ah oui, un homme charmant, enfin, très gentil, charmante. Trop gentil, trop aimable. Bon, souvenez-vous, donc on vous avait incité les filles à vous masturber parce que finalement c'est bon pour la santé. Mais oui, c'est bon pour vous. Bah, exactement. Et il fallait que je prévienne les femmes. Et donc, et voilà, et en tant que bon citoyen, nous avons décidé de prévenir les gens qui ne le feraient éventuellement pas encore. Donc c'est parti, on y va. C'était la masturbation féminine. C'était cette semaine sur Fun Radio. Écoutez ça. Et juste après, il y aura Demi Lovato avec Neon Lights. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vous caressez. Là, c'est... Non, mais vous vous appelez du monde ou quoi? Non, pas du tout, madame, je veux juste savoir si vous vous caressez. Allez vous faire voir, ça fait quoi, va? Mais enfin, pourquoi vous me dites ça, madame? Mais quoi vous parlez? Vous voyez comment vous parlez? Vous entendez comment vous parlez? Bah oui. À qui vous voulez parler? Bah à vous, madame. Non, moi, je vous connais pas, je n'ai pas envie de vous parler, hein. Non, on se connaît pas, mais je veux juste savoir si vous vous caressez, c'est tout. Allô? Oui, non, je dis, on se connaît pas, je veux juste savoir si vous vous caressez. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vous caressez de temps en temps. Tu veux que je finisse ta mère la pute ou quoi? Excusez-moi, mais je vois pas le rapport. Mais est-ce que tu veux que je finisse ta mère la pute? Non, je ne vois pas l'intérêt. Ah, mais dis-moi, est-ce que tu veux que je finisse ta mère la pute ou pas? Non, je vois pas pourquoi vous voulez niquer ma mère. Mais est-ce que tu veux que je finisse ta mère? La pute. Mais non, je comprends pas pourquoi vous voulez dire. Ben, rappelle sur ce numéro, sur la DMR cherche outil, je te nique tes morts, c'est bon? Mais pourquoi vous voulez faire ça? C'était non, la grande classe. Bon ou pas? Bah non, c'est pas très bon. Parce que ben, chiche, alors si tu rappelles sur ce numéro, demain je vais chez le Condé, je demande t'es qui, je te nique tes morts, c'est bon? D'accord, mais. Ben ça va. Mais c'est bon ou pas? Parce que tu continues à parler là, je vois que t'as pas compris. Bah si, moi j'ai compris, mais a priori vous avez mais pas. Mais c'est pour ça que tu t'adresses à la daronne, tu veux que je te nique tes morts en fait? Non, moi je vais vous répondre à ma question. Non mais en fait, tu veux que je te nique tes morts, tu te manques de respect à ma mère, ce que tu dis. Mais pas du tout, je veux juste savoir s'il a une activité masturbatoire. Mais est-ce que tu as un souci là? C'est quoi ton problème? D'où t'as eu ce numéro déjà? Non, moi j'ai pas de problème. D'où t'as eu ce numéro? Parce que je suis en train de serrer, d'où t'as eu ce numéro? Bah, dans l'annuaire, comme tout le monde. Dans l'annuaire? Eh ben je vais te niquer de ta mère la pute, toi et ton annuaire, je te fous dans le cul comme tu dis. Ton annuaire, t'as vu ton annuaire? Au fils de pute, t'as vu ton annuaire? Oui. Je vais te niquer ta grand-mère la pute au bâtard. D'accord? Bah, d'accord. Ta grand-mère elle t'a mal élevé parce que je vois ta mère, t'as vu ta mère qui t'a mis au monde, je crois que t'as mal élevé. Oui mais excusez-moi mais je comprends pas pourquoi on en est arrivé là parce qu'en fait je vous posais une question simple au départ. Mais comment tu posais une question simple? Tu as pété les plans ou quoi wesh? Oh tu parles à ma daronne, tu dis est-ce que vous avez déjà caressé, est-ce que moi t'as ta daronne, je dis est-ce que je suis tombé dans le cul? Oh là là là là là. Je vois pas le rapport. Ah non. Mais comment tu vois pas le rapport? Bah non, parce que moi je vous appelle, je vous pose une question. Mais tu parles comme un jambon la famille, rappelle-moi quoi ou jambon de merde. La taille marche nique t'es mort, t'as compris? Oui oui j'ai compris. Mais. Mais j'ai pas compris. Mais qui je veux là encore? Tu continues à parler avec moi, mais qui je veux? Bah savoir si vous vous masturbez de temps en temps. Mais de quoi tu te mêles si je me casse, si je me casse? De quoi tu te mêles toi? Bah moi je me mêle de rien, je veux juste savoir si vous le faites ou pas. Eh ben ça va alors, mais pourquoi tu me poses la question et j'appelle sur ce numéro? Tu veux pas appeler tes morts ou ta sœur pute qui se met des doigts dans le cul? Je sais pas, un jambon il appelle maman et il dit est-ce que vous caressez? Bah oui voilà. Est-ce que vous caressez alors ou pas? Mais de quoi tu te mêles? Mais je me mêle de rien, je vous pose une question. Mais je vais niquer ta mère la pute, t'as compris? Oui, oui, j'ai compris, mais... Attends, je te passe mon daron, tu veux niquer tes mains, mon daron? Bah, passez-moi votre daron, si vous voulez. Et tu vas lui dire quoi, mon daron? Tu vas dire, si je te caresse, la dernière qui rentre ma femme dans le téléphone et tu niques tes mains, tu vois? Non, parce que du coup, lui, ça m'intéresse pas, parce que moi, je veux savoir si vous, vous vous masturbez. Donc je lui demande... Bon, bâtard, ta grand-mère la pute, rappelle sur ce numéro, et sur attends ma grand-mère, hein. Demain, je vais aller chez les Condé, et la vie de mère, je te mets dans la merde, c'est bon? D'accord. Allez, ciao, oui, bonne soirée. Mais vous avez appelé ta soeur et demande-lui ça. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question là. Mais la tête de ma mère, appelle encore sur ce numéro et je vais voir le Condé demain matin. Ça te va ou pas? Oui, ça me va très allez, bien. Allez, ciao alors. Ah, elle était en pleine forme. Hein, ah, elle était chaude, Leïla. Ah, elle était au taquet du taquet. Hein, c'est... Oh, bien évidemment, on n'a rien contre Maryse, hein, la mère de Toff. C'est ça. Non. C'est une farce charmante au demeurant. Tout à fait. D'ailleurs, elle ne connaît même pas ta mère. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Pourquoi est-ce qu'elle s'est excitée comme ça? Bon, on l'avait rappelé du coup parce qu'on est un peu con, hein. Donc, suite, hein. Donc, tout ça. Oui. On lui a toujours pas demandé si elle se masturbait. Enfin, elle a toujours pas répondu, quoi. Moi, je lui ai demandé que la mère ta pute. Non, je te nique ta mère la pute. Ouais, ouais, c'est ça. Et bon. Ma soeur, elle se met des doigts. Oui, oui, c'est vrai, oui. Tout en gueulant dans le téléphone, hein. Oui, vous m'avez. Ah non, en plus, je continue à rappeler. Bah oui, vous m'avez demandé. Tu veux t'amuser? Vous m'avez demandé de vous rappeler, je vous rappelle. Tu veux t'amuser à ça ou pas? Non, mais c'est vous qui m'avez demandé de vous rappeler. Tu veux t'amuser à ça? Mais moi je veux m'amuser à rien, je veux. Mais tu veux t'amuser à ça alors? Non, vous voulez pas répondre à ma question. Mais pourquoi je voulais te répondre à ta question? Mais ça fait des fois qu'on est dans les devs. Mais non, pas du tout. C'est juste, moi je vous pose une question, vous y répondez, puis on n'en parle plus. Oh là là. Mais oh, mais tu es niqué mon pote. Oh, tu t'es pris pour qui? Je m'appelle Toff. Tu t'appelles comment? Toff. Mais je m'en bats les couilles de comment tu t'appelles, je t'ai pas demandé ton prénom. Mais si, vous m'avez demandé pour qui je me prenais, alors je vous le dis, je m'appelle Toff. Et ça va, je te prends mon pote. Voilà, tu vois pas que t'es fatigué? Tu appelles les gens comme ça, tu t'as pas honte, je sais pas, tu respectes pas, je sais pas, voilà. Bah, si, mais ta mère, elle t'a éduqué comment? Mais moi, je vous respecte. Mais ta mère, elle t'a éduqué comment? Bah, ma mère, elle m'a éduqué que quand quelqu'un me pose une question, je lui réponds. Ah non, je pense pas que ta mère, elle t'a dit quand t'étais jeune, ah oui, tu te caresses. Je crois pas, sauf si elle t'a caressé, ton père, il t'a caressé, je crois bien alors. Ta mère, il t'a caressé, non, quand t'étais jeune? Mais je vois pas le rapport, madame. Mais ton père, est-ce qu'il t'a caressé quand t'étais jeune? Pourquoi tu réponds pas à ma question, moi? Bah, moi, parce que moi, il m'a pas caressé, moi. Mais est-ce que, eh ben voilà, moi aussi, il m'a pas caressé. Oui, mais c'est moi, je vous demande. Mais moi, je me caresse pas le soir, c'est moi, je réponds à la question, là. Ah, bah voilà, vous voyez quand vous voulez. Eh ben, qui je suis encore, là? Bah, c'est tout. Maintenant que je... Pourquoi tu raccroches pas, alors? Mais parce que, en fait, je voulais juste. Et pourquoi tu raccroches pas encore? Vous devriez quand même y penser parce que c'est très bon pour votre santé. Ah oui, mais je suis jeune, non, mais t'inquiète pas, la santé, elle est unique, je suis allé voir le docteur hier. Ouais, mais justement, parce que après. Le docteur, il m'a dit que j'étais en bonne santé, voilà, c'est pour ça, bah, merci, justement. Donc, pour merci d'avoir pris de mes nouvelles. Donc pour rester en bonne santé, continuez à vous masturber, ça vous fera du bien. Y'a pas de problème. Ah, et ça vous détendra, ça vous savez. D'accord, y'a pas de problème. Eh ben voilà. Hein? Ah, bah c'est bon, ça te va là, c'est bon, t'es détendu, c'est bon, tu es bien là? Moi je suis très bien. Alhamdulillah, comme on dit. Eh ben voilà, allez, on se. Allez, bonne soirée. Bah de même, au revoir. Au revoir. Mais je pense qu'il serait judicieux pour cette dame de ne plus mettre son téléphone dans sa bouche. Oui. Et de parler moins fort, peut-être. Oui, et peut-être le sortir de sa gorge, tant qu'à faire. Ça pourrait être un bon plan, tiens. Allez, il est 20h30, il y a Shippos Baby qui dit aussi, hier j'ai regardé un porno, le mec il a la même tête que Toff. Ah, vas-y, c'est quoi le porno? Ouais, ouais, dis-nous le nom ou alors le nom de l'acteur, éventuellement, le nom du film, on va le télécharger. Il avait pas fait des castings, Toff, pour des films? Si, mais il s'était fait virer, il a essayé, mais ça a pas fonctionné. Ouais, ils m'ont pas gardé. Mais ouais, il y a Angélique sur Twitter qui dit ta grand-mère ou ta grand-mère. Il y a Abdou qui dit, tu veux que je te nique ta mère la pute, elle est mythique cette fille. Eric qui dit énorme l'appel, et le prince Nadia qui dit sur le Twitter, mais dis-moi, est-ce que tu veux que je te nique ta mère la pute ou pas? Elle formule sa question, elle propose aussi la négation, c'est bizarre. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu particulière celle-là. Et Thomas qui dit, vous faites une émission spéciale le soir du réveillon. Bah oui, dans l'absolu, elle sera un peu spéciale puisqu'on sera déjà là, alors que pendant ce temps-là, tous les autres vous ont abandonné, des merdes. Lâchement. Hein, d'autres radios, ça va être des best-of, ou alors ils vont mettre de la musique, ou alors à la télé, ils vont diffuser une soirée spéciale qu'ils ont enregistré au mois de juillet. Donc voilà, ouais, on sera là en direct, donc profitez-en, faites passer le message de 20h à 1h, 2h, on verra bien, hein. On sera là le 24 décembre, on sera là avec vous puisque c'est une soirée familiale. Nous serons donc avec la famille, c'est-à-dire avec vous. Prévenez bien vos potes si jamais vous comptez vous faire chier le soir de Noël. En plus, on échangera des cadeaux. Si vous avez reçu des cadeaux de merde, eh bien on les échangera contre des cadeaux qui déchirent. En tout cas, je l'espère. Jonathan de retour, t'es là? Oui, je suis là. Bon, alors, bienvenue Jonathan, t'appelles de Moselle, de Metz, tu vas aller à Lille, toi, tu voulais des bons plans, c'est ça? Si j'y mets ton bon plan. Bon, très bien. Alors, revenons donc au beau plan. Le principe, donc, c'est que toi, t'as envie de payer un logement pas cher, quoi. Voilà, un hôtel pas cher. Bon, et c'est quoi le budget? 50 euros. Oui, c'est pas cher, oui. Et combien de jours? Deux jours. Ah, deux jours. Mais 50 euros la nuit? Ou les deux jours? Les deux jours. Ah bah Formule 1 mec, hein. Et encore. Oui, hein. Mais Formule 1. Ah bah ouais, mais oui, voilà. Mais bon, 50 euros les deux jours. Jonathan, ça va être dur, hein. Même à Lille, à la limite, vraiment dans une ville de merde, enfin de merde, tu sais, où il y a personne, où il y a rien à faire. Je suis même pas comme ça d'idée. Il y a toujours Roubaix que je me souviens. Ouais, désolé Roubaix, pour ceux qui habitent à Roubaix, hein, mais c'est juste comme ça. Même à Douchy-les-Mines où il y a un Formule 1, il est plus cher que 25 euros la nuit. Mais non. Mais ouais, si, je crois qu'il est à 29. Oh donc, là là. Bah ouais, donc là, un mec à Lille, jamais tu trouveras. Hein. Bah, éventuellement, si vous êtes une fille, parce que tu vas là pour quoi en fait, Jonathan? Parce que je fais un blog sur Noël. Ouais. Et puis, c'est pour ça. Et tu vas là-bas. Ma meilleure amie qui vient avec. D'accord, mais en fait ton blog il marche un mois par an quoi. Même pas. Voilà. Ah oui, non, mais ah oui, c'est du gros blog quoi. Ah oui, c'est du gros blog, oui. Mais t'as jamais été. Bon, évidemment, il faut l'oseille, hein, mais t'as jamais essayé de trouver un sponsor pour aller en Laponie dans le village non. du Père Noël. Ah non. Là, tu peux faire un blog, là. Hein. Là, tu peux faire un chouette truc et tout. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Ouais, ça peut être pas mal. À 25€ la nuit. Mais évidemment, 25€ la nuit, ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu fabriques un igloo. Tu dors avec les rennes à ce prix-là. Ouais, tu peux dormir. Et bien, encore, à mon avis, je pense que tu peux dormir avec les rennes, hein, mais ils te saignent, hein, t'inquiète pas. Bon, il y a Mourad également avec nous. Salut Mourad. Oui, salut, bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquille. Bon, je rappelle aussi d'ailleurs que pour ceux qui éventuellement auraient envie de loger Jonathan dans Lille ou dans la région lilloise, n'hésitez pas, bien entendu, il veut faire un article pour sur Noël. Sur voilà, le marché pour son de Noël. Blog, de sur le marché de Noël, exactement. Ouais. Donc voilà, vous m'appelez maintenant 01 42 42 5000 ou alors pour la Belgique le 02 851 4x0. Même si vous êtes à la limite sur Tournai, tout ça, c'est pas fonctionné. Hein. Maubeuge, bon, il y a un petit peu de route, mais... Ça va, hein. Ça ira, hein. Tu vas pas faire difficile, Jonathan. T'es pas dans le détail, Jonathan. Tu veux pas arriver sur la place principale et tout ça, non? Bah c'est mieux, mais un petit peu à côté. Ouais, voilà. Pas si très, ça peut très être loin, voilà. Voilà. 5 minutes à pied de la Grand Place, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc un truc pas trop bien installé. D'accord, ok. Bon, Mourad, tu voulais réagir, toi, Jonathan. T'as des bons plans, toi, pour les logements? J'ai un bon plan pour lui. Oui, je voulais. Bon, c'était un plan. J'ai un plan hôtel, B&B hôtel au Lille Grand Palais. Ah bon, ça même pas 5 minutes, 5-10 minutes. Ouais. Donc la nuit, allez, bon, si j'allais dire 40, mais c'est bon, allez, 30 euros, t'as deux petits déjeuners compris avec. Ah non, il voulait 25, là, non, c'est. Non, mais attends. Bah, 30 euros, c'est déjà, franchement, c'est déjà beaucoup. Non, effort, imagine-toi, t'as deux petits déjeuners compris avec. Ouais, mais il voulait 25. Juste, Mourad, il est à toi l'hôtel ou comment ça se passe? Ouais, c'est ton hôtel, pourquoi tu fais ça à ce tarif-là? Non, c'est un plan échec, donc c'est des codes que j'ai avec mon travail. Ah, sympa. Donc c'est des codes, donc j'ai des chambres, j'en ai plein en fait. Ah, c'est cool. Donc, Jonathan, est-ce que 30 euros avec le petit déj, ça va? C'est pour un jour. Ah oui. J'en ai trois si tu veux même. Voilà, donc tu peux. Non mais c'est 30 euros par nuit. Par nuit. Voilà, allez, ça fait 60 euros pour deux nuits, mais t'as le petit déj compris. Et dans un hôtel bien. Ça va, ouais, la nuit, elle est à 84 euros. Ah bah, t'as vu, tu fais une affaire. Bon, évidemment, moi, je prends mon pourcentage, hein, je prends 10%, donc. évidemment, ça fait 3 euros de plus. Ça va aller. Hein. Oh, dis donc, t'es passé à l'antenne et tout, voilà. Bon, est-ce qu'on peut faire affaire? J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut faire affaire? Tu peux débloquer 10 euros de plus. Bon, 5 euros de plus. C'est même pas 10 euros, c'est 5 euros de plus. Oui, non, par nuit, mais là on voulait 2 à la base. Jours. Oui, voilà. Bah, tu sais quoi, bon, ça va ou pas? Parce que sinon, Toff s'engage à mettre les 10 euros de sa poche. Attends, je mets 450 dans une paire de Louboutins, tu peux mettre 10. C'est bon, tu peux vendre une croix. Voilà. Toff veut bien mettre 10 euros. Ah, mais qu'est-ce qu'il est prince, Toff? Il est tellement ému, Toff, qu'il veut pas parler. Il pleure. Ah, c'est bon, c'est bon là. Oh là là, bravo. Oui, c'est bon. On applaudit, ouais, c'est formidable. C'est pour les fêtes. Toutes ces femmes qui l'a couché. Mais tu vois, Noël, c'est ça l'esprit de Noël. Tu vois le Père Noël avec la neige, les guirlandes, les lumières dans ton cul, ouais. Les marchés de Noël et là il est prêt à donner 10 euros de sa personne pour aider Jonathan. C'est beau. Quel homme. C'est beau, c'est. Attends, 10 euros, tu pars en Égypte, mec, c'est rien. 10 euros de plus en moins. Attends, non, mais l'Égypte ça coûte rien en ce moment. Bah, j'ai raison de plus, ça non plus, ça coûte rien. C'est limite, 10 euros. Tu payes pas le billet pour y aller. Voilà, allez, 10 euros, c'est bien. Non, mais franchement, mais évidemment. Bon, envoyez un message, vous mettez le hashtag Emickel sur le Twitter, sur Facebook et même par SMS. Est-ce que vous trouveriez ça honnête que Toff mette 10 euros de sa poche? Faites monter ça en top tweet, hein. Voilà, c'est ça. Toff met 10 euros de sa poche, pas compliqué. Moi, je mets déjà 450 pour la paire de Louboutin. Ouais. Bon, c'est vrai, 10 euros de plus ou moins, on est plus à ça près, c'est vrai. Mais voilà. Tant qu'à faire, autant que Toff mette la main au porte-monnaie aussi, quoi. Faut quand même pas déconner. Il n'ose pas en parler, c'est ça qui est beau. Mais c'est ça. Il est tellement bon qu'il veut pas se vanter. Non, depuis qu'il doit acheter une croix pour mettre dans sa cave, là, il ne veut pas l'acheter en offre. J'ai un ébéniste qui est en train de me la faire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On n'invente pas. Et il est content. Bah bien sûr. Qu'est-ce que j'ai? Non, je voulais dire. Sinon, il y a un truc vachement bien, ça s'appelle Surfing Coach. Ah ouais? Ouais, c'est quoi? Bah vous connaissez pas? Tu vas dormir chez les gens. Ouais en fait ah, c'est. Ah ouais mais non là site... ça on s'en fout, on l'a trouvé là, il faut juste que tu mettes 10€. C'est un site internet, tu rentres ton truc et donc en gros les gens vont chez les gens. Putain, ah ouais. Et t'as tout ça gratuitement. Et ce qui est beau c'est qu'ils continuent à trouver des solutions alors qu'on a, enfin, il a encore 10€ de sa voilà. Propre. Donc, qu'il est humble. Voilà, donc pour ceux qui viennent. Pour ceux qui viennent de débarquer, Jonathan cherchait à dormir à Lille de nuit, il y avait 50€ de budget pour le week-end. Mourad est arrivé avec une solution qui défie toute concurrence. C'est-à-dire qu'il a 2 nuits pour 60€ dans un bel hôtel, mais en plus il y a le petit déj gratuit. Sauf que Jonathan. Bon bah 10€ c'est un peu compliqué donc je me suis dit il peut inviter une fille avec lui. Et en plus Mora tu peux aller avec une fille donc c'est quand même plutôt cool. Bon, est-ce que vous trouveriez normal que Toff mette 10€ de sa poche sachant que moi je paye déjà une paire de Louboutin à 450 boules ce soir et que pour le coup ça vient vraiment de ma propre poche hein. C'est pas Fun qui paye hein, rien du tout hein. Ça vient de ma propre poche, voilà. Alors est-ce que Toff pourrait sortir 10€ de sa propre poche? Moi je trouve ça honnête, un minimum. Donc hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission, vous envoyez tous vos messages, vous envoyez votre message aussi au 64900 en débutant par Mickaël et Mickaël donc, et puis au 3044 depuis la Belgique. Voilà. Ben écoute Mourad, reste avec nous, Jonathan aussi, on aura Mickaël également dans quelques minutes. Mika. Oui. Bon très bien, t'appelles Daras, tu voulais parler des cadeaux pourris, tu bouges pas? Oui. Bon alors ne bouge pas justement, et puis bah, tant qu'on y est, on va refaire un coup la colle avec notre ami Antonino de Waterloo. Antonino, est-ce que tu es là? Oui, je bon, suis là. Alors toujours pour gagner la GoPro ce soir à l'occasion de la sortie de Kick-Ass 2, vas-y fais péter la colle. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible et souvent pleine. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On proposait, il y a Marine qui proposait un tube de colle. Non. Non, il y a Paul qui proposait c'est de l'eau. Non. Il y a Polo pour la GoPro qui dit c'est la carte mémoire ou la carte SD. Non. Et une carafe d'eau on proposait également là. Non. Non, une cafetière? Non plus. Une goutte d'eau, la connerie? Non. Une capote? Il y a? Non. Florian qui propose un réservoir? Non. Non plus. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, allez-y, on donne la réponse avant 10h30, donc vous avez encore un peu de temps. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Sans oublier que vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bonne chance. Antonino, tu restes avec nous? Oui. Allez, reste là. Et donc, bah, la GoPro a gagné tout à l'heure. Il y a Patoche qui dit oui, Toff doit mettre les 10€. Jérém qui dit merci d'être là. Vraiment la seule émission que j'écoute chaque soir. Merci Jérém. Et Daoud Douida qui dit si Toff veut, je lui prête ma cave et je lui ferai une croix de fortune. Je lui ferai même un bon de 5€. Ah, sympa. Trop généreux. Ah, trop cool. Trop cool. Trop généreux. En plus, balèze comme il est et tout, je vais le sentir passer. Ça va être au top, tu vas voir. Bon, il y aura 2 000 à Toff, je vous l'ai promis. Ça va arriver avec Neon Lights et promis également le son de Red Fou. Let's get ridiculous sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites. Nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct dans toute la France sur Fun Radio, comme tous les soirs, il est 20h46. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle application au Mickaël No Limit là, qui est sortie depuis la semaine dernière. Si vous voulez la télécharger pour écouter l'émission en live, vous pouvez participer au jeu, vous pouvez bien évidemment être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission en temps réel et même écouter les podcasts. Vous pouvez donc la télécharger sur iTunes, c'est gratuit, vous tapez Mickaël No Limit et puis bah vous la téléchargez. Pas plus compliqué que ça, vous la téléchargez et vous l'utilisez sur l'iPhone, sur l'iPod et même sur l'iPad. Alors par contre, faut télécharger en tant qu'application iPhone, sinon ça ne marche pas. J'ai appris ça, donc on va corriger ça rapidement. Voilà, comme ça vous savez tout, allez-y téléchargez, là je compte sur vous. Il y a un message également de Stéphanie qui dit non, moi je veux pas qu'on raquette Toff, il est déjà dans la merde avec les cadeaux de Noël à acheter à toutes ses meufs. Ouais bah il se met dans la merde tout seul. Arrête ton cinéma là, arrête ton cinéma je te dis. Et puis on aura aussi Marine aussi qui dit allez Toff, un petit geste c'est pas grand chose, 10 euros il sera content. Jonathan, je suis assez d'accord, c'est vrai. Et enfin Basile également qui dit Toff est trop généreux, Toff est le père Noël, tu parles. Bah oui, bon, voilà. C'est ça ouais. Bon allez, hashtag Mickaël, continuez avec tous vos messages. Je vous avais promis tout à l'heure le son de Demi Lovato qu'on va vous passer avec Neon Lights. Et puis on va également se mettre dans un instant celui qui avait enflammé Starfloor quand on avait fait Starfloor avec Let's Get Ridiculous. Ce sera tout simplement le Red Fou. Il marquait sous mes yeux, hein, j'arrivais encore à oublier le nom. Voilà. voilà, le son de Red Fou avec Let's Get Really Colo. C'est ce qu'on va écouter d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on va également se faire le chéri, je peux te faire cocu. Avant de reprendre Ignacio qui voulait réagir à Mourad, il y a Jonathan là, Jonathan qui cherchait des bons plans sur l'île pas cher pour aller faire un petit c'était quoi, c'est un blog hein, c'était pour oui, faire c'est, le... son, c'est son blog de Noël, blog spécial de Noël, effectivement. C'est ça, c'est son blog qui commence le 1er décembre et qui se termine le 31 de chaque année. Voilà, et en gros c'était bien résumé je pense hein. Non, c'était bien résumé. Oui, c'était moi, très bien résumé. J'adore ce résumé. Bon, le chéri, je peux te faire cocu, souvenez-vous, c'était cette semaine. Je vais maintenant, je vais tuer ta mère. Voilà, très sympathique. J'arrive, je vais baiser ta mère, fils de pute. Très très classe. Et on avait fait ça. Et on avait fait ça avec Soumaya qu'on va accueillir. Donc, non, le mec était tellement cool. C'était c'était la folie totale. Bon, Soumaya, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, Soumaya, tranquillement. T'appelles de Charleroi, toi? Ah, oui. Cette magnifique ville. Ah, quelle est belle. Mais oui, belle, grande, forte, intelligente. On a l'or noir chez nous. Ah oui, mais il n'y a pas que l'or, hein, tout noir. Est noir. L'or noir, charbon. Ah c'est... oui, bah, c'est sûr. Ouais. Je rappelle que Charleroi a été élu, ce n'est pas moi qui le dis, Charleroi a été élu la ville la plus laide du monde. C'est vrai. Même si c'est la ville la plus laide, il y a la fille la plus belle. Ouais. Oui, peut-être que tu t'emballes un petit peu. Mais bon, vérifions ça immédiatement. Combien mesure Soumaya? Dans les 1m65, ouais. Combien pèses-tu? J'aime bien dans les. Dans les, oui, parce que ça fait longtemps que je... Combien pèse Soumaya? Je pèse 52 kilos. Quel est le tour de poitrine de Soumaya? T'es obligé de répondre. Ah oui, bien sûr. Ah, 95C. Oh là là, oui. Là. Et la taille, et la taille du dernier pantalon que Soumaya a acheté? 36. Ah ouais. Arrive à Charleroi. Ah ouais, je vais me faire. J'ai envie de dire Soumaya Mabit. Oh, c'est drôle ça. Ouais, là, là. Bon, allez, on va l'appeler. On va appeler ton mec. Alors, comment il s'appelle? Adil. Adil, d'accord, ok, très bien. Adil, t'es avec lui depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 5 ans. Ça, oui, 5 ans quand même, d'accord, ok. Est-ce qu'il a un défaut physique, quelque chose qu'il n'aime pas ou l'aime plus chez lui, les cheveux qui tombent, les oreilles décollées, enfin je sais pas, n'importe un quoi. Gros nez. Non, un gros il nez. Est grossi, mais je le trouve toujours aussi mignon. Ah d'accord, ok, là elle est en train de prendre de la pommade. Bah, c'est, non, c'est parce qu'elle sait que ça lui va bien. Au fur et à mesure où ils vont rester ensemble. Bah oui. Évidemment. Il y a un moment, bon, il prendra toute la place, quoi. C'est sûr. Bon, très bien. Donc il est, donc il a tendance à un petit peu grossir. Est-ce qu'il est jaloux? Je crois que c'est l'homme le plus jaloux du monde. Non, genre, un exemple. Un exemple, ben, il vient de s'énerver. Qu'est-ce qu'il t'a déjà fait comme embrouille? Ben, le plus bête, c'est juste maintenant, il vient de savoir que... Ben, par exemple, je fais des cours de soir et il est jaloux parce que je sors. Et je vais à l'école. Il est jaloux que tu ailles à l'école? Ah oui, oui. Oui, ah il veut pas qu'on me voit. Ah, il veut pas qu'on te voit. Non. Oh putain. Ah ouais, là, je pense qu'on n'est jamais tombé sur un jaloux pareil. Il ne veut pas qu'on te voit. Mais c'est sérieux ça? Oui. C'est très sérieux. Mais il est complètement dingue. Mais il est incroyable. Par exemple, les disputes d'avant, c'était parce que je mettais ma photo sur Facebook. Oh là là, là. Oh putain. Oh, je vais me faire insulter. Ah oui. Là je vais prendre très cher là. Bon, très bien. Donc il s'appelle Adil, ça c'est noté. Et bah écoute, alors moi je m'appelle Michel. On est censé s'être rencontrés où alors? À l'école. Parfait. Voilà. Ok, très bien. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt dire que je suis venu visiter l'école ou quoi, parce que quel âge il a lui? Il a 22 ans. Ouais, non, il faut que je fasse le mec plus âgé. Oui. Parce que, tu sais, il faut, tu sais, genre le mec... Mais tu peux faire... je suis en cours de soir et la plupart des gens, ils vont dans les trentaines. Hein. Donc, ah bah parfait. C'est un type de troisième. Ah, troisième, c'est... Si je dis 30 ans, troisième, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, ouais, ok, très bien. Charleroi jusqu'à 40, c'est bon la troisième. Bon. Je suis méchant, là. Oh, ça va, on rigole. D'ailleurs, je connais un super bon bar à Charleroi, le Nirvana. Super au top. On avait été un jour avec Toff là, en termes de cocktail, comment vous dire qu'il y a 17 pages. Ces trucs en noir là. Ouais. Et les noms en plus. Les noms, c'est mignon hein. Qui est juste à côté du Sunset. Exactement, ouais, tout à fait. C'est énorme avec toutes les petits appartements en fait qui sont fait des petites salles, c'est magnifique. Et surtout, c'est-à-dire quand tu demandes une crêpe là-bas, alors fais attention parce que t'en sors trois d'un coup. Donc demande pas comme moi, je dis bah deux crêpes, du coup il m'en a amené 6. Deux assiettes, je failli vomir. Mais c'était bon hein, ça m'a dit. Enfin bon. Bon, on va pas raconter notre life, on va l'appeler maintenant parce que je pense que ça va être vite vu hein. il va nous raccrocher au nez, il va m'insulter et puis il va me tuer. Je pense que en gros c'est ça. Il va m'insulter moi aussi. Oui, toi aussi. Donc alors tu vas lui dire que je t'ai rencontré donc bah au bahut là, machin en troisième là. Et que tu m'as proposé pour ce soir. Voilà, que je t'ai proposé de venir boire un verre chez moi, de coucher avec toi. Tu m'as dit mais non, je peux pas, j'ai un mec, etc. Et donc tu vas lui demander l'autorisation là et puis bah lui va s'énerver évidemment. Et là, je prendrai le relais, t'inquiète pas, il m'insultera moi probablement, toi un petit peu aussi, d'accord. Mais voilà. Donc si jamais je te parle mal, t'inquiète pas, hein, c'est normal. D'accord. Bon, allez, on y va. Je tremble. J'ai peur pour ma vie. Bon, allez, on y va, on l'appelle. C'est parti. Ok. Allez, bonne chance Soumaya. Hein. Merci. Et t'inquiète pas, au pire, Toff vient à Charleroi pour. Ouais. Moi qui viens seul ou Adil, j'ai pas peur. C'est drôle ça. Qu'est-ce qu'il est con. Allô. Allô. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, comment ça va. T'es où. Si on y va. Ok. Je crois qu'il va être chaud. Ouais, B, je dois te demander quelque chose. Non. Qu'est-ce qu'il fait, il dort ou quoi. B. Dis-moi. Ah. En fait... Tu vois là, je t'ai dit c'était dans la soirée. Ouais. Enfin, j'étais en train d'organiser, faire les décorations et tout. Et il y a un type de troisième, il s'appelle Michel, il est venu. Et en fait, il m'a proposé d'aller boire un verre. Et, tu m'écoutes? Ouais. Et je lui ai dit que je suis en couple et tout. En train de tout casser. Et il est en train de me proposer un plan pour ce soir. Enfin, ça, on va parler vite fait, quoi. Allô demain, il sera à l'école. Quoi. Demain, il sera à l'école. Henri, est-ce qu'il raconte. Demain, il sera à l'école. Ouais. Mais là, je suis avec lui. Michel, attends deux secondes, je vais te le passer. Oh, qu'est-ce qu'il dit, alors. Attends tout, parce que ça demain, donc. Non non et attends viens pas attends écoute allô je suis pas à l'école là allô attends tiens Michel ouais bah, hey, quelle heure qu'est-ce que tu fais avec ma copine. Ah bah je sais pas, je l'ai rencontré à l'école là donc du coup je l'ai discuté quoi, comme elle était mignonne et tout. Bah tu vas la laisser là tranquille maintenant, sinon je viens maintenant. Bah tu viens maintenant où. Je viens maintenant, je vais te tuer de ta mère. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, tu sais même pas où je suis là, on est chez moi là. C'est quoi le problème. Ok, j'arrive. Mais t'arrives où. C'est même pas où j'habite. Ok, j'arrive, fils de mais pute. Tu vas où. Mais quelle avance. Mais tu vas où. J'arrive, je vais baiser ta mère, fils de pute. Non mais d'accord, ça c'est une chose, mais... Attends, je comprends pas cette agression, j'ai là. Explosé ta mère, fils de pute. Mais quelle avance. Nickel, lève-toi. Non mais attends, mais tu sais même pas où j'habite. Vas-y, donne l'autre. Comment tu t'appelles. Donne l'autre. Donne l'autre quoi. Donne l'autre. Donne l'autre quoi. Donne à l'autre, je vais tuer ta mère. Mais c'est qui. De qui tu me parles. Donne à l'autre, je vais tuer ta mère. Mais je comprends pas ce que tu me dis. Eh, hey, fils de pute. Mais qu'est-ce que tu... Bah là, je suis chez moi, pourquoi. Enfin, on est t'es chez où, moi. Où t'habites. Mais ça te regarde pas, t'es de la police. Eh, je vais... Ah, ça fait le moins de malin, là, hein. Oh, qu'il est bête. Ah, ils vont... Ah, j'en suis sûr, c'est la radio. Ah, putain, bravo, hein, Soumaya, hein. Ok. Hein Soumaya. Il a fait écouter à l'autre connard. Eh oui. Du coup bah forcément on s'est fait griller hein. Oh là ouais. Là, déception totale. Bon c'est pas grave, si vous voulez faire l'autre chérie, je peux te faire cocu. On rejoue demain bien entendu hein, en direct. Avec plein de cadeaux notamment à gagner évidemment. Donc si vous voulez jouer 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique pour jouer avec nous, on refera un chérie, je peux te faire cocu demain sur Fun Radio. C'est aussi simple que ça. Et je vous rappelle également qu'il y a la nouvelle application hein, de l'émission qui est disponible. Si vous voulez la télécharger, vous tapez MIKL No Limit. Voilà, j'hésitais s'il fallait mettre le hashtag, mais vous pouvez aussi, cela dit, donc vous mettez MIKL No Limit pour la télécharger. C'est aussi simple que ça. Je vous ai promis Redfoo, ça va arriver. Et Demi Lovato qu'on écoute maintenant, c'est Neon Light sur Fun. Il est 20h56, on est en direct jusqu'à minuit. Demi Lovato sur Fun, Neon Lights, bienvenue, il est 9h tout pile, 21h, on est là jusqu'à minuit, tous les soirs de, tous les dimanches, pardon, de 20h à minuit, et tous les soirs de la semaine, hein, c'est de 23h à 2h du mat. Il y a le prince Nadia qui dit en fait, bien reçu mon pack Mickaël, mon pack Fun, trop bien, vraiment contente, merci beaucoup Sandro, bah de rien, prince Nadia. Il y a C'est Cool aussi qui dit Mickaël, coucou à toute l'équipe, de retour après un bon mois d'absence, problème de net, trop content de vous retrouver, bon, on est content de te retrouver aussi, c'est cool. Et Sarah qui dit coucou, Mika dit, tu sais me dire comment on fait pour évaluer les étoiles sur l'application? Bah il faut aller sur iTunes et une fois que tu l'as téléchargé en fait tu mets les notes quoi, tu mets un avis. Ouais voilà. C'est ça, tu cliques sur l'appli et c'est normalement tu peux le faire. Tout simplement. Et Benoît qui dit vas-y tof, ouais tu peux mettre les 10€. Stéphanie qui dit Jonathan essaye les auberges de jeunesse, on sait jamais. Ouais c'est vrai que les auberges de jeunesse, c'est facile. Mais oui c'est vrai que c'était une idée. Avant de reprendre la colle avec Antonio et avant de reprendre Jonathan, je vous explique aussi que d'ici minuit avant la fin de l'émission, je vous offre votre paire de Louboutins. Les filles, vous allez pouvoir venir avec moi directement à la boutique, faire votre achat. Enfin, vous allez choisir la paire de chaussures, je vais la payer et vous repartirez avec votre paire de chaussures. Donc vous viendrez directement avec moi. Si vous n'êtes pas tout près de la radio, eh bien c'est pas grave, on vous paye le train ou l'avion pour venir jusqu'à la radio, passer la soirée avec nous si vous voulez en même temps, tant qu'à faire. Hein. Et puis bah voilà, vous aurez votre paire de chaussures, on fait les trois photos, ça va être la folie totale. En plus vous les aurez pour les fêtes. Et je peux vous dire que là, vous allez vous la ramener. Hein. Ouais. Et vous allez pouvoir vous la ramener surtout. Et ça c'est beau. Et si vous êtes un mec, jouez pour votre copain ou votre copine, ça vous donnera un crédit relation sexuelle illimité. Oh là. Unlimited credits. Voilà. Ah bah ouais, attends, c'est-à-dire qu'à 500 boules de la paire de pompes, faut y aller. Hein. Facebook.com, en plus le jeu est gratuit. Vous allez sur le Facebook, vous likez, partagez la photo où il y a la paire de Louboutin. Et puis si vous êtes tiré au sort, eh ben on vous envoie un message privé sur votre boîte mail Facebook. Et si vous répondez, en gros, on a besoin de votre numéro, vous passez l'antenne et c'est gagné. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Bonne chance tout le monde. Et puis on récupère Jonathan maintenant. Toujours là, Jonathan? Oui, je suis toujours là. Très bien. Il y a Mourad qu'on a plus, mais c'est pas grave, qui nous avait dit qu'il avait une solution pour toi, puisque Jonathan, toi tu cherchais à aller sur Lille, c'est ça, hein, sur Lille, donc pendant 2 jours, pour oui. Faire un reportage sur le marché de Noël. Tu cherchais un logement, 25€ la nuit. Et donc là, il t'a trouvé, oui. Mourad, 30€ la nuit dans un chouette hôtel. Et en plus de ça, t'as le petit-déj, donc ça c'est plutôt cool. Il y a Ignacio également qui vient d'arriver, elle a 20 ans de Paris. Salut Ignacio. Salut, bonsoir, Fun Radio. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bah tranquille, tranquille, on fera d'autres appels tout à l'heure avec Toff là. Est-ce que t'as écouté cette semaine ou pas Ignacio? Enfin la semaine dernière plutôt. Non j'ai pas eu le temps. Eh ben bravo. Eh ben bravo. Hop, coup de pelle, écoute et une gifle dans la tronche Ignacio, c'est mal. Sache-le, c'est mal. Bon. Ah ouais, c'est plus important, non, c'est gosse. Vrai, c'est vrai, mais tu mets les deux ensemble, regarde, nous on travaille, on écoute en même temps. Oui, bah oui. Nous on fait la doublette, C'est une blague. Bon Ignacio, sois le bienvenu, tu voulais réagir à Jonathan toi, c'est quoi le conseil que t'as lui filé? Et bah en fait c'est les auberges de jeunesse parce que c'est bien, c'est entre 20 et 30€. Ouais. Sur Paris, donc peut-être moins cher où il est à Lille. Ouais. Enfin, en plus on fait des bonnes rencontres. Moi j'ai rencontré plein de gens, des Italiens, des Chinois, partout dans des quatre coins de la terre. Et c'est bien, c'est pas cher. Et enfin, le truc c'est que t'es pas tout seul dans la chambre la plupart du temps, c'est souvent à 2, à 3, à 4, mais on fait des bonnes rencontres. Oui c'est vrai, auberge de jeunesse, Jonathan, t'en penses quoi? T'as pas réfléchi à ça? Bah avec l'année avec qui je fais, si tu pars à deux, on peut avoir une chambre à deux, ça existe. Hein. Ouais, mais quoi, le mec il veut pas, c'est-à-dire que le mec il veut un hôtel pépère mais il veut pas débourser d'oseille? Bah c'est une amie. Hein. Ah c'est une copine. Ça sera des chambres séparées dans les auberges de jeunesse. Ah ouais, mais t'as envie de la pécho en fait, c'est ça toi? Non. Si, arrête, tu peux dire les choses. Tu peux nous le dire, nous c'est pas grave. Hein. C'est ça, il n'y a pas de mal, t'as envie d'appeler chose, c'est pas grave, c'est bien. Hein. Non. Nous on va t'aider, hein. Oh là là, t'inquiète. Hein. Non mais ouais, c'est si vrai. Tu veux, on l'appelle, on le dit. Hein. Elle est déjà amoureuse de quelqu'un. Ouais, mais justement, c'est pas grave. Si tu fais ça, on sait jamais, tu sais, hop là, une petite soirée hôtel, luxe, enfin luxe, romantique plutôt, ça peut être bien. Mais je comprends pas, Toff a pas financé l'hôtel. Bah si, les 10€, c'est bon, Toff, tu as pas nous saoulé 7 ans là. On n'est pas top tweet. Oh là là, qu'est-ce qui nous saoule avec ça là? Mais c'est toi. Je ferai à Toff des cookies. Des quoi? Ah bah compte des cookies, Toff. Oh là là, alors si c'est compte des cookies. Toff, t'es pas en train de nous dire que t'es en train de revenir sur ta parole. C'est je n'ai donné aucune parole. Si, tu t'es engagé. Ce mec. Polo, il s'est engagé. Il s'est engagé clairement. Dexter le stagiaire, il s'est engagé, oui ou non? Oui, il s'est engagé. Eh, il s'est engagé. Vous, dites-nous, hashtag Mickaël sur le Twitter et le Facebook, est-ce qu'il s'est engagé ou pas à payer les 10€? Et bien, il revient sur sa parole. Non, je me suis engagé. Quel bouffon alors? Si on est top tweet, je paye. On n'est pas top tweet, je paye pas. Oh là là, bon, ben hashtag Mickaël. Tout ça pour essayer de. Ouais. C'est dur. C'est dur. Franchement, c'est vraiment. Dur. Est-ce que moi je demande des top tweets pour offrir une perle au bout d'un moment? Moi ouais. Je suis là, vas-y. Tu fais trop bah, mets 10 euros de plus. Et puis, oh, je suis à 450 euros pour la paire de pompes. Ah bah ça, c'est toi, c'est trop. Eh ben alors, je prends les 10 euros, tu prends les 450. 10 euros. Rien à voir. T'offres 10 euros. Mais Polo, 10 euros, mets-les. Mais t'as pas. Mais c'est toi qui t'es engagé. Il s'engage et après. Alors par contre, pour se faire sodomiser sur une croix, là il y a du monde. Je me suis engagé si on était top tweet. Ouais, on n'est pas top tweet, on n'est pas top tweet. Bon bah Jonathan, reste avec nous. Et puis bah Ignacio, bah merci pour l'idée. Effectivement, ça peut être pas mal. Pas de soucis. Bah avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux, Ignacio. Ça marche. Allez, bientôt. Bonne soirée à vous. Salut, ciao. Ciao. Et il y a Mickaël avec nous également là. Bah reste avec nous du coup, Jonathan. Hein. Mickaël Darras, ça va Mika? Oui. Bon, dis-moi, est-ce que t'as déjà bataillé pour ne pas aller faire les magasins avec ta copine par exemple? Non. Jamais? Ça t'aime bien aller faire les boutiques en général ou pas toi? Oui. Ouais, bon, tant mieux. Non, mais je vous demande ça parce qu'en fait, il y a une meuf, c'est en Chine, une meuf qui va avec son mec donc faire les boutiques, enfin surtout le mec qui va avec sa meuf. Et donc, bah, au bout de 5 heures, tu en as un peu plein le cul, mec. Hein. Bon, après 5 heures, sans déconner. Ah bah, après 5 heures, évidemment, j'ai compris. Ouais. Ah bah ouais. Donc, il en avait ras-le-bol. Il s'embrouille avec la meuf pour rentrer chez lui. La meuf veut pas. Et au lieu de la planter là et lui dire bon, bah, c'est bon, je me casse, rentre toute seule, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette du 5ème étage du centre commercial et se suicide. C'est pas vrai. Alors, dans l'idée, c'est pas drôle. C'est clairement mais pas non, drôle. Mais c'est pas drôle, c'est juste que c'est tellement improbable. Oh là là, il a pété un plomb. Le mec, il a pété une durite et il a sauté du 5ème étage, et, enfin du centre commercial en l'occurrence. Donc si vous en êtes arrivé là, bah, vous pourrez pas nous appeler. Mais je veux dire, si jamais vous avez pété un plomb à un moment ou un autre à force d'accompagner votre copine dans les centres commerciaux, dans les boutiques ou n'importe quoi, dites-nous parce que là, c'est quand même énorme. Mais ça doit être le genre de truc où le mec, il a dit bah si on rentre pas, je me jette, et la meuf, elle a dit vas-y. Mais et oui. Et le mec, il l'a fait. Ah oh, c'est chaud. Non mais c'est ouf quoi. Et le mec il est assez con pour le faire. 5 heures le mec. Ah mais 5 heures moi je peux comprendre. Ouais mais tu te suicides pas Toff quand même. Non mais moi j'ai déjà fait les boutiques avec des meufs. La nana elle te fait le tour de la boutique. Bah c'est normal. Elle essaye tout. Tu dis alors normal. T'as pris quoi? Rien allait. Y'a rien qui me va. Non Y'avait rien. Tu fais toute la rue commerçante. Et là elle te dit non, on va quand même revenir dans le premier. Et tu sais ce qu'elle achète, le premier fringue qu'elle a essayé. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a envie de passer du temps avec vous. Bah oui, bah t'as qu'à le passer ailleurs. Mais c'est. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Il y a bon. Des lits pour ça, pour passer du temps. Voilà. Bon, dites-nous si vous avez déjà fait les boutiques, les garçons, les filles, là, avec votre copain, votre copine, bien ou mal passé, si vous en avez eu marre, est-ce qu'elle s'est foutue de votre gueule à un moment ou à l'autre. Genre, écoute, je dois y aller, ça, j'en ai pour 20 minutes. Bon, ok, d'accord. 2 heures après, t'es encore là, quoi. Il lui angoisse. Bon, le seul truc qui est bien, c'est les boutiques de lingerie. Quand la meuf elle t'essaye tout, là tu te dis ouais, ça va. Là, il n'y a pas de soucis. Hein. Ouais, là ça va. Le premier, là. Mais quand tu vas chercher des écharpes et tout, c'est une galère. Ça, hein, foutre. Tu fais foutre, foutre. Bon, Mickaël, on va parler des cadeaux pourris dans un instant avec toi. Oui. En quoi en particulier? Cette semaine j'ai acheté une moto sur le bon coin et puis je me fais avoir parce que je peux pas faire la carte grise. Ah bon? D'accord, ok, bah effectivement c'est un cadeau pourri. Bon bah ne bouge pas de là, on va en parler dans quelques minutes, Mika, reste avec nous. Antonino également avec nous, Antonino t'es là? Oui, je suis là. Bon Antonino, fais péter la colle pour repartir avec la GoPro à l'occasion de la sortie de Kick-Ass 2. Tu fais péter la colle, je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, tu perds, il gagne. Si jamais la personne qu'on appelle n'a pas la bonne réponse ou ne décroche pas, c'est toi qui gagne Antonino. Fais péter la colle, on t'écoute. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Voilà, il y a Stéphanie qui proposait la colle du jour, je dirais la coupe. Non. Non, une bouteille de vin. Non. Une voiture pour la colle. Non. Il y a Damien qui proposait Toff le meilleur. Je vois pas le rapport, ça n'a aucun rapport. Moi non plus, mais j'aime bien. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc, je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël, suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64900 par SMS ou au 6322 pour la Belgique. Rejoignez-nous également. Vous pouvez aussi jouer directement sur le Facebook et au moins vous lirez la colle. Peut-être que là, c'est plus facile de lire la colle directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. On a passé les 300 000 grâce à vous depuis ce soir. Pour une émission qui n'a même pas 5 mois, je trouve ça cool. Non, moi je dis c'est bien. Je trouve ça on a très, bien travaillé. Très bien, exactement. Et 300 vraies 1000 personnes, il faut le savoir. Il y en a plein qui achètent, j'ai trouvé ça. Apparemment, on peut acheter des likes, c'est comme sur la liste. Non. Mais si, ah bon apparemment. Mais non. Je sais pas, t'achètes des mecs, t'achètes des likes dans des pays de l'Est, je sais pas quoi, et les mecs en fait ils likent. Et ils sont contents. C'est chaud. C'est ouf. Et ils sont... Alors du coup après il y en a qui s'automasturent en disant j'ai 100 millions de personnes. Sauf qu'en fait c'est des robots donc les gens se masturbent pour rien. C'est dingue quand même. Ça sert à rien surtout voilà. En plus. Voilà. Bon moi je préfère vous mettre de l'argent dans les paires de Louboutins donc après. Chacun son truc. Hein. Il y en a qui préfèrent s'automasturber et puis l'autre qui préfère faire plaisir. Voilà, paire de Louboutins a gagné aussi ce soir donc facebook.com/MIKL officiel. Allez, restez avec nous. Il y aura Drake dans quelques minutes sur Fun Radio. Avec Hold On, We're Going On, il y aura aussi Red Fou comme promis. Puis on revient en direct sur Fun, il est 9h10. On est en direct comme tous les dimanches de 20h à minuit et toute la semaine également de 23h à 2h du matin. On va faire les appels de Toff aussi dans quelques minutes. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, c'est 21h11. Si vous êtes sur le retour là, si vous êtes retour de week-end éventuellement, vous êtes peut-être dans les bouchons, mais c'est pas grave, on est avec vous, on vous suit et vous êtes les bienvenus. Hein. Faut passer avec nous, pour délire avec nous, 01 42 48 5000. Et je vous rappelle aussi qu'il y a le SMS qui marche, vous envoyez Mickaël suivi de votre message, vous envoyez ça au 64 900. Il y a Benoît également qui dit Toff, oui, tu t'es engagé à donner 10 euros. Et Magda qui dit mais Toff, c'est quoi ça? Allez, 10 euros, en plus tu t'es engagé. Stéphanie qui dit si je gagnais le boutin, c'est tournée générale de Morito. Mais on ne m'achètera pas, Stéphanie, même si j'adore ça, ça ne marchera pas, je suis désolé. Bon, allez, pour les autres, n'hésitez pas, mettez bien Toff, comment est-ce qu'on met comme top tweet alors? Comme hashtag. Toff met 10 euros de sa poche. Mais c'est non, long, mais ça. C'est trop long, mais Toff 10 euros et ça ira. Ouais, Toff 10 euros, voilà, c'est ça. Je vais vous le mettre sur le Twitter, vous faites un retweet après, et puis comme ça, il va lâcher ses 10 euros, cette espèce de vieille rapace là. C'est dingue quand même, c'est dingue. Les appels de Toff dans quelques minutes, et puis le son de Drake qu'on écoute maintenant. Hold on, we're going on sur Fun Radio. Bienvenue, bon dimanche, c'est Mickaël No Limit, 20h minuit, c'est tous les dimanches sur Fun. Drake sur Fun avec Hold On, We're Going On. Bienvenue sur Fun Radio, il est 21h15. Il y a un message de Train Lover qui dit cette semaine je vous écoutais pendant que j'étudiais, résultat j'ai tout réussi, 80% sans aucun échec. C'est ça quand on écoute Mickaël. Oui, ça c'est bon ça. Bah voilà, moralité, on peut nous écouter et avoir de bonnes notes. Bah ouais. C'est rare hein. Bah c'est rare mais non mais c'est rare mais il faut le préciser que ça peut arriver. Voilà. Marine qui dit elles me font rêver les chaussures, j'aimerais les avoir pour me la péter auprès de ma cousine. Bah oui, les Louboutins qu'on vous offre tout à l'heure, facebook.com/MIKL officiel pour tenter de les choper. Retour avec Mickaël qui est de retour là. Mickaël de d'Arras. Bon, toujours là Mika. Mickaël. Oui. Ah voilà, très bien. Bon, alors Mickaël de retour et puis on aura également Kevin dans quelques minutes qui voulait réagir à ce chinois qui s'est donc jeté du cinquième étage d'un centre commercial parce qu'il est resté pendant plus de 5 heures à faire les courses avec sa meuf et qu'il a pété une durite et donc il s'est suicidé ce con. Mais devait être vénère parce que qui a porté les sacs après? Mais surtout qui a payé. Non mais je crois qu'en plus le mec il a sauté avec les sacs. Hein. Ah bah voilà, non mais en plus. Oh, bah, putain, en plus il a peut-être cassé les trucs et tout le con. Ah là. Non, c'est grave. Non mais c'est violent quand même, ouais, pour le chaud. Coup, c'est vraiment violent. Bon, alors du coup toi Mickaël, tu voulais donc nous parler de ton cadeau pourri. Alors tu t'es fait un cadeau pourri, t'as voulu faire un cadeau pourri, c'est ça? Oui, alors j'ai acheté une moto sur le bon coin et quand je veux faire une carte grise, je peux pas parce que la moto elle est gagée. Ah bah c'est pas de chance. Mais tu t'es pas renseigné avant? Bah non, parce que moi en plus le monsieur quand j'étais là-bas, il me dit il s'est fait peur pour ça avec. La moto elle était presque neuve, elle avait 6 mois, il me dit j'ai eu peur et c'est pour ça que je la vends. Et moi j'ai fait les papiers, tout ça. En plus c'était quelqu'un de sérieux au début. Ah ouais, mais faites gaffe, hein, tu sais, ouais, des gens comme ça, il y a marqué sérieux sur leur front. Sauf qu'en fait, vous faites niquer, mais prenez toutes les précautions, surtout un truc comme ça. Je dis pas quand t'achètes un jeu à 30-40 euros, bon déjà ça fait chier de se faire rouler, mais quand t'achètes une moto, une voiture, un truc à plusieurs milliers d'euros, prenez toutes les infos et faites pas confiance sur la gueule du mec, quoi. Tu regardes Toff, il a une tête, tu dis ouais, alors c'est une merde. Ah, c'est une ordure. Mais oui, mais c'est ça, alors qu'en fait pas du tout. Non, alors je suis l'homme le plus honnête de la Terre. Tu parles. J'étais à la commissariat de police et le commissariat de police il m'a dit qu'il faut déposer plainte et puis ça peut prendre plusieurs mois, voire un an. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Ouais, parce qu'il m'a dit c'est pas important, il y a des trucs plus importants avant à traiter, alors voilà. Alors j'ai payé ça 10 000 euros pour rien. Aïe. Putain, ah oui, la même. Violence. Bah, t'as une moto quand même pour 10 000 euros. Ouais, elle est dans le garage, je peux pas rouler avec. Je peux rien faire. Ah mais tu l'as. Mais tu l'as déjà. Ah oui. Bah voilà. Bah c'est bien, tu peux te mettre dessus dans le garage. Et puis tu as des barres. Tu fais des photos pour Facebook. Ah ouais, ouais, grave, tu te la ramènes et tout, non? Non, mais sinon, pire, tu trouves un garagiste, tu la démontes et tu la revends en pièces détachées. Bah non, mais je peux rien faire. De toute façon, non, ça m'intéresse pas. J'ai déposé plein de coussins et puis bah maintenant, je laisse la faire dans mon tribunal. Et puis bah maintenant, je peux l'attendre. C'était un plaisir que j'avais mis des sous de côté pendant 2 ans. Bah, sinon, ce que tu fais, tu la revends à un autre mec et puis comme ça, lui, il verra qu'elle est gagée aussi. Oui, moi, je suis honnête, moi. Oui, c'est ça, oui. A-t-il dit il y a 2 minutes. Non. Et le pire, c'est qu'il le ferait, Tom. Mais oui, ah bah oui, bien grave. Sûr. Attends, mais il y a des moments, tu sais, quand t'as le truc de merde, il y a un moment, faut le refourguer, quoi, tu vois. Moi, j'ai aucune pitié, le mec qui m'a arnaqué, j'en ai arnaqué un autre. Hein. Mais tu vois, et c'est comme ça que c'est devenu un connard, parce qu'il y a une meuf qui s'est foutue de sa gueule, et depuis, il se fout de la gueule de toutes les autres. Ah, mais c'est nul, Tof. Ouais, mais combien elle a coûté la moto? Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Mais combien, ouais, mais c'est, regarde ce que ça te rapporte. Elle t'a coûté combien la moto? 10 000 euros. Oh là là, 10 000 euros. C'est cher hein, pour une moto. Bah ça dépend laquelle. C'est une belle moto quand même. Non mais ça dépend laquelle. Normalement la moto elle se faisait 14 000 euros au magasin. Ouais. Et comme le monsieur s'est fait une frayeur, soi-disant. Ah oui, il s'est fait une frayeur, bah oui, forcément il s'est fait une frayeur. Ouais, c'est fait une frayeur, c'est quand l'huissier est venu pour dire monsieur, on va la récupérer. C'est ça quoi, putain, laisse tomber. Bon, et bah du coup il y a rien à faire parce que là on peut pas t'aider là pour le coup. Ah non, bah je peux rien faire, mais j'attends, la moto elle est dans le garage, je peux rien faire. Alors ce que tu peux faire éventuellement, ce que tu peux faire, je sais même pas si c'est légal, mais enfin je veux le dire quand même, on s'en fout, après tu fais comme tu veux, c'est tu la démontes, tu la vends en pièces détachées, hein. Tu vends une roue, tu vends un clignot, tu vends un bouton. Non, mais parce que le commissaire de police, il a pris la carte grise, tout ça, il m'a dit, mettons, on va convoquer le monsieur, tout ça. Ouais, mais ça c'est parce que t'as voulu être trop honnête dès le départ. C'est ça, voilà. Ça c'est bien, hein, c'est pas ça. Non mais c'est bien dans l'idée, c'est une bonne idée, mais c'est juste que bah ça t'arrange pas quoi. Bah moi pas du tout parce que bah voilà, même quand j'arrive pour faire la carte grise, elle me dit bah non c'est pas possible. Je dis pourquoi c'est pas possible. Et quand ils m'ont dit bah non parce que la moto elle est gagée, je tombe dans l'herbe. Excuse-moi, qu'est-ce que t'appelles gagé? Bah c'est-à-dire qu'en fait le mec il était endetté et donc du coup la moto il l'avait prévu en tu vois genre quand tu vas faire un emprunt tu dis bah je vous la mets en gage. D'accord. Donc si je rembourse pas vous prenez la moto ou la maison ou n'importe quoi. Bah là la moto est dégagée quoi. D'accord. Donc et bah bon courage hein, dis-moi Mickaël. Bon c'est pas grave mais tant pis. Bon on va te filer un pack fun. D'accord, merci. Sinon Tof il a une moto, il peut pas lui filer? Bah il a plus de moto hein. Ça fait bien longtemps qu'elle est encore dans une ancienne radio si tu veux la moto. Là, il doit y avoir tout est 300 cm de poussière là. Mais non. Il a même gagé son âme lui. Ouais. J'ai tout gagé moi. Non mais il a même pas gagé, parce que gagé ça veut dire que tu la gardes encore et qu'au cas où on te la prend, lui il a déjà donné. Hein. Ouais. Oh là là, c'est déjà parti depuis longtemps. Bah merci Mickaël en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. D'accord, merci. Salut Mika, à bientôt. Je vous ai mis sur le Twitter, allez voir, j'ai mis Tof paye 10 euros, le hashtag Tof paye 10 euros. Donc mettez-le en top tweet, comme ça on paye les 10 euros à Jonathan, puisqu'il voulait aller à Lille pour faire un reportage sur un marché de Noël. Il lui manquait 10 euros pour le logement, et donc Tof s'était engagé, puis après il a fait oui, ouais. Mais non, mais si un top Twitch, pas quoi, enfin bon bref. Donc je compte sur vous. Voilà, oui, la honte, exactement. Ouais. Donc je compte sur vous, sur tous ceux qui sont sur Twitter. Il y a Benoît qui dit, est-ce que vous faites un top tweeto ce soir? Oui, tout à fait, comme tous les soirs d'ailleurs. Le principe plutôt c'est simple, plus vous mettez de messages avec le hashtag et Mickaël sur Twitter, plus vous avez de chance d'être dans le top 5 du top tweetos du soir. Et donc si vous êtes dans le top 5 et ce soir si vous êtes 3ème, vous repartirez avec votre sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Benoît Gwenaël également qui dit sur la route en train de vous écouter, on rigole bien, c'est génial, merci Gwen. Et Daoud Douida qui dit le dimanche c'est pas le jour du battle d'impro. Si on fera ça tout à l'heure vers 23h, le battle d'impro. Et alors DJ Comac qui dit mon plus beau cadeau c'est d'être avec vous le soir de Noël. Oh, merci DJ Comac. Et Renaud, écoute-moi, j'ai failli égorger la caissière de la Fnac, mais je sais plus pourquoi t'as dit ça. Peut-être que le message t'est arrivé trop tard, je ne sais pas. Issam de Liège qui dit bonsoir à tous et à toutes, Mickaël et toute l'équipe, c'est parti pour Mickaël No Limite, fidèle au poste comme tous les soirs. Gros big up, merci Issam de Liège. Et Shippers Baby, j'adore ta voix, je suis amoureuse. Merci Shippers, merci beaucoup, c'est gentil. Enfin quelqu'un qui a bon goût, j'ai envie de dire, évidemment. Bon, il est 21h23 sur Fun. Jonathan, tu restes avec nous, il y a Kevin qu'on va récupérer par rapport au shopping. T'es là Kevin? Ouais, Kevin, très bien. Kevin qui voulait nous parler du shopping, donc, puisque tu as déjà eu l'occasion, Kevin, de souffrir avec une meuf, c'est ça? Ah, bien souffert. Bon, bah, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes? Pas de soucis. Bon, est-ce que tu étais avec nous cette semaine? T'as écouté l'émission ou pas du lundi au jeudi? Oui, parce que j'étais au boulot toute la semaine. Ah, bah, parfait. Est-ce que tu as entendu quand on a appelé les gens pour parler de la vulgarité? C'était en début de semaine, ça. C'était mardi, si mes souvenirs sont bons. Oui, je mardi. Pense, ouais, mardi, c'est ça. Et donc, ouais. Et donc la vulgarité, on avait appelé, je ne sais même plus où d'ailleurs. Je sais plus trop. Enfin bon, en gros, l'idée c'était d'aider les gens à devenir polis. Hein, voilà. C'était leur apprendre les bonnes manières. Et voilà. Comment devenir des gens sympas. Et pour ceux qui ne peuvent pas écouter peut-être la semaine ou ne savent pas, qui viennent de débarquer, que bah oui, il y a l'émission aussi de 23h à 2h tous les soirs de la semaine. Et ben bah, il se passe ça en général. On appelle avec Tof pour prévenir les gens, pour leur annoncer des informations des importantes. Des bonnes nouvelles souvent. Et des bonnes nouvelles. Et donc là, en l'occurrence, de ne pas être vulgaire. On l'avait donc appelé et c'est parti. Bah, reste avec nous du coup, Kevin. Ça lance. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce qu'on m'a dit que votre femme était un petit peu vulgaire. Bah, pas du tout, non. Ah, non, parce qu'il paraît qu'elle est un peu mal élevée. Et ta mère, elle est pas mal élevée. Ah, vous voyez, monsieur, ça c'est mal élevé. Donc on a. Les gens avaient raison. Ouais, on va te faire un peu enculé. Hein. Mais non, monsieur, ça n'est pas bien. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ah, mais raccroché, hein, donc ouais, du ça, coup... c'est trop rapide. Trop bah rapide. Oui, c'est ça, c'est de la vulgarité, quoi. On l'avait rappelé du coup une deuxième fois, c'est parti. Allô. Oui, vous voyez, monsieur, hein, ça, ce n'est pas bien ce que vous venez de faire. Oh, mais t'as que ça, photo de tes soirées ou de tes journées, toi. Oh. Mais pas du tout, monsieur, mais j'essaie de vous apprendre les bonnes manières. Ah, bah, les bonnes manières, c'est déjà que t'appelles avec ton numéro, ok, t'arrêtes d'appeler en privé. Et de deux, tu vas te faire enculer, voilà. T'as compris? Vous voyez ça, monsieur, te faire enculer. Ça n'est pas les bonnes manières, monsieur. Hein, on ne dit pas ça aux gens. Oui, mais il t'a raccroché au nez nouveau. Hein, donc, hop là. C'est scandaleux. Ouais, et avant d'écouter New World Sound, on avait rappelé encore une fois, même deux pour être précis. Allô. Oui, excusez-moi, mais là, il faut vraiment qu'on voit les bases depuis le début, hein, monsieur. Bon, écoute-moi, petit PD, t'habites où? Moi, j'habite à Paris, monsieur. Alors, écoute-moi, je vais prendre l'avion, je vais monter, je vais te plastiquer. T'as compris, gros PD, que tu es. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Moi, j'essaie de vous apprendre Non, mais t'as compris ou pas? Écoute-moi bien, t'as compris? Mais oui, mais c'était pas les bonnes manières, ça, monsieur. Hein, normalement. Mais va te faire un peu enculer ou avec tes manières de merde. Va te faire enculer, tu comprends ou pas? Non, ça ce n'est pas les bonnes manières, monsieur. Les bonnes manières, oh, vous devriez être heureux que j'essaye de vous apprendre des choses. Oh, je vais te crever, la tête de ma mère, je vais te crever. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer, gros PD que tu es. Mais ça se fait pas, monsieur, enfin. Mais si vous voulez. Je t'appelle là. Je t'appelle. Non, je sais pas, monsieur. Je t'appelle encore. Alors écoute-moi bien, petit PD. Écoute-moi bien. Je répéterai pas deux fois. Tu m'en rappelles encore une fois. Je t'expose, t'as compris? Oh gros PD. Non, ce n'est pas les bonnes manières ça monsieur. Ah oui, le nouveau raccroché donc, il est Corse, on rappelle. Oh putain. Oh, tu vas encore me casser les couilles longtemps. Mais non, mais j'essaye monsieur de vous apporter un petit peu de bonheur et de vous apprendre à bien parler. Parce que là vous parlez mal. Je vais te crever, la tête de ma mère, je vais te crever. Donne-moi ton adresse, je monte. Donne-moi ton adresse, dépêche-toi. Je suis 20. Ouais. Rue Bayard, B-A-Y-A-R-D. Ouais. À Paris. À Paris. En plus, t'es une Parisienne de merde encore. Oui, mais c'est pareil ça, monsieur. Vous ne pouvez pas me dire que je suis un Parisien de merde. Ça, c'est pas bien élevé. Et toi, t'es bien élevé, t'as venir emmerder les gens comme ça. Mais je ne vous emmerde pas, monsieur. J'essaie de vous apprendre à bien parler. Et alors, là, pourquoi tu m'appelles alors? Parce que je vois que vous avez des difficultés avec le langage, monsieur. Et oh putain, au boulot de merde, espèce de petit PD de Parisien. Non monsieur, je ne suis pas homosexuel. Gaulois de merde, voilà. Ouais, mais bon, tous les mecs du sud ils me disent voilà. Ça. Mais ça se passe la semaine, hein, de 23h à 2h sur Fun Radio. On écoute le son de New World Sound maintenant sur Fun Radio avec The Flute. On aura aussi Canular du jeudi qu'on vous diffusera encore une fois dans quelques minutes. On aura également Kevin là, toujours là Kevin hein. Toujours là, très bien. Et bah Kevin qu'on va te reprendre dans quelques minutes pour parler du shopping. Et puis on va se faire le son de New World Sound avec The Flute, ça te branche? Ouais. Très bien, bah tu peux dire non si c'est pas grave. Hein. Mais non. C'est Fun Radio avec New World Sound qu'on vous avait fait découvrir sur Fun Radio et qu'on avait nous-mêmes découvert grâce à un auditeur. C'est ça, c'est que de la découverte. Voilà, qui avait demandé le son de The Flute. On savait pas ce que c'était, on l'a mis pour la première fois et depuis, bon, on le passe souvent. Il y a M. Diaz qui dit après cette journée de merde, ça fait du bien d'écouter Mickaël. Grâce à vous, ma soirée sera mieux, merci. Hashtag Tof paye 10 euros. Oui, ah bah continuez avec le hashtag Tof paye 10 euros. Je rappelle que c'est pour aider Jonathan. On va récupérer dans quelques minutes Antonino pour la colle. Et je vous rappelle qu'encore une fois, on vous offre ce soir votre paire de Louboutins, mesdemoiselles. Attention, vous allez venir avec moi dans la semaine si vous êtes dispo pour acheter votre paire de Louboutins. Vous allez avec moi moi, on va aller dans la boutique. Vous allez acheter la paire que vous voulez, je paye et vous partez avec. C'est quand même plutôt sympa comme, comme système, hein. C'est même plutôt cool. Moi j'aime bien. Bah voilà, exactement. L'idée du tout gratuit, j'aime bien. Voilà, complètement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous n'habitez pas tout près de la radio, c'est pas grave, on paiera quand même le transport, hein, pour que vous puissiez venir directement tout près de la radio pour acheter votre paire de Louboutins avec moi courant de la semaine ou la semaine prochaine pour que vous puissiez les avoir avant les fêtes. Et Toff paie son verre ce jour-là, c'est et oui, en plus, c'est que ça c'est beau. Et oh là là, magnifique. Waouh, gentleman. Je paye trop de choses maintenant cette émission. Ouais, tu parles. Arrête. Voilà, donc si vous voulez gagner, facebook.com/mikaelofficiel, vous likez la photo où il y a la paire de Louboutins, la paire de chaussures noires avec le talon, avec le la semelle rouge. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous l'offre. C'est pas plus compliqué que ça, ça vaut 450 euros. Il suffit de faire un like et un partage. En plus, le concours est gratuit, donc vous ne perdez rien à part éventuellement une demi-seconde à faire le like et le partage. Facebook.com/mikaelofficiel, il y a Abdou qui dit je vais te crever, ce n'est pas bien de prendre Toff pour un ballon. C'était par rapport à l'appel qu'on a fait il y a quelques minutes. Et Nes qui dit tu n'y échapperas pas, Toff. Bah écoute, j'espère, ça dépend de vous en tout cas par rapport au, à Toff paye ses 10 euros évidemment. Bon, ah oui. Est-ce que. Dis-moi, t'es toujours là, Kevin ? Je suis là. Est-ce que t'as entendu cette histoire de ouf ? C'est un mec qui a couché avec une meuf à Nouvel An l'année dernière. Jusque-là, il y en a plein. Ouais. Le mec passe la nuit avec une meuf, hein, qui s'appelle Katie d'ailleurs. Hein. Et puis le matin, bah, il trouve sur son oreiller un petit papier avec écrit « Find me ». Donc, tu sais, retrouve-moi en fait. Hein. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il part à sa recherche, il demande à tous ses potes, Facebook, Twitter, tout le bordel. Et finalement, que se passe-t-il ? Il la retrouve. Oh, oh. C'est mignon. Mais ouais. Oh. Mais en fait, pas du tout. Mais en fait, pas du tout, puisque la meuf lui met un vent. Donc, voilà. Ouais. Donc si vous aussi vous avez déjà eu des bons gros râteaux, venez nous raconter tout ça. 01 42 48 5000, vous m'appelez où vous soyez en France. 02 851 4x0, vous m'appelez où que vous soyez en Belgique. Et puis pour tous les autres, vous faites le 00 33 1 42 48 5000 si vous écoutez par internet d'un autre pays que la Belgique ou la France. Vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Quels sont les pires gros râteaux que vous avez pris en pleine tronche? Il y en a un particulier, toi Kevin, ou pas? Un petit souvenir comme ça d'un bon gros râteau? Non, là ça va, j'ai pas un plan de ce côté là Y'a pas de plainte de ce côté, genre le mec il a jamais pris le râteau de sa vie et tout, il se la ramène. Non, la non. C'est un beau gosse. Non, non, pas du tout, non, ça va. Bon, d'accord, ok, très bien, Toff. Oui, bah oui, voilà, Toff, c'est le festival du râteau. Oui, j'en ai plein, mais j'en ai un peu dans le même style que lui. C'est une meuf que j'avais draguée sur le net, parce qu'on s'envoyait des messages, etc. Ouais. Et au bout d'un moment, la meuf me dit ouais, viens et tout, on passe le week-end ensemble chez moi, machin et tout. Donc je me tape, genre, je puis. 600 ou 700 km. Et après il veut pas donner 10 euros. Hein. Après il veut pas donner 10 euros pour faire plaisir à l'huteur, mais il se tape l'essence ou le train pour faire 600 bornes aller, 600 bornes retour. J'avais pris le train. Et rapace. Non. Ouais, en plus à l'époque je gagnais pas si bien que ça, donc c'était je m'étais saigné pour y aller. J'arrive là-bas. Donc déjà la meuf elle me fait bon voilà, donc je te montre ta chambre et tout, c'est là. Donc déjà on arrive chez ses parents, donc ça me paraissait bizarre, mais bon. Donc elle me ouais, tu dormiras là, moi je vais dormir, je dors là-bas, mais genre c'est à l'autre bout de la pièce, donc, enfin à l'autre bout de la maison, donc impossible qu'on puisse se retrouver pendant la nuit. Mmh. Ouais. Donc déjà je sentais mal l'affaire. Puis après elle m'emmène dans une soirée machin où il y a tous ses potes, on fait la fête, on rigole, machin. Et en fait le soir elle me fait bon bah voilà, tu peux aller dormir, bonne nuit. Ça c'est bon ça. Ah oh, là j'étais vénère. Ah oh, ça c'est bon. C'est bon, c'est ça. Parfait ça. Ah ouais, c'était génial. Ouais. Bah oui, bon, racontez-nous les pirateaux là que vous avez pris. Hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y aura le canular du jeudi qu'on va vous mettre dans quelques minutes. Et puis bah Kevin qui voulait nous raconter aussi son histoire. 20 ans de Paris, Kevin. Oui. Très bien. Ça. Et donc toi, c'était par rapport au shopping, puisqu'on rappelle toujours que il y a un Chinois qui s'est suicidé, ce con, parce qu'il était obligé d'aller faire des courses, enfin du shopping avec sa copine. Sauf que ça a traîné. Après 5 heures, il en avait plein le cul. Il essaye de négocier avec sa copine pour partir. Sa copine veut pas. Il s'engueule. Et bah en fait, pour se venger, il saute du 5e étage du centre commercial. Forcément, il meurt. Et donc on voulait savoir si vous aussi, vous en aviez déjà eu ras-le-bol de faire des courses avec votre copain, votre copine. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut tout nous dire. Alors Kevin, on t'écoute. Alors comment ça s'est passé ? Un samedi dans un centre commercial évidemment blindé, comme tous les samedis. Et on passe après, mais moi au bout d'un moment je fais écoute, j'en ai marre, comme tout. Parce que bah une nana, ça passait une heure dans une boutique, puis après bah la suivante pareil. Et ouais, une meuf quoi. Exactement, une meuf quoi. Et au bout d'un moment je fais écoute, moi ça me saoule, on y va. Elle me dit non, j'ai encore des boutiques à faire. Je fais bon bah ok, je t'attends dans la voiture. Et du coup j'ai attendu deux heures dans la voiture, mais j'ai tapé une pièce. Ah putain, mais c'est bien si, bah tu sais, voilà, après Ah ouais, j'ai dormi. Mais oui, mais t'as raison. Moi ça m'arrive aussi, tu sais, parfois, moi je vais me faire un tour, hein, je me promène, je vais me balader, je fais autre chose, quoi. Chérie, non, mais ça me saoule. Surtout que moi, tu sais, quand je vais faire des boutiques, comme je pense une grosse partie des mecs, je sais ce que je veux. J'ai besoin d'un fut, je vais là, je vais dans la boutique, j'achète, je regarde peut-être 2-3 modèles, j'essaye 2-3, je le prends, je me casse. Mais je nous, si on part avec cette idée-là, à ouais, la base. Non, non, non, non, parce que les meufs, elles partent avec une idée, j'ai besoin d'un fut, mais elles reviennent avec tout sauf le fut. C'est tellement vrai, ça, c'est voilà. Tellement vrai. Une paire de chaussures, 2, 3, 4 paires de chaussures. Alors, surtout quand tu fais les courses, tu vas en vacances ou tu sais, dans des endroits où peut-être c'est moins cher ou des trucs comme ça. Alors, tu reviens, donc tu pars avec déjà avec 20 kilos dans les valises, tu reviens à 40. Et tu dis, ah bah oui, il y a trop. Bah oui, mais bah oui, il y a trop, oui, en fait. Ah, mais moi, un jour, j'étais allé faire les magasins avec une meuf. Donc on va. Mais toi, il est encore plus con, lui. Il offre, il ramène des espèces de nounours qui font 50 kilos. Ah oui. Hein, on est ça, en vacances. Ouais, je t'offre un nounours. Oh, c'est génial. Ouais, on lui en fait quoi, espèce de connard, ces vacances-là, je croyais que j'allais le tuer, quoi. Il se trimbalait partout avec son avec un nounours qui devait faire mais géant. Énorme. J'ai dû acheter un fauteuil dans l'avion, nounours aussi, quoi. Mais oui, il était énorme. Mais non, mais il a acheté une baleine. C'est une baleine. Mais véridique, c'était une vraie baleine. Et on était à Los Angeles. Ça vous donne une idée de l'endroit où on était, et il faut revenir avec la baleine après. Ah hein. Et c'est ça qui est bon pour pouvoir faire des vannes. Et donc je vais avec la meuf, on fait les magasins, et donc elle allait, je sais plus ce qu'elle avait besoin, et donc on fait 15 000 magasins, elle achète 20 000 trucs, puis on part de là, je lui fais, mais tu devais pas acheter, je sais plus, on va dire, un t-shirt machin. Ah oui, si, ah bah on y retourne. Oh putain, il a ça. Moi je suis partie dans un centre commercial, je devais acheter juste des chaussettes. Je me suis dit, je n'achète que ça, j'ai pas de thunes, que des chaussettes. Je suis allée au centre commercial. J'ai acheté un sac Guess et j'ai oublié les chaussettes. Je suis rentrée chez moi. Putain, mais c'est pas sérieux. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Non, mais c'est pas sérieux. Alors que si t'avais pris des chaussettes Guess au prix du sac, ils auraient pu te les offrir. Ah bah oui. Je sais pas, mais j'ai flashé sur le sac. J'ai fait une grosse connerie. Je l'ai acheté, voilà, comme je suis une meuf. Ah bah j'ai plus d'argent pour la chaussette. Je me suis mis en galère et j'ai oublié. Bah mais non, ouais. J'ai oublié les chaussettes. N'importe quoi. Et toi, Kevin, t'es encore avec cette meuf ou t'es avec une autre? Ouais, si, je suis encore avec elle. D'accord. Et t'es en fait. Encore avec elle, mais du coup, en fait, maintenant, quand elle me dit je vais faire les boutiques, je fais OK, pas avec moi. D'accord, non mais moi après. Non mais c'est ça, après moi je trouve faut pas imposer à son non. Mec de venir. Moi ce qui est stressant quand tu vas faire les courses avec ta meuf, ce qui est stressant c'est bon déjà tu suis hein, à un moment t'es un petit chien, tu suis, t'attends que le temps passe, voilà. Et c'est juste quand elle te demande un avis. Oh putain, ça c'est l'angoisse. Ouais, ouais. Ah, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Celui-là ou celui-là? Bah ouais, celui-là, ah bah moi je préfère celui-là. Ah ouais, celui-là. Bah moi je préfère l'autre. Et bah prends ouais, l'autre exactement. Bah ouais mais pourquoi tu me donnes pas ton avis? Et bah prends les deux. Bah prends les deux. Exactement, dans ce cas-là, tu prends les deux. Mais il y a un mec une fois il me disait moi je préfère ne pas savoir ce qu'elle achète et avoir la surprise de la voir avec quand elle arrive. Voilà. Hein, c'est un DJ ou non, c'est un... Non, c'était un pote. Arrête avec ça. Arrête. C'est un pote qui m'a dit ça. Et effectivement, c'est ce que je fais maintenant. J'emmène plus jamais quand j'en ai un. Mon mec avec moi. Mais c'est mieux, c'est mieux. Courses, il alors, découvre quand je rentre, quoi. Ou alors, il y a le pire. Il y a le pire. C'est quand ta meuf te montre pas tout. Tu sais, parce que parfois, elle oublie, elle a acheté un truc, elle le montre plusieurs fois. Elle a oublié, elle a caché. Et après. Non, pas du tout. Non, pas spécialement. Ouais. Pas spécialement. Et qu'après, genre, j'en sais rien, moi. Un bracelet. Voilà, achète un bracelet. Tu pas directement. Et puis, quelques jours après, si tu regardes, j'ai l'impression qu'il est neuf, mais là t'as un problème. Ouais. Soit tu lui dis, ah il est bien ton nouveau bracelet, et pas de bol, c'est un vieux. Et là c'est le drame parce que ouais, tu fais pas attention, t'as vu, ça fait un an que je l'ai, etc. Ou alors tu dis, je ferme ma gueule, comme ça je prends pas de risque après, t'as vu, j'ai un bracelet, t'as même pas vu, hein. Ouais, donc tu fais attention. Hein. C'est vrai. Oh, putain, et donc t'es en fait dans la merde parce que tu sais que. Bah vous avez qu'à nous regarder un peu plus, mais et on le sûr de vous. Mais hein. Arrête, bah mais si tu as dit toi-même que tu avais mais non, mais y a le tellement. Doute. Non, mais il y a tellement. Il y a tellement, tu non, peux pas t'en tenir. Non mais un bracelet, t'abuses. Non mais arrête. Mais souvent, quand on achète un nouveau. Même des vêtements. Vous voyez quand... pas. Mais non mais parfois. Grave. Mais arrête. Mais non mais même parfois t'es là. Je mets ça ou ça. Michel. C'est la même chose. Hein. C'est juste qu'il y a peut-être une ligne en plus, Kevin. Il y a peut-être une ligne en plus sur le col ou j'en sais rien. C'est ça ou ça. Bah c'est quoi la différence. Bah ça se voit. Oui, parce qu'au niveau des épaules, ça fera pas la même chose. Ouais. Bon Kevin, tu voulais dire ça. Ouais non mais surtout en plus. Moi je vois ma meuf. Une fois elle m'a fait ouais j'ai besoin d'un jean. J'ai dit mais attends t'en as plein l'armoire et tu veux encore un jean, à quoi ça sert ça lui ouais. Non mais elle a rien à se mettre. Non mais c'est la pauvre. Le pire c'est la meuf c'est qui ça exactement. Mais oui, tu touches son armoire, ça tombe de partout. Mais faut pas discuter. C'est ça. J'ai rien à me mettre. Ah le bon meilleur, bah, c'est vrai. Le meilleur pour ça c'est Polo quand même, il gère bien. Ah bon, de quoi? J'ai remarqué, il est très observateur. Ah oui, observateur. Te dire ouais t'as fait ça là, t'as fait ça. Ouais mais il a que ça à faire. Le moindre changement, tu te fais une frange ou quoi, bah il remarque direct. Bah oui, mais bien sûr, mais c'est parce que c'est un pervers, il analyse tout, c'est comme les psychopathes. C'est comme les psychos, ils ont aussi ça. Hein. Ces meufs, elles doivent être gâtées, bah ouais, de ce côté-là. Ouais. Bon, bah Kevin, merci en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. Bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro Standard, je te la repasse merci, direct. Salut. Allez, à bientôt, salut. Kevin. Appelez-nous les filles, tiens, pour voir si vous avez déjà eu des galères avec vos copains et copines, là. Comment ça s'est passé. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a des messages aussi qui sont arrivés. arrivé. Stéphanie sur le Twitter qui dit mais moi le shopping c'est avec les copines ou toute seule mais pas avec les mecs. Il y a Haribo qui dit ma copine m'a fait subir 4 heures de shopping, je me suis endormi sur un banc. Ça c'est horrible. Il y a Julia aussi, la skin queen, qui dit les filles disent qu'elles doivent acheter un seul truc et repartent avec 5 sacs plein de fringues, ça c'est clair. Et Mike qui dit j'ai la larme à l'œil, j'ai fait découvrir Jean-Pierre Sauzère in the Wonderland à un pote, il a encore la bouche ouverte. On vous le remettra tout à l'heure si vous voulez. Il y a John Roby qui dit on peut mettre le canular de jeudi dernier avec les Marseillais s'il vous plaît. Ah oui, c'était la semaine d'avance encore. Bah pourquoi pas, on va voir. Et Alexou qui dit tu habites trop loin de chez moi, tu ne mérites pas. Voilà des exemples de râteaux. C'est vrai. Bon, on parle des râteaux, on parle aussi du shopping avec vous les filles. Là, vous m'appelez maintenant, n'hésitez pas. Et puis on va se mettre aussi dans quelques minutes le son d'Hardwell avec Dare You sur Fun Radio. Bonne soirée, bonne nuit également pour ceux qui sont déjà en train de roupiller. C'est Mickaël No Limite. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Faites passer le message. Il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 20h minuit. Fuck Mickaël No Limite. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, on est en direct sur Fun dans toute la France. Il y a Julien qui dit ah bah, il y a Skinkin là, mon cousin vous écoute depuis la semaine dernière, un petit message de bienvenue pour lui. Eh bah écoute avec plaisir. Hein. Eh bien allez vous faire foutre cher ami. Voilà, en toute simplicité bien entendu, le petit message de bienvenue. Bon allez, on est toujours en direct sur Fun dans un instant, la colle avec Antonio là pour repartir avec votre GoPro ce soir. Il reste 45 minutes pour tenter votre chance justement. Et ben bah, on va la faire maintenant, tu as un petit coup, tiens Antonino t'es là? Présent. Oh, allez hop, c'est parti pour la colle, fais péter mon ami. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle. Parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je ? Voilà, je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle. Parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je ? Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien vous envoyez simplement M-I-K-L, suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 60... au 64-900. Ouais, bah, je vais y arriver, hein, t'inquiète. Hein. 64-900, donc si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas. Et puis voilà, comme ça on parlera ensemble et on se mettra le son de Hardwell. Je mélange tout ce soir, je suis complètement perdu, moi, c'est pas grave. Hein. Hardwell, on va se mettre ça, ce sera dans un instant. Ouais. Pas mal. Et donc pour la colle, je vais tout remettre dans le bon sens, moi vous allez voir. Et pour la colle, donc vous envoyez maintenant et Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Ouh, ça va bien se passer, vous allez voir. Hein. On est là jusqu'à minuit, tranquille. Bon, alors, on a Débia qui est avec nous là maintenant. Là. Bonsoir Débia. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, comment ça va Débia? Ça va. Bon, tant mieux. Alors Débia, avant qu'on fasse la petite rediff du canular, la spéciale PSGOM qu'on avait fait la semaine dernière, puisque celui qu'on a fait jeudi, bah malheureusement ça a foiré. Bah, ça arrive, on va pas toujours réussir. Bon alors, Débia, toi t'appelles de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Débia? Il se passe au niveau des boutiques, les magasins. Ah oui. Quand j'entends que les femmes passent plus de temps dans les magasins, tout ça, moi je me dis qu'elles devraient partir tôt le matin, comme je fais, parce que moi, quand je vais dans les magasins, je fais plusieurs boutiques, je sais ce que je veux, mais je ne mets même pas 2 heures, 1 heure. Hein. Alors, les mecs qui ne sont pas patients, souvent, ils ne sont pas patients, parce que quand c'est pour eux, il n'y a pas de problème. Non, Débia, je peux pas te laisser dire ça. Quand c'est pour eux ou pas, il y a pas de problème, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a un moment quand moi je vais faire des courses, tu veux, enfin quand je vais faire des boutiques, je sais grosso modo ce que j'ai besoin. J'ai pas passé ma journée sortir tous les vêtements du magasin possible, imaginable. Oui, et puis quand j'ai rien trouvé, aller dans le magasin d'à côté, le magasin d'après, le magasin encore après, revenir au premier au final, tu vois. Oui, mais je veux dire par là, oui, bon, on sait ce qu'on veut, mais bon. Quand on achète, bon, il y a quelque chose qui nous plaît, on le prend, puis on le paye, puis on s'en va. Je veux dire, bon, c'est vrai que si la nana passe pendant 5 heures au magasin, c'est que bon, on n'avait rien à faire. C'est sûr est d'accord. Ouais, mais après il y en a qui kiffent, hein. Après je dis pas, il y en a qui kiffent et pour eux c'est vraiment, enfin pour elles, c'est vraiment un passe-temps. Moi personnellement, moi ça me gonfle parce que bon, quand il y a trop de monde, il fait chaud et puis bon, on peut pas voir. Donc voilà, c'est ça le problème. Pendant les soldes aussi. Si les nanas elles veulent faire plusieurs boutiques, elles veulent passer leur temps au magasin, je pense qu'elles devraient partir plus tôt, à l'ouverture. Voilà, on est d'accord, à voir. Ouais. Et sinon, t'as les soldes, pendant les soldes où les meufs elles s'arrachent les trucs, c'est genre. Oui, bien sûr, j'ai vu la première, ou celle qui les planque, tu sais, tu mets le truc, t'essaies de trouver une cachette comme ça et hop là, tu fous le truc en dessous. Et c'est vachement plus pratique. J'avais une copine qui faisait ça, genre, t'es juste le jour avant les soldes, le soir, elle allait dans le magasin, elle repérait les trucs, elle les planquait dans un rayon. Bah oui! pour pouvoir arriver le lendemain, tout prendre et passer à la caisse. Mais bien sûr, alors, évidemment. Non. Moi, par contre, les soldes, moi j'y vais pas parce que les gens, ils s'arrachent presque les cheveux, ils passent tous les machins. Oui, oui, ça c'est vrai, les soldes, non. Moi, ça bah voilà, après, mais après il y en a qui, ouais, qui adorent aussi, ne fût-ce que pour être le premier sur le coup, quoi, tu vois. Oui. Juste avoir la bonne affaire. Mais en tout cas, merci beaucoup, Débiel, d'être passé. Hein. Oui, oui, merci à vous. Parce bah, avec plaisir. Depuis le temps que j'essaie de vous avoir, ça fait plusieurs mois que j'appelle. Ah, carrément. Oui, oui, oui, j'ai jamais réussi à vous avoir. Eh ben voilà, comme quoi ça arrive. Hein, avec plaisir. Karima, que j'aime beaucoup. Ouais, très bien, ben on l'embrasse également, Karima, qui sera de retour demain, pas de problème. Je te fais des bisous, Débia. Et tu retournes chez Sandro, Standard, et chez notre ami Dexter, le stagiaire, bien entendu. On va s'écouter le son de Drake avec... non, Drake, on l'a déjà mis, c'était lequel qu'on devait mettre encore maintenant. Hardwell, voilà, c'est ça. Hardwell, et puis bah souvenez-vous, c'était la semaine dernière, ça. C'était du lourd. C'était notre ami, un petit canular spécial football. C'était avec Aurélien, je sais pas si vous vous souvenez. Il nous avait appelé pour qu'on piège un cousin qui était fan de Marseille. Ils étaient tous les deux fans de Marseille. Sauf que Aurélien a décidé de devenir fan du Paris Saint-Germain. Et ça a posé un problème. C'était avec Aurélien là. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va? Ça va nickel et vous? Bah écoute, plutôt tranquille, hein, plutôt bien, hein, plutôt à la bien, à la bien, à la bien. À la bien, à la bien. Eh ouais, comme je vois que tu as pas le de Marseille. Eh ouais, ma foi, traîne les gains. Eh bah, qu'est-ce que tu veux, ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit canular avec toi, hein, puisque c'est la soirée. Mais on fait quoi exactement? Tu veux qu'on appelle qui? Tu veux qu'on fasse chez qui? C'est mon cousin, là, de Marseille, dans les stacks, dans le 16ème. En fait, on est des winners, tu vois. Ouais. En fait, ça fait depuis... ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à ses messages, en fait, tu vois. Et, pourquoi? Parce que j'avais envie, c'est tout. Parce que j'arrêtais pas de lui mettre des faux plans. Ouais. Ah. En fait, j'aimerais lui faire croire que je suis supporter parisien, en fait. Oh là là. Tu vas lui faire croire que t'es supporter parisien? T'es complètement fou dans ta tête. Ouais. Il est fada. Complètement fada. Oh, dis-moi, tu es complètement fada. Eh, c'est tombé que tu parles de ça parce que je tombais sur un classement là qui vient de sortir, celui des supporters les plus infidèles. Et donc, que ce soit en rugby ou en foot, c'est toujours les mêmes qui vont voir ailleurs. Hein, et les plus infidèles sont les. C'est pas un parisien. Eh oui. Non, c'est normal, c'est des foutus. Le PSG avec 4,28 aventures par an. Ah oui, quand même. C'est normal, mais ça c'est une statistique, ça. Bon, du coup on va appeler ton pote maintenant. Tu veux lui faire croire que t'es devenu supporter parisien? Non, c'est pas mon pote, ton cousin. Ouais. Parce que d'habitude on fait ça avec des potes, c'est pour ça. Bon, donc du coup on va l'appeler. Tu veux lui faire croire que t'es devenu supporter parisien depuis combien de temps? Ouais, tu fais quoi maintenant? Deux ans. Bon, c'est toi qui va dire, hein. Moi après je serai derrière pour foutre la merde. Moi je serai Michel, supporter de Paris, etc. Marseille en tant que... Voilà. Ouais. Et surtout, Zlatan Ibrahimovic, tu le kiffes, hein. Ouais, évidemment. Ibra Ibrahimovic. Tu veux faire un tatouage d'Ibrahimovic? Ouais, ça peut être ouais, pas mal. Ouais, t'inquiète. Parfait. Dans les couilles, bon, allez, c'est parti, on y va. Au plus, il s'énerve. Au plus, évidemment, t'as de chance d'en repartir avec les cadeaux. Il va monter en pression, lui. En plus, il y a les casques focales, en plus, qu'au fil, ça vaut 200 euros, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on y va. On appelle Aurélien. Il s'appelle comment, lui? Il s'appelle Anthony, lui. Ok, très bien. Très bien, donc tu dis... Bon, tu dis qu'on est chez moi à la maison et... T'inquiète, je vais savoir quoi dire. Eh ben, très bien, parfait. T'inquiète. Alors, on y va, on va l'appeler, c'est parti. Et sois bon. Allô? Oh, cool. Ouais. Bien ou quoi? Oh, je suis maintenant en privé, toi. Ah, c'est pas... Putain, je suis en privé. Qu'est-ce que je voulais te dire C'est bon. Non, mais attends, c'est bon. Non, mais je suis... Cool. C'est ton frère. Non, je suis avec ton frère. Non, je suis pas... Moi, je suis avec ton frère. Mais là, je te dis, c'est qui derrière? Vas-y, on est frères, c'est frère. Mais t'inquiète, cousin. Mais attends, j'ai un truc à t'avouer, là. Parce qu'en fait, ça fait depuis... Enfin, voilà, ne prends pas mal, cousin. T'inquiète, hein, t'es mon cousin, la famille et tout. Je pourrais pas venir vendredi au match, à 5h. Cool. C'est normal. Ouais, il peut pas. Comment tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Ouais. Et parce que je suis pas dans les stacks, là, cousin. Je suis pas à Marseille. Comment tu es pas à Marseille? Tu es où? Ouais, au fait, ouais. Oh, tu sais que ça fait une semaine qu'on te voit plus, toi. Hein. Franchement, tu as fait le mort. Ouais. Ouais. Vas-y, c'est bon. Frère. Vas-y, ma gueule, là. Vas-y. En fait, lui, cousin, quoi, je peux t'avoir un truc, cousin? Montre que t'as les couilles. Attendez, les gars, deux secondes, s'il vous plaît. Les gars, deux secondes. Lui, quoi? C'est qui le mec derrière toi? Vas-y, t'inquiète, c'est les collègues, t'inquiète, y'a rien. Mais non, mais comment? Mais c'est qui le mec derrière toi? Je sais pas, t'inquiète. on t'encule. Marseille, on t'encule. Oh, c'est qui? Oh, c'est qui tes collègues? Écoute, ça fait depuis... Ça fait depuis... En fait, ça fait depuis deux ans, je suis supporter de Paris, en fait. Enfin, supporter de Paris, j'ai... Je préfère Paris que Marseille. Je viendrai avec toi juste pour faire plaisir, cousin. C'est tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu viens, je te mens pas. Comment tu mens pas? Et allez, Paris là, mon. Tu viens où? Paris. Je suis à Paris. Ah, mais ce qui est tes collègues, oh. Ce qui est tes collègues là, oh, tu es où? C'est mes collègues du virage, cousin. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Marseille en ton cul. Allez Paris, va niquer tes morts. Oh, c'est qui celui de derrière là? C'est qui tes collègues là derrière? Oh, vas-y, pourquoi tu les dis comme ça? Pourquoi tu les marques comme ça? C'est bon, tu arrêtes de t'énerver. Vas-y, c'est bon, Paris, on sort de Marseille. De toute façon, il vaut mieux être supporter des premiers, hein. Ouais. Mais va niquer tous tes morts, on était premiers avant ta grand-mère NS, la conne de ta mère. Ibra. Ibra va te faire refaire le nez, la conne de ta mère. Ibra, il met le nez dans le cul de sa grand-mère, celui-là. Bon, Attends, passe-le-moi deux secondes. Allô? Ouais, c'est qui toi? C'est le cousin? Ouais. Ah, comment il va le cousin? Il va bien, moi, mais c'est qui? Ah, moi je m'appelle Michel. Michel? Eh oui, je suis supporter. Tu es supporter de qui, de quoi? De Paris, évidemment. Paris, la capitale. Paris. Tu es de Marseille, toi? Ah ben pas du tout, non. Alors là, vraiment pas. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Ouais, bien sûr, je t'insulte. Mais non, mais dis donc, reste calme. Ben moi, je suis là, on se connaît et tout, et j'ai réussi à le convaincre. C'était pas compliqué. Hein. En même temps, je lui dis, vas-y, supporte une vraie équipe plutôt que cette équipe de Cassos. Là, ils arrivent pas à gagner. Ils sont mauvais. Garça, 0 points Ligue des Champions. Mec, 0 points Ligue des Champions, ça veut rien dire, la honte. Alors que Paris, numéro 1, mon gars. Paris, on sur la canne-bière. Qu'est-ce que tu as attendu d'avoir des Qataris pour pouvoir être supporter de ton club de PD là? Mais ça n'a rien à voir. Attends, mais on est meilleur, c'est tout. Arrête. Tu es meilleur que grâce à quoi? C'est 2 millions que tu es meilleur. Mais non, mais arrête, c'est bon. Écoute, tu sais quoi, t'inquiète, parce que là, on a parlé un peu avec Aurélien et tout, là. Si tu veux... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait avec vous, lui, déjà? On est à Paris, on vient de la boutique là du PSG sur les Champs-Élysées. Je lui ai offert comme cadeau de bienvenue mais le qu'est-ce qu'il fait en Paris, tu me racontes? Bah non, mais attends, mais on lui a offert le maillot là. Attends, il y a le match et tout, ça va être la folie. Oh, repasse-moi mon cousin avant que je vienne, je te nique tout tes morts. Arrête. Oh, repasse-moi mon cousin là. Allez vous faire enculer là, comme de vos mères. Oh, repasse-moi mon cousin. Eh Aurélien, vas-y, tiens. On va regarder pour le maillot là, lequel tu veux là. Vas-y. Oh, repasse-moi mon cousin. Oh cousin, c'est bon, je suis là. Tu as brillé de la tête ou quoi? Cousin, c'est bon, chacun son club, mes couilles. Je venais te voir avec toi, c'est tout. Attends, c'est quoi ton vœu? Je vais te passer ton frère, ce que veux. C'est quoi ton frère, il est à côté de moi là, il a une comment du tout. Comment? Vas-y, quand tu reviens. Oh déjà, qu'est-ce que tu fais à Paris toi? Et je t'emmerde, je fais ce que je veux, tu veux me faire des morceaux de merde, c'est bon, je m'en bats les couilles. Et qu'ils aillent niquer leur mère, qu'ils arrêtent de chanter là, cette PD là. Et c'est bon, allez, qu'est-ce que tu fais à Paris? Ils traînent les couleurs, ouais, vas-y, passe mon frère, tu vois. Les couleurs, je te les mets dans le cul, la conne de ta mère, et mon billet. Aurélien, me fais une blague là. Non, c'est pas une blague. Ne vous énervez pas, c'est quoi, vas-y. Ferme toute ta gueule. C'est qui tes collègues? On les encule. Ok, attendez, c'est qui tes collègues? On les encule. Laissez-moi parler. Ils nous entendent pas, mais ce qui est bien, c'est qu'on a rien à faire. À part gueuler par derrière. Oui, c'est deux secondes. Écoute, ça fait deux ans, qui s'est acquitté à la place? J'avais jamais manipulé sa mère, mon chef. C'est quoi que tu mets le soleil? Les collègues, tu pars, c'est bon. C'est qui la côte de Taras? Tu viens au vélodrome depuis 6 minutes, tu me dis maintenant t'es pour Paris. Tu es où toi? Mais t'es fou. On est à Paris, on est dans le stade. On est à Paris. Non, tu me fais une blague, Aurélien. Tu me fais une blague. Non, je te fais pas de blague, Aurélien. Je te fais des blagues. Aurélien, me dis pas que je vais séquestrer mon propre frère. Tu me fais une blague, là. Aurélien, c'est qui que t'as au téléphone? Je rien du tout, vas-y, je te les passe, les collègues, je te les passe. Aurélien, ouais. C'est qui là, c'est qui au téléphone? Vas-y, je te passe, c'est mon frère, je te le passe. Ah, bah, vas-y. Qui, toi, gros PD, avec ta voix de salope, hein, qui? Mais non, je suis Michel. Je suis parisien, moi. Mais qui c'est, Michel? Oh, t'es parisien, moi. C'est quoi ton accent PD? T'as vu le tien? Attends, je vais essayer de l'imiter. Dis donc, cousin, ça va ou quoi? Comme on équipe de merde, on n'arrête pas de perdre. Sur la tête de ma mère. Bon, dis-moi, écoute, on a discuté avec ton frère. Gueule, je te parle même pas. Non, moi je te parle. On écoute quand un parisien t'appelle. Quand un parisien appelle, tu te tais. T'as vu, t'as bien compris. Qu'est-ce qu'il veut, mais c'est la bite, gros pédé. Arrête ton cinéma. Bon, si tu veux, tu peux devenir. C'est la bite, je te dis. Viens avec nous. T'as l'air cool. Viens avec nous. Moi je t'offre le maillot du PSG. Aurélien, il a déjà fait le tatouage avec Ibrahimovic. Alors maintenant, on veut qu'il mette PSG Forever. Mais passe-moi mon frère là contre ta mère, passe-moi mon frère. Tu me respectes un peu là. Ferme ta gueule là, passe-moi mon frère, je te dis la cause de ta race. Paris. Merde. Mais alors arrête. Je me crache dessus, venez chez nous, arrête. À venir en vacances chez nous, à nous sucer la bite. Mais on vient pas en vacances là-bas, t'es fou toi. Vous bandez sur Marseille, bande de gros PD. Oh les Paris, Paris est magique. Aurélien. Oh. Aurélien. Oui. Dis-moi, non, vas-y. Rassure-moi, c'est une blague, franchement. Non, c'est pas une blague. Tu me connais, j'ai jamais fait de blague dans ma vie, moi. Ok. Non, c'est une blague. Ça, je sais que j'ai pas fait. Mais dis-moi que c'est une blague. Oh, sérieux. Comment ça, c'est bon, une semaine, là, j'ai pas une nouvelle de toi. Paris, c'est le futur, Paris. Ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de toi, là. Tu m'appelles, tu me dis tiens, Paris, tu avais des mecs, là, tu les connais même pas. Petit enculé. Qu'est-ce qu'il y a? Petit enculé. Qui c'est qui a dit petit enculé? Petit enculé. C'est pas. Ferme ta gueule, fils de pute. La conne de ta mère, dis pas fils de pute, la conne de ta mère. Oh, viens sur Marseille, je te baisse ta race. Fils de putain de ta grand-mère, va. Non, commence pas à dire fils de pute parce que je vais t'enculer toi et toute ta famille, la putain de ta race. Je te brûle la conne de ta mère. Je te brûle la conne de ta mère. C'est bon, tu vas accrocher, tu auras plus de nouvelles de moi. C'est bon, t'es en tête de PD. Aurélien. Oui. Dis-lui. Ah merde, il s'est barré. Mais non, mais Aurélien, il s'est barré. Ah, la violence. En plus, je me suis gouré de ligne. C'est pas celui-là que je voulais mettre. Je savais qu'il allait dégommer directement, moi je voulais mettre ça directement, moi je voulais mettre celui-là. Ça va me faire fêter les plans là, on va toi. Bon attends, on le rappelle. Mais t'as vu dans quel état il est là? Ferme ta gueule, gros bâtard, tu lui dis, c'est le juste. T'as vu dans quel état il est là? Ah ouais, mais lui il est nordiste. Attends, faut que je prenne la nordiste. Alors attends, attends, c'est bon, je l'ai le gros bâtard là, attends, il est là. Parfait. Va te faire enculer, gros bâtard. Très bien. On le rappelle, Aurélien, on le rappelle, mais on traîne pas à lui dire, hein, parce qu'il va nous faire une, il va nous faire l'infarctus, le malheureux. Il est capable de tuer quelqu'un par ailleurs. Il me recherche, sans déconner. On le rappelle. Oh, va te faire enculer, gros bâtard. Aurélien, c'est toi qui as dit ça? Aurélien, écoute-moi bien. C'est toi qui as dit gros bâtard, voilà. Ouais, c'est moi. Va te faire enculer, gros bâtard. Oh, je suis ton cousin, tu me dis gros bâtard à moi. Mais non, c'est bon, déstresse. Je suis ton cousin, tu me dis gros bâtard à moi. Bon, le cousin, ça va être dur. Le cousin, franchement, là, tu es parti. Anthony. Anthony, c'était une blague. Anthony, c'était une blague, t'étais sur Fun Radio. Anthony. C'était sur la radio, c'est Fun Radio, on t'a fait une vanne. Il est pas pour Paris. Oh les enculés. Eh oui, tu l'avais pas reconnu le son. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Mais oui. Gilou, Gilou. là. Ouais, mais je l'ai mis, mais il entend pas. Je te sucerai le sang et tout. Tu... Mais oui. Oh, tu aimes le sperme. Mais voilà. Paris. Bon. Oh hey. Bon, dis Anthony. Franchement, Anthony, ouais, c'est bon, vas-y. Bon. Attends. Franchement, faut que je m'allume une blonde parce que je me sens tellement c'est la future. Hein. Là, il est pas bien, là. Il est pas bien. Ah non, là, il est pas bien. Bah, t'imagines, un peu t'as le cousin là qui lâche son famille, là, qui retourne sa veste. Oh là là, la honte. Bon, bah très bien. Bon, et Aurélien, on file le cadeau à ton cousin ou pas? Ouais bah ouais, il mérite. Hein. Et bah là ouais. À mon avis c'est mon frère alors, ça veut dire. Ah merde, bah écoute, on va s'arranger là. Bah, c'est lui là-bas, c'est bon. Hein. Bon, c'est lui là-bas, c'est pareil. Anthony. Ouais. Bon, on va te filer un an d'abonnement au Paris Saint-Germain. Franchement, ça vous pouvez vous le mettre. Hein. C'était un cadeau de bon cœur. Voilà, exactement. Voilà, de bon cœur. Ouais, exactement. Ça, ouais. Non, mais je plaisante. Bon, Anthony, on va te filer un casque. Tu as les casques à 200€ là, avec tu peux décrocher le téléphone, tout le bordel. Les casques focales. On va te filer ça maintenant, Anthony. Tu restes au standard. Je te repasse Sandro. Franchement, wow, merci. De rien. Allez, Anthony, Anthony. Je vous le dis quand même, allez l'OM. J'allais le dire, allez l'OM. Bah, allez l'OM. Bon, allez, c'est salut bon. Les gars. Ciao. Voilà, donc si vous voulez faire un canular, c'est le jeudi que ça se passe hein, sur Fun. Vous appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 et on a encore des casques focales à vous offrir tout au long de la semaine. Il y a Cheyenne qui dit allez Paris, petit enculé, vous m'avez tué. Il y a Sarah aussi qui dit comment ne pas être de bonne humeur avec toi, Mika et la famille. Julien aussi, alias Kinkin, comment ça s'embrouille toujours aussi magique. Mickaël t'offre Bay 10€, tu aimes le sperme. Et Echo qui dit ah, je suis mort de rire, ils m'ont tué, c'est malade, là, énorme les Marseillais. Merry Christmas. Il dit ce petit canular des bars et des bars, j'en peux plus Mickaël, vous êtes incontestablement les meilleurs. Oh merci beaucoup, Merry Christmas. Alexou qui dit ce canular il est énorme, je suis plié. Riel qui dit le Paris capitale du monde de Polo venait du cœur. Ouais bah ouais, ça, mais c'est Polo il le pense vraiment. Mais oui bien c'est ça. Bien sûr. C'est encore plus marrant quand il y a l'accent Mickaël, c'est Nes qui avait envoyé le message, trop fort le canular pour Marine. Et puis Zédéric qui dit non mais on critique les filles et les boutiques, mais elles sont. Attends c'est quoi? Mais là toutes ces hommes. Et malheureusement je n'ai pas la fin du message Zédéric, je suis bien très. Mais c'est pas grave, renvoie ton message sans problème. Et ça y est, Top et Top Tweet avec Top Pays, c'est 10€, ça y est. Quatrième. Alors, non, t'es troisième en Top Tweet. Pas mal. Bravo. Jonathan. Oui. Eh ben bravo. Allez, donc, tu peux aller à l'hôtel. Voilà, donc ouais, aller à l'hôtel, c'est pour moi. Tu vas pouvoir payer les 50€ pour les deux nuits, comme c'était 60, et bien Toff mettra les 10€ en sus. Quel homme. Voilà, ouais, quelle générosité merci, quand même. Eh ben voilà. C'est grâce aux auditeurs. Bah, c'est, bah oui, et on... merci aussi les auditeurs. Voilà, on a lancé le délire et puis les auditeurs ont suivi. Merci à vous en tout cas. Et eh ben voilà Jonathan, tu vas pouvoir aller dormir à Lille pour faire ton petit reportage là. Ton petit reportage, oui. Ton petit reportage de Noël, Jonathan, ok? Oui. Eh ben et voilà. Je peux faire une petite dédicace. Bah écoute, vas-y, profite à une seule personne, on t'écoute. Non, merde, celui-là. Ah, une seule personne, je peux pas en faire un. Non, c'est une seule, faut choisir la bonne. Choisis la bonne. Déjà que tu as récupéré 10€. C'est ça. Mmh. Alors ben. Ah, choisis alors, la bonne. Attention, si jamais tu m'enfumes et que t'en fais deux, je retire les 10€. À ceux qui sont en train de parler sur moi. Ceux qui sont en train de parler sur toi. Bon, d'accord, ok. À 10€ de descente, ça va faire mal. Eh bah oui, c'est ça, ouais. Eh bah écoute, très bien, le message est passé. Alors, pas s'il a été bien capté, mais en tout cas, il a été émis. Bon, salut Jonathan. Salut. Allez, à bientôt. Le gagnant de la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. Ce sera juste après. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans quelques minutes? Tiens, il y a quoi de prévu là? Oh bah tiens, un petit pitbull. Pitbull Kesha Timber. Ça branche tout le monde? Ouais. Allez, c'est parti, on met ça dans un instant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à minuit tous les dimanches soirs, 20h minuit. Tous les soirs de la semaine également, de 23h à 2h du matin. Venez foutre le bordel le dimanche soir. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, Mickaël No Limit. Tout à fait, il est 22h10. On va récupérer Antonino là. Toujours là, Antonino? Oui, je suis là. Allez, fais péter la colle, toujours pour repartir avec la GoPro qu'on vous offre à l'occasion de Kick Ass 2. Vas-y. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelles, parfois invisibles, souvent pleines. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres suivies de la réponse, vous envoyez ça au 64-900 par SMS, ou alors sur le Facebook, hein, vous pouvez venir aussi, vous allez pouvoir même lire la colle comme ça, facebook.com/M-I-K-L officiel, si vous avez la réponse à la colle d'Antonino, je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle, parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Vous envoyez simplement et Mickaël et la réponse au 64-900. Et puis bah si vous êtes tiré au sort, dans même pas 20 minutes, on donne la réponse avant 22h30 sur Fun Radio. Vous repartirez donc avec la GoPro à l'occasion de la sortie de Kick-Ass 2. Tu restes avec nous Antonino, on te reprend dans moins d'un quart d'heure. Ok. Allez, on aura Hugo aussi dans quelques minutes en direct sur Fun Radio. Et puis à 22h11 maintenant, on écoute le son de Kesha et Pitbull sur Fun. C'est Timber sur Fun Radio. Bonne nuit. It's going down. Fun Radio avec Kesha Pitbull. À l'instant, c'était Timber. On est là tous les dimanches sur Fun Radio entre 20h et minuit. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. On est plutôt contents. Je vous rappelle que le 24 décembre, on sera avec vous. On vous tient compagnie puisque c'est une soirée familiale et qu'on a donc décidé de la passer en famille, c'est-à-dire avec vous. Pendant que bah, tous les autres seront partis, évidemment, hein, vous auront mis en best-of, vous auront mis avec de la musique ou vous auront mis avec une émission qu'ils ont enregistrée comme à la télé au mois de juillet, par exemple. Et on aura de la dinde. Et on aura de la dinde, évidemment. Sans vous regardez, bande de non, non, pour rien, je sais pas. Pour enfouir lui-même la dinde. Exactement, c'est lui qui s'en occupera d'ailleurs, tout à fait. Je vous rappelle également que donc, le 24 décembre, on sera en direct dès 20h, donc faites passer le message, on passe la soirée en famille. Qu'il y a également l'application Mickaël No Limit à télécharger, hein. C'est gratuit sur Apple, sur iTunes. Vous allez simplement taper Mickaël No Limit. N'oubliez pas de laisser votre petit avis également. Hein. Si vous avez kiffé, vous mettez 5 étoiles. Si vous n'avez pas kiffé, vous en mettez 5 aussi. Voilà. Donc, pépère, quoi. Voilà, donc je compte sur vous. Voilà, passez quoi qu'il arrive, autour en de fait, vous. Pour l'application Mickaël, il n'y a que 5 étoiles. Oui, exactement. Il n'y a pas les autres. Voilà, exactement. Donc Mickaël No Limit, c'est gratuit. Allez-y, il y a DJ Coma qui dit la belle voix de Mickaël, elle est magique, contrairement à la voix de Toff, on dirait un petit enculé. Il y a Alexis qui dit énorme Mickaël, t'es le mieux avec toute l'équipe, bah, merci beaucoup. Et puis Thomas aussi, bravo les auditeurs, on est en top tweet maintenant, je vais réviser l'histoire. Ah bah bon, bonne révision Thomas. Zédéric aussi, je disais que toutes ces embrouilles pour le foot, ça vaut bien mes boutiques, ça c'est vrai. Et Valentin qui dit énorme le canular, Damien Guy également qui dit j'étais trop mort de rire. Et Trend Lover qui dit j'adore vos canulars de dingue. Benoît également, il est énorme le canular que vous aviez fait tout à l'heure. Et enfin John aussi qui dit qu'est-ce que je kiffe ce canular, et le prince Nadia qui dit nous les filles on adore tout retourner dans les rayons et surtout pour au final ne rien prendre et aller dans un autre magasin. C'est ça en fait, c'est ça le problème, c'est ça le vrai le gros du problème. On jouera également au match d'impro tout à l'heure, hein. Ce sera vers 11h. Si vous voulez gagner un casque focal ce soir, ça vaut 200€, on vous l'offre ce soir. Si vous voulez repartir avec ça, eh bien on fait un match d'impro. Le principe est simple, vous serez deux auditeurs et nous, et on va vous donner un thème d'improvisation et puis il faudra évidemment arriver à faire un truc le plus sympa, le plus drôle possible avec ce thème. On essaiera évidemment de s'insérer au milieu de la conversation pour foutre un peu la merde. À vous de jouer, à vous d'être bon. Les auditeurs après voteront pour l'un de vous deux. Et puis bah, en fonction de ça, vous repartirez avec le casque focal. Voilà, match d'impro qu'on va faire tout à l'heure sur Fun Radio. Et on accueille avec nous maintenant Hugo qui est avec nous des Pyrénées-Atlantiques. Comment ça va Hugo? Ça va. Comment ça va Pau? Ça va, ça va. Bon, tant mieux. T'es avec nous Hugo cette semaine ou pas toi? Non. T'as pas écouté? Bah bravo. Hop, coup de pelle. Et ben voilà. Quelle est l'excuse, Hugo? J'étais chez mon père et ton père, il a pas la radio. Il a pas la radio. Il a pas la radio. Mais qui n'a pas la radio encore chez lui? C'est dingue, ça. Bah, c'est le père de Hugo. Bah, visiblement, effectivement. Bon, t'avais bah, écoute, télécharger l'application. Bah oui, c'est ça. Oui, exactement, l'application, ça marche, ouais. Bon, Hugo, comme t'étais pas avec nous, on avait appelé des gens cette semaine pour les problèmes d'érection. Ouais. T'as pas ce problème? Non. Bah, très bien. Tu tiens combien de temps? Tu tiens combien de temps? Ouais. Tu tiens. Non, rien. Non. En fait, quoi, tu dis? Ouais, j'avais eu un problème à un moment quand j'étais à l'internat. Ouais. J'ai découvert qu'en fait, quand je m'étais lavé sur la peau du sexe, j'avais genre comme une petite boule en fait. Ah oui, mais faut t'inquiéter, mec. Ouais, il faut peut-être aller voir un médecin maintenant, Hugo. Hein. Non, mais je suis parti voir l'infirmière et elle m'a dit peut-être que c'était un bouton cancérigène. Oh ah, bah justement, bon, bah, la meuf qui te rassure bien. Bah, alors tout va bien. Et quoi, t'as quand même été voir un médecin après quand même, Hugo? Parce que ça disparaît au fur et à mesure, donc. Bon, va voir un médecin quand même. On sait mais jamais. Oui. C'est parfois le truc qui s'en va, mais en fait il est pas parti. Hein. Enfin, je vais pas te foutre les boules, mais bon, ça peut être dangereux. Va quand même voir un médecin pour être sûr. Ouais. Bah, imagine, c'est un truc super dangereux que tu peux enlever comme ça vite fait, t'es tranquille. Plutôt que de laisser le truc là, après il va peut-être te couper la bite. C'est ça. Bah, c'est vrai. Non mais c'est vrai, Hugo. Méfie-toi quand même. On va te passer le numéro de Lilou, hein. Ça peut servir. Tu passeras avec le doc, ça sera mieux, Hugo. Bon, donc je disais avant qu'on te reprenne, Hugo, que nous avions appelé des gens pour des problèmes d'érection. Oui. C'est cette semaine. leur proposer en fait un tout nouveau système qui s'appelle l'orgasme, le prolong-orgasme. Prolong-orgasme. Et donc tu te mets ça sur la bite 3 fois par semaine et au bout de 6 semaines, hop, 11 fois plus longtemps. Voilà. Tu pourrais tenir 11 fois plus longtemps. Donc on les avait appelés pour leur proposer ce service évidemment. C'est parti, c'était cette semaine sur Fun Radio. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais au sujet de vos petits problèmes d'érection. Comment, je n'ai pas compris. Ben, je vous appelle au sujet de vos petits problèmes d'érection, monsieur. Ce qui paraît que vous durez pas très longtemps. Hein, vous lâchez la purée assez vite. Comment j'ai pas compris, là. Ben, quand vous faites l'amour, il paraît que ça va super vite, monsieur. Allez vous faire enculer, gros pédé. Salope pourri. Ah, il était gentil, lui, hein. Oui, sympathique. Aimable. Alors qu'on appelle quand même pour donner un coup de main, je comprends pas, on se fait à chaque fois rembarrer. Bon, on l'avait rappelé, hein, du coup, hein, parce que vous savez, on l'a jamais l'affaire. Allez. Une corde à télé ou quoi? Bah, je m'excuse, monsieur, mais faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle, c'est pour vous aider. Aider quoi? Bah, c'est pour vous aider à avoir des rapports sexuels qui durent plus longtemps, monsieur. Hein? Pourquoi vous en avez, vous, avec Fanny ou quoi? Non. Avec le TV. Moi, j'ai pas. Vous niquez, Fanny? Je sais pas qui est Fanny, monsieur. Vous niquez Fanny. Vous connaissez Fanny? Non, je la connais pas. Comment elle va votre temps enculé, là? Je vois pas. Moi, votre numéro, je l'ai déjà. J'ai après esprit. Oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Moi... Pourquoi vous parlez comme ça? Bah, parce que moi, je veux vous aider, monsieur. Aider quoi? Vous êtes un PD ou quoi? Mais non, moi, je veux vous aider à avoir des rapports sexuels plus longs avec votre femme. Pourquoi vous en avez... Vous en avez pas de femme? Bah, si, mais je vois pas le rapport, monsieur. Allez vous faire enculer, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'était au moins, c'était résumé. Et tout à l'heure, restez avec nous, puisque tout à l'heure, on va vous remettre le moment où nous avons découvert ce couple magnifique. Ferme ta gueule. Du con. En duo, j'adore. Ah, j'adore. Ferme ta gueule. Du con. Ils étaient énormissimes. Il y a Damien qui dit c'est galère l'internat. Daoud Douida qui dit c'est marrant parce que j'ai croisé Toff au casino, alors que normalement, j'aurais eu plus de chance de le voir au salon de l'érotisme se baladant dans les allées avec sa croix comme Jésus. Ouais, bah, ça c'est clair. Oui, je porte ma croix. Moi. Pas de blasphème, ce n'est pas la croix de Jésus, c'est une croix en X. Ça n'a rien à voir. Tout ne blasphémez pas. Il y a Chloé aussi qui dit je peux avoir un petit message de bienvenue pour mon père qui pleure de rire en vous écoutant. Il sait pas se servir de Facebook. Bah oui. Ferme ta gueule. Du con. Voilà, et Quentin qui dit mon plus gros râteau. T'es trop petit, tu me fais penser à mon petit frère. Waouh. Ah la salope. Et ça on parlait des râteaux là, j'en ai pas là au standard là. Comment ça se fait? Quel est votre pire râteau? Vous allez pas me dire que vous avez pas pris de râteau, arrêtez de vous foutre de moi. Moi j'ai fait que ça toute ma vie. Bah voilà, râteaux. Mais on va en parler. Donc 01 42 48 5000, appelez-moi 02 851 4x0 depuis la Belgique pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé en termes de râteau. Quel est le pire que vous ayez pris en pleine tronche? Il y a Cédric qui t'offre ses payés le train à plus de 100 euros aller-retour et il veut pas payer 10 euros à un auditeur alors qu'il lui doit quel rapace. Non mais c'est bon maintenant, il a payé en étant sur tweet. Marine qui dit Mickaël, moi j'écoutais que le dimanche, mais là je vais écouter tous les jours. Je crois pas que je rigole trop bien. Merci Marine, bah je compte sur toi. Et puis préviens tous tes potes également qu'on est là sur Fun Radio. Et Julien qui dit mon cousin vous écoute depuis la semaine dernière. Message de bienvenue pour lui. D'accord, pas de problème. Eh bien allez vous faire foutre, cher. Et ben voilà. Et c'est Julou qui prend le plus de râteaux. Oui, ça c'est une certitude également. Bon, retour avec Hugo. Bon alors Hugo, avant de donner la bonne réponse pour la colle et on verra qui repartira avec la GoPro. On va parler avec toi Hugo. Tu nous appelais pourquoi, dis-moi la base? Parce que par rapport à mon comportement en fait. Par rapport à ton comportement, bon qu'est-ce qui se passe avec ton comportement? Dis-nous tout, Hugo. Ben depuis que je suis rentré depuis la maternelle, tout le tralala quoi. Ouais, c'est tout le tralala. Mais c'est quoi, tu peux rentrer un peu plus dans le détail. Autant d'habitude je dis aux gens va droit au but, autant là, essaye de rentrer un peu plus dans le détail. C'est quoi ton problème de comportement? Parce que depuis la maternelle et tout le tralala, ça veut rien dire. Ouais, depuis la maternelle, CP, enfin depuis que je suis rentré à l'école quoi, j'arrête pas de faire des conneries et puis Mais t'es en CP là? Non. Ah d'accord. Bon, t'as quel âge? T'as 15 ans? Allô Hugo? Oui. Oui, je dis, est-ce que tu peux rester face au téléphone? Parce que si à un moment tu t'en vas de la pièce, tu vois, on l'entendra beaucoup moins bien. Concept en fait, quand t'appelles des gens au téléphone, c'est de parler dans le téléphone. C'est voilà. Mieux, ouais, c'est mieux. Donc Hugo, est-ce que tu es de retour? Oui. Donc tu as bien 15 ans? Oui. Très bien. Bon, et c'est quoi le problème de comportement? Ben, je fais plein de conneries et je sais pas pourquoi je fais ces conneries. Bon, exemple, parce que des conneries ça peut être tout et n'importe quoi. Donc exemple. Exemple. Ben... Bah, si t'en fais plein, tu dois en avoir un, comme au moins une sur la main. Là. Ouais. Ben, par exemple, rouler des joints, quoi. Ah, d'accord. Mais tu les roules où? En salle d'études. Ah bah oui. Mais parce que déjà, en plus, le fait qu'il faut pas le faire, mais en plus, ça, toi, tu fais ça au bahut. Bah oui, tant qu'à faire. Bah, tant qu'à faire. Hein, Hugo, c'est pas que tu fais des conneries, c'est que t'es idiot. Ouais, un peu. Voilà, tu vois. Et dis la vérité. Et ouais, et ça vient du joint. Tu vois, en fait, à tout problème, il y a une solution. Hein. Hein, le problème n'est pas tant que tu roules des joints dans le bahut, le problème est que t'en roules tout court. Tu veux mal finir, c'est ça? Tu veux voilà. finir à balayer les rues? Hein, les profs, ils me disaient ça. Ouais, tu veux finir comme Toff? Alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Hein. Mais c'est juste que tu veux finir comme Toff? Accroché à une croix dans une cave en train de te faire enculer, sodomiser, pardon, il y a encore un peu. C'est ça que tu veux? Hein? Non. Eh ben alors, faut travailler à l'école, alors il te reste travaille. Chien, va! Non, mais après, non, mais sérieusement, pour en revenir à ça. C'est-à-dire, hormis ça, t'as fait quoi d'autre comme connerie? Ben, genre, quand je suis en 6ème, je déclenchais toutes les alarmes de mon collège. Ouais, bon, ça, ouais, c'est, ça se fait pas, c'est rigolo. Grave. Mais ok, d'accord, quoi d'autre? Sinon, je me bats souvent. Tu te bats souvent, mais ça dépend, c'est pourquoi? Bah, pour un joint, c'est-à-dire que non, le mec qui veut tirer sur mon joint, je le tape. C'est ça, le mec, effectivement. Non, mais parce que, genre, des fois, il m'insulte ou il chicane mes potes et ça me plaît pas, donc. Mais ça, c'est une solution, tu vas t'inscrire dans une salle de boxe. Bah, voilà, c'est ça, on va commencer en plus avec Toff et avec Polo, on va faire de la boxe. Ouais. On va massacrer la tête de Toff. Parce que Toff n'est pas au courant, mais on vous fera des photos et tout. Ah oui, bien sûr. Photos et vidéos, on va lui mettre des patates. Oh là là, j'ai hâte. On va démonter. Ah bah, on est sur sa croix vite fait. On n'a pas un truc là pour mettre sur la tête? Un masque? Un casque? Ouais. Mais même ça fait mal. Tu t'as jamais pris une patate même avec un casque? Non, t'inquiète, on va lui apprendre. J'ai jamais essayé, non. Ah bah, on va lui apprendre. Bon, Stéphanie qui dit il suffit d'un hashtag en top tweet pour obtenir quelque chose de Toff, c'est bon à savoir. Oui, bah écoute, comme quoi. Jenna qui dit trop contente d'écouter Fun après une sale journée, bah bienvenue et merci beaucoup. Et Angélique qui dit je veux ces loup-boutins. C'est tout à l'heure les loup-boutins, dans 1h30 je vous les offre, hein. facebook.com/mikaelofficiel. Vous allez pouvoir venir avec moi, on va aller dans la boutique mademoiselle, puis il n'y en aura qu'une. Hein. Vous allez pouvoir l'acheter, je la paye, vous repartez avec, c'est la fête. Vous allez voir, on fait ça avant les fêtes de fin d'année, comme ça vous serez la plus belle pour la soirée. Voilà. Oh, oui. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez. Et on offre ça, voilà, on offre ça sur Fun ce soir avant minuit, il suffit d'aller faire un like et un partage la photo où il y a la paire de loup-boutins. Vous faites un like et un partage et avant minuit j'en tire une ou un au final, ça peut être aussi un mec, hein. Même si dans l'absolu je préfère avec une fille, mais bon, au sort donc, et si vous voulez, donc facebook.com/mikaelofficiel, où que vous soyez en France ou en Belgique, vous viendrez jusqu'à Paris, gratos évidemment, et on vous fera, on ira à la boutique ensemble, voilà, main ça dans la c'est main. C'est beau ça. Oh, bah oui, mignon. Ça va être la fête. Bon alors, du coup Hugo, et tes parents ils disent quoi dans tout ça là? Ben là ma mère elle a signé une lettre pour que j'aille dans un foyer fermé. Ah ouais? Bah oui, mais mec, t'as 15 balais, tu commences à fumer des joints, tu m'étonnes que ta mère elle soit un peu en panique, c'est normal. C'est quoi un foyer fermé? Il y a des foyers ouverts ou pas? Ouais. Non, mais c'est genre foyer fermé, c'est t'as pas le droit de bouger du foyer quoi. Ouais. Ah ouais, quand tu sors, les mecs ils viennent te rechercher, ils te rejettent à l'intérieur. Ouais, voilà. D'accord. Bon, si vous avez des conseils à filer Hugo, est-ce que vous avez déjà été relou à l'école? Bon, moi j'ai été relou, hein, j'ai été relou, mais pas à ce point-là, moi j'étais plutôt dans la loi. C'est-à-dire que j'essaye de faire respecter la loi. C'est genre quand il faisait trop froid dans une classe. C'était le shérif. Mais ouais, un peu, c'est un peu ça. Quand il y avait une classe où il faisait un peu trop frais, du coup j'avais mon thermomètre avec moi. Et puis dès qu'on était en dessous de la température, bah, j'engrainais les autres élèves en disant ouais, mais ils ont pas le droit de faire ça. Faut qu'on arrête les cours. Je veux une salle plus chauffée, etc., etc. C'était donc, déjà un chef. Ouais. Non, mais c'était casse-couille surtout. Donc voilà, c'était plutôt comme ça que j'étais emmerdant, pas tant à faire des conneries gratos. Mais on en parle. 01 42 48 5000. Appelez-nous. Tu restes avec nous Hugo, et puis on va donner la réponse à la colle aussi avec Antonino. Allez, une dernière fois avant le titre. Antonino, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Parfait. Alors, fais péter la colle une dernière fois. On donne la réponse juste après le son d'Hardwell. On t'écoute. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle. Parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Voilà, donc je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle. Parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, il y a une GoPro à gagner avec grâce à la sortie justement de Kick-Ass 2. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et puis vous pouvez aussi jouer bien sûr sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Saïd qui proposait un nuage. Allô? Un nuage? Non. Ah, très bien. Oh, j'aime ta rapidité, Antonino. Ouais, là, ouais, je suis un peu lent. D'être au taquet comme ça, là. Antonino, tu fumes des joints depuis quel âge? C'est ça. Depuis mes 5 ans. Ah, bah voilà. Alors, le problème. Tu vois le gosse qui t'attend. Voilà, il y a Léo aussi qui proposait la mayonnaise. Non. Et John qui proposait une voiture. Non plus. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, on donne la réponse dans 3 minutes 30 juste après Hardwell. Et puis, bah, la GoPro sera peut-être pour toi, Antonino, ou pour le gagnant. On verra bien. À vous de jouer. La réponse juste après le son d'Hardwell qu'on écoute maintenant sur Fun. C'est Dare You. Bonne soirée, tout le monde. Il est 22h27. C'est Mickaël No Limit. On est en direct tous les dimanches de 20h à minuit. Et toute la semaine de 23h à 2h sur Fun Radio. Hardwell sur Fun Radio avec Dare You. nous. Allez, bienvenue si vous arrivez, il est 22h30. On est là jusqu'à minuit. Tout à l'heure, n'oubliez pas qu'on fera le match d'impro hein, si vous voulez jouer pour repartir avec votre votre casque focal qu'on vous offre ce soir. Un match d'impro qu'on fera tout à l'heure. Le principe est simple. Deux auditeurs dans le standard, on vous donne un thème, à vous de gérer le thème. Et puis bah, évidemment, nous en plein milieu, on va hop là, mettre un petit coup pour faire dévier le thème et à vous d'être bon. Et les auditeurs après voteront pour savoir lequel des deux a été le meilleur et lequel des deux mérite de repartir avec le casque focal d'une valeur de 200 euros. Voilà, on aura encore d'autres appels avec Toff au fur et à mesure bien entendu. Puis on va parler encore des râteaux maintenant, notamment avec Sarah qui est avec nous de Marseille là. Salut Sarah de Marseille. Bonjour. Comment bonjour. Ça va? Attends, oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le daron. Bah, oui. C'est le père là. Oh putain. Attends, je raconte comment. Tu raccroches tout de suite. Sa gamine, viens ici. Ça va? Je vous donne un autre numéro parce que ça changera un match. Attends, je te repose Sandro là. Bon, en attendant, il y a Noam. Oui. T'appelles pourquoi? Bah, je me suis pris un râteau. En gros. Non, mais un vrai râteau, c'est un vrai râteau. Non, mais t'as pris un râteau genre dans le jardin de papa? Mais non. Mais attends, Noam. Déjà, quel âge tu as? 12 ans. Et t'es, est-ce que t'as quelque chose entre les jambes? Bah oui, une bite, comme tout le monde. Mais... Non, mais c'est pour savoir, parce que bon, à l'heure actuelle, c'est vrai que sans connaître ton prénom ni quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on remarque en premier, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, après ça arrive, hein, on est tous passés par là, même moi à un moment ou à un autre j'avais aussi une voix aiguë, et à un moment ou à un autre c'est passé, aujourd'hui j'ai la belle voix suave que l'on connaît, qui pourrait être encore meilleure avec une meilleure machine. Je préfère celle du doc. Là je suis encore à un level, je suis encore bien en dessous, hein, mais un jour peut-être. Bon alors, attends, avant de nous parler de ton râteau, il y a Sandra qui dit c'est sérieux les Louboutins, j'étais sur le site de Louboutins avant de voir ça. Bah oui c'est sérieux Sandra, on enfile une paire tout à l'heure avant minuit, il suffit d'aller faire un like sur la photo où il y a la paire de Louboutins et puis bah je vous l'offre tout à l'heure à minuit. Faites un like et un partage, on vous demande votre numéro de téléphone, vous passez à l'antenne et c'est gagné, vous venez avec moi cette semaine, ou la semaine prochaine hein, si vous n'êtes pas dispo, vous venez avec moi cette semaine, on va dans la boutique, je vous paye votre paire. Vous repartez avec, basta. Pas plus compliqué. Bravo. Et accessoirement, vous passez à la radio, vous mettez la paire de Louboutins et avec le grand talon, vous mettez un coup de pied à l'arrière dans les couilles de Toff. Et après, vous pouvez partir. Et il paye son verre après pour. Exactement. On est bon. Ah bah oui. On est bon. Bah on est au top, voilà. On n'est pas au top. Hein. Ah c'est bah pas plus compliqué que ça. Bah évidemment. Bon, Noam, alors explique-nous peut-être un petit peu ton râteau là. Je suis impatient de voir, de savoir surtout. Okay. En fait, j'ai demandé à une meuf si elle voulait sortir avec moi. Elle m'a dit oui. Et puis la récré d'après, je l'ai vu embrasser un autre mec devant moi. Ah putain, la salope. Ah ouais. Ça se fait pas. Tu sais, attends. Bon, le temps est composé de ça. C'est de la récré d'après. Ouais. Toi, tu dis ouais, j'ai un rendez-vous, je suis hyper mesure. Ouais, et lui dit ouais, la récré d'après. Mais bah oui, mais c'est vrai. Donc alors, ça veut dire qu'à la récré de 10h, elle était avec toi, à la récré de midi ou de 15h, elle était avec l'autre. Voilà, exactement. Ça se fait pas. Ah ouais, ça se fait pas. Mon cher Noam, moi désolé. Qui suis un spécialiste, prends ça comme une leçon pour la vie, pour exactement, le futur. Exactement. Un jour, tu es avec elle. Rien n'est jamais t'acquis. La première récré, elle est avec toi. Tu en auras plein des récréations encore. Et la deuxième récré, voilà. Elle est avec un autre. Rien n'est jamais acquis, je te le confirme. Mais t'as été la voir ou pas? Mais attendez. Ouais. Maintenant le meilleur c'est qu'elle veut, elle dit qu'elle a encore une chance de sortir avec moi. Non, après elle va se foutre de ta gueule. Dis-lui écoute-moi bien. T'as compris? Tu m'as lâché une fois. Tu m'as lâché une fois, tu me lâcheras pas une deuxième fois. Voilà. D'accord. Montre que c'est toi qui as les couilles. Bravo, c'est toi le mec. Ça s'entend pas, donc montre que c'est toi qui as les couilles. Tu lui as dit quoi toi Noam? Il lui a dit on peut lâcher une fois 1000 personnes, mais on peut pas lâcher. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit laisse tomber, tu m'as déjà fait mal une fois, donc dégage. Mais t'as bien fait mec, ouais, Noam, t'es sérieux là, montre qui c'est qui a les corolles. Garde ton 4 heures pour toi. Elle t'a brisé le cœur. Est-ce que t'en as pas une autre comme ça là? Tu sais quoi Noam, moi j'ai un bon plan. Hein. Tu l'écoutes-moi bien. C'est pas la peine, moi je me tape déjà Sandro. Ouais, The Fun Radio. Tu vois, The Fun le soir, et tu dis écoute, de toute façon je suis plus dispo. Mais oui, j'ai dit une autre meuf. Ah en plus, voilà, très bien. T'es un vrai toi. Mais toi t'es un petit tof toi, tu vas finir mal. Non mais il est classe. C'est clair. Bon bah très bien, donc t'as déjà une autre meuf, tu l'as envoyé chier, donc c'était un gros râteau. Mais c'est le premier, il y en aura d'autres Noam à mon avis. Hein? Oui. Bon bah très bien. En même temps Noam. Tu lui en as remis un derrière, donc ça va. Hey, Noam, partout. Noam, comme t'as une meuf là, t'as pas oublié d'aller jouer là pour gagner la paire de Louboutins? Ah bah non, moi je joue pas. Ah bah pourquoi c'est gratuit. J'en ai rien à foutre moi de cette conne. Y'a pas de Louboutin en taille 25, arrête. Non mais sérieux, c'est vrai, tu vois, tu devrais essayer. Attends, et la meuf, hop, même si elle a 12 ans, une paire de Louboutin, elle se fait bien. Non. Non, je préfère qu'elle aille pieds nus. Elle aime pas les cadeaux. Non, ça c'est elle te dit. C'est une meuf, elle dit toujours qu'elle n'aime pas les cadeaux, mais elle préfère quand même que tu lui en fasses plutôt que pas, tu vois. Ah bah non, je lui ai offert un, elle m'a fait la gueule pendant une semaine. Oui, mais qu'est-ce que tu lui as offert? Une femme. Non, attends, tu lui as offert quoi? Une gaufre? Un pimi. Non, un pitch. Un bracelet. Oh, sympa, mais pourquoi elle a refusé? Pourquoi elle t'a fait la gueule? Parce qu'elle aime pas les cadeaux. Elle aime pas les cadeaux. Oh là là là. Non, c'est juste qu'elle s'appelle Virginie et que son bracelet il y avait écrit Florence, mais bon, c'est un détail. C'est ça. C'est ça, exactement. T'as déjà fait ça, hein. Ah, oui, bah bien sûr que ton fil l'a fait. Oh là, bien sûr. Peut-être avec une meuf, elle te largue, tu files à la suivante. Hein. Évidemment, évidemment. Bon, bah Noam, merci de passer, hein. Offre-lui une feuille. Bah, de rien, c'est ouais. Un plaisir. Hein. Bah écoute, merci beaucoup. On était très contents de t'avoir et Noam, on va te filer un pack fun, d'accord? Ok. Salut Noam, à bientôt. Il y a quoi dans le pack fun déjà? De quoi? Y'a quoi dans le pack fun? Bah, j'en sais rien, ça dépend de ce qu'on a. Y a parfois il y a des écouteurs, parfois il y a des autocollants, parfois il y a des t-shirts, parfois il y a des casquettes, parfois il y a des CD, parfois il y a des DVD, ça dépend. Mais nous on t'envoie des capotes pour être sûr. Ouais, de toute façon. Salut Noam. Salut. A bientôt, on a Pierre également de Nantes là. Bonsoir Pierre. Salut. Ça va bien? Salut. Alors, allô? Ça va? Bah tranquille et toi? Salut. Très très bien. Bon, tant mieux. Alors dis-moi, comment ça se passe toi? C'est quoi le pire râteau que t'es pris? Bah, c'était un râteau assez flippant. C'était que j'étais allé voir ma copine. Attends, coupe la radio déjà Pierre, j'ai l'impression qu'il y a l'écho derrière, du coup t'es perdu. Vas-y, donc t'as été voir ta copine? J'étais allé voir ma copine et puis j'avais pris mon courage pour lui demander. Et puis avec mon copain aussi, j'étais allé en même temps avec lui. Ouais. Et je lui ai demandé et puis j'étais chez elle et puis elle est revenue avec un couteau de cuisine, un grand couteau de cuisine et on s'est cassé en courant. Ah oui. Tu sais que c'est histoire de psycho. C'est-à-dire que c'est pas un râteau là, c'est-à-dire que c'est une tentative de meurtre. Oui, mais tu l'as trouvé où la meuf? Bah sur le fandedexter.com. Non. Attends, tu l'as trouvé où? Bah ah c'était dans mon collège. Hein. Mais tu la vois toujours? Ah bah en plus elle est dans ma classe cette année. Non. Ah ouais putain, tu dois pas du tout avoir les boules. Tu sais quand la meuf elle lève le doigt pour répondre. Non mais allez-y, qu'elle réponde en premier, c'est mieux. T'imagines le mec qui se met à genoux quand elle la bouscule. Mais c'est ouf. Eh hey, mais elle voulait te poignarder? Non, jusque là juste pour me faire taire. Ou alors elle avait juste ramené le couteau pour couper le saucisson. Hein. Tu t'es emballé alors qu'elle voulait prendre l'apéro, c'est tout. Eh hey, on peut pas l'appeler. Non mais c'est on vrai. Peut l'appeler. T'as le numéro ou pas? Non, j'ai pas le numéro. Non, non, ouais, il a peur. T'as entendu la voix tremblante quand il te dit non? C'est clair. Vas-y, trouve-le pour demain qu'on l'appelle. Ah bah oui, il faut qu'on l'appelle pour. Ouais, grave. Ok, grave. D'accord. Ah, on savoir. Je vais éclaircir l'affaire. Mais grave, moi. Évidemment. Bon, Pierre, bah du coup, bouge pas, il y a Lucas aussi qui veut donner son avis. Il y aura Sarah dans quelques minutes et puis la réponse à la colle avec Antonino. T'es là, Antonino? Oui, je suis là. Allez, c'est parti, on va offrir maintenant la GoPro. Je rappelle que t'as balancé Nicole tout à l'heure. Si quelqu'un qu'on appelle maintenant donc a la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si ça ne décroche pas ou que la réponse n'est pas bonne, à ce moment-là, c'est toi qui gagneras, Antonino. On y va et je te souhaite bonne chance. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Samira, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Et tu appelles d'où, Samira? Toulouse. De Toulouse, la ville rose, très bien. C'est ça. Bon, alors Samira, il y a Antonino qui a une colle à te poser. Vas-y Antonino. Je suis peut-être ancienne, mais aussi nouvelle. Parfois invisible, souvent pleine. Qui suis-je? La lune. C'est exact. Eh ben voilà. Yeah. Eh ben voilà, c'est gagné, bravo. Samira, et l'autre elle arrive, Antonino ça fait 2h30 qu'il est là et hop là. Sifflé. Voilà. Ah bah ça arrive, ce sont les choses qui arrivent. Bravo Samira, tu vas repartir comme promis à l'occasion de la sortie de Kick-Ass 2. On va te filer la GoPro. Tu vas pouvoir faire des images de ouf. Merci. Pendant tes vacances ou même chez toi éventuellement. Ah ouais, tu vas te la ramener, tu vas voir. Bon, oui. Eh ben très bien Samira, je te fais des bisous. Voilà, mais j'ai juste une petite dédicace à passer vite fait rapide pour Une personne, hein, comme la règle le veut. Ah bah alors si c'est à une personne, c'est mon fils Amine, je l'aime de tout mon cœur, il a 8 ans et demi et je suis trop fière de lui. Oh, très bien. Eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Il sera trop content de savoir que j'ai gagné parce qu'il est parti au lit, il attendait que je gagne. Oh. Ah d'accord, bah voilà, bah tu vois comme ça c'est fait. Eh bah gros bisous Samira, merci, je te renvoie chez Sandro le standard, on prend tes coordonnées et puis on va t'envoyer la GoPro, okay. Rapidos. Salut, merci, salut. À vous, bonne continuation. Merci, ciao. Et à bientôt Antonino aussi, hein, tu rejoues quand tu veux. Ok. Salut Anto, à bientôt. A bientôt. Allez, ciao à toi. Et puis restez sur Fun Radio là, puisqu'on va se mettre qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs dans quelques minutes? Ah bien ça, le son de Martin Garrix avec Wizard. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio là. Restez bien là. On est là, on est en direct, on est pépère. Il est 22h40, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Et puis vous en direct jusqu'à minuit. Et la paire de Louboutin bien entendu que je vous offre avant minuit également. Facebook.com/MIKL officiel pour tenter vous aussi de repartir avec cette magnifique paire de chaussures d'une valeur de 450 boules. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, là, 20h minuit, tous les dimanches soirs, on est en direct. Il y a Daoud, non, il y a d'abord Sacha qui y est, toute l'équipe. Je vous écoute depuis la Toussaint, pas eu mon message de bienvenue, mais je vous adore quand même. Je te le mettrai tout à l'heure, Sacha, avec plaisir. T'inquiète pas, en tout cas, merci à toi d'écouter. Stéphanie qui dit, je suis allé voir ma copine, elle est arrivée avec un couteau. Bah, normal, hein, quoi, tout va bien. Oui, oui, c'est ça. Bah, oui, normal. Bah, moi, oui, oui. Combien de fois les meufs n'ont pas coursé avec un couteau, tu crois? Ah, couteau, ouais, mais toi, c'est normal. Il y a quoi aussi Thomas qui dit, je m'étais promis de me coucher tôt. Bref, c'est raté pour ce soir, c'est la faute à Toff car il a fallu le mettre en top tweet, c'est vrai. Et Ariel qui dit, un râteau ce n'est pas grave, n'oubliez pas qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. De Toff par exemple. Oui, c'est vrai. Et Angélique aussi qui dit, histoire d'amourette collégien, j'adore, quelle salope. Non mais c'est vrai quand même. Scandaleux. Bon, on parle de vos pires râteaux encore, venez nous en parler maintenant sur Fun Radio. Vous balancez tous vos messages tout de suite, vous envoyez votre message au 64 900, vous débutez le message par Mickaël ou alors directement sur le standard 01 42 48 5000. On vous attend nombreux et nombreuses. On est là jusqu'à minuit, donc profitez-en. C'est Martin Garrix qu'on écoute maintenant de nouveau. C'est Wizard sur Fun. 20h minuit. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun avec Benoît qui dit, peut-on avoir un point sur le top tweetos? Ah bah oui, on va le faire. Pardon, mais bien sûr. On va le faire maintenant, le top tweetos. Je rappelle qu'on terminera tout à l'heure le top tweetos à minuit comme d'habitude. Attention, on y va. Je rappelle le principe, vous gagnez un petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, si vous êtes numéro 3 ce soir dans le top tweetos, le principe est simple, il faut balancer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter. Et puis si vous êtes classé numéro 3 ce soir, vous repartirez avec le sextoy. En numéro 5, il y a qui pour l'instant? Il y a le prince Nadia. Il faut faire plus de messages pour gagner. Numéro 4, il y a Magda. Il faut faire plus de messages pour gagner. Numéro 3, il y a Paul PC28. Et bah, il faut stabiliser. Numéro 2, C'est Angélique. Il faut faire moins de messages. Et numéro 1, C'est Cédric. Et bien parfait, voilà. Donc si vous avez envie de jouer avec nous, dans moins d'une heure, dans une heure on fera le top tweetos, donc pour voir un petit peu comment ça se passe. Et quel est le troisième qui repartira donc avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, on va également se faire là dans quelques minutes ce grand et nouveau jeu qui est donc le match d'impro. Donc si vous voulez jouer avec nous, bah, vous êtes les bienvenus aussi. J'ai un casque focal à vous offrir ce soir. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, il y a Jérémy également qui est avec nous de Toulon là dans le Var là. Salut Jérémy, comment ça va? Salut. En forme? Ouais, bon, tant mieux, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Jérém. Alors, tu voulais nous parler de quoi? Ah oui, de parler des râteaux, toi, les pires râteaux, ouais, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Alors, c'est quoi ton pire râteau, toi, dis-moi? Un râteau, ouais, c'est un godet, c'est même pas un râteau. Alors, explique, je suis toutoui. Tu es toutoui? Ben, prépare-toi, mais... En fait, j'espère qu'elles sont pas toutes comme ça, quoi. Ben, en fait, moi, j'étais en boîte, tu vois. J'étais avec mes cousins en boîte. On a fait une petite sortie et j'ai rencontré une petite meuf, tu vois. Tranquille, sans prise de tête, tout ça, bon, voilà quoi. Après ça, je l'ai invité à se revoir, toi, extérieurement, et on a décidé d'aller au restaurant. D'accord. Donc on a mangé un morceau, tout s'est bien passé et tout. Et à la sortie du restaurant, tu vois, genre, mais vraiment bien passé, quoi. Il y avait vraiment moyen, j'ai embrassé tout en boîte, tu vois. Et là, tu lui proposes cool, de quoi. Manger ton morceau. Excuse-moi. Et je lui propose de voilà, exactement, on a mangé ensemble et tout, enfin, voilà, bonne petite soirée qui s'est improvisée. Moi je suis arrivé par mes propres moyens, elle s'est fait amener par quelqu'un, donc je devais la ramener, tu vois, c'était tout bien et tout, franchement, c'était... Ouais, c'est ça, donc tu devais la ramener, tout nickel. Nickel, franchement, je me fous, c'était le rêve, je te jure, le rêve toulonnais, comme on dit chez nous, pas américain. Et enfin, on arrive à la voiture, j'ai mes Clio anémoïse, tu vois, une vieille bagnole, qui me débrouille pas mal, quoi. Et ben, malheureusement, quand on est arrivé devant la voiture, Madame, elle a pris un téléphone, elle a dit, oh, attends deux secondes, j'ai le téléphone qui sonne, il n'a même pas sonné le téléphone, genre il était sur silencieux, je sais pas quoi, enfin bref, tu as compris la fin, déjà, elle se donne de la voiture, c'est sa mère, elle doit partir. Elle n'avait pas posé ça dans la voiture, elle est partie à pied, elle a attendu, pas, voilà, elle a déjà appelé quelqu'un qui venait la chercher, elle avait une copine complice, j'en sais rien. Franchement, ça m'était jamais arrivé de truc comme ça, par rapport à ma voiture, tu vois, une matérialiste à ce point, et ça c'est un râteau, franchement, c'est la société de nos jours, c'est la nouvelle société. Non, c'est vrai, ça va, la nouvelle société, blablabla. Alors que si tu avais sorti la Ferrari, là, voilà, c'est ça. Mais pas, même pas une Ferrari, une Toyota de nous, des nouvelles années, tu vois. Télé-télé, on va dire, tu vois, pour pas dire Moïse. Et franchement, j'avais une Polo TDI, je suis sûr qu'elle serait montée. Alors que les sons, TDI, mais la TDI. C'est ça, la TDI, t'aurais été bien. Surtout avec les deux petits points rouges, là. Où ça, il a installé des chambres dans le boîte de nuit en France. Ça serait encore plus cool, je crois. Je n'ai rien compris, tu as tellement crié dans ton téléphone, je n'ai rien compris. J'ai dit ça, ou sinon, installer des chambres dans les boîtes de nuit en France. Oui, c'est une idée également. C'est vrai. Mais ça existe déjà, mais c'est pas tout à fait les mêmes boîtes. Ça s'appelle pas une boîte de nuit. Il est content. Ça serait cool. Non, c'est un projet, c'est un petit projet, je suis content, bien sûr. Voilà, sinon, c'est une nickel équipe. Hein. Voilà, je vous ai raconté mon petit râteau. Eh ben, très bien, non, mais c'est un beau râteau, bravo. Content, bien sûr, je suis content. Si je vous appelle, c'est pour partager mes. Mais oui. Mais tu fais bien. Tiens, il y a Daoud Douida qui a envoyé un message sur le Facebook. Il dit lol pour les râteaux. Un jour, dans le métro, il y avait un relou de compète. Il va chez la fille et la colle. Trop fort la réponse de la fille devant tout le monde. Mais merde, j'ai pas la réponse. Elle a pas été mise, la réponse. Ouais, donc, Oh merde, attends. Ah bah non, là c'est compliqué. Bah écoute, Daoud Ouida, remets la. Robert, attends une seconde, je suis en train de parler là. Oh là là, il entend rien. Oh, il entend rien, il est fatigant. Daoud Ouida qui dit mais Sandro risque de la lâcher à la prochaine pub. Bah oui, c'était par rapport à l'auditeur tout à l'heure là. Et bah du coup, remets le Daoud Ouida là, remets la réponse qu'elle a donnée la fille parce que je l'ai plus malheureusement là, pas de problème. Ah ça y est, attends, t'as vu. Attends, c'est quoi? T'as vu ma gueule, t'as vu la tienne, c'est pas possible. Ah ouais, c'est pas mal. Oh. Ah ouais. Moi c'est la gueule de ma voiture. Oui, mais ça autre problème évidemment. Bon, il y a Angélique qui dit histoire d'amour de collégien, j'adore, quelle salope. Bon ben merci en tout cas d'être passé ce soir, Jérémy. Merci à vous. Et tu reviens quand tu veux. Merci bien. Salut Jérémy. Ciao, ben, je compte bien sur toi, il y a pas de problème. Sarah également avec nous de Marseille. Salut Sarah. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquille. Alors, c'est quoi ton histoire toi, dis-moi? Bon, en fait, c'est pas moi qui me prends des râteaux, c'est moi qui en fous en fait. Ah, ça y est. Enfin une qui assume. Ouais, vas-y, explique. Non, mais c'est des trucs tout simples en fait. Hein. Dis-moi. C'est genre, c'est dans la vie réelle ou sur Facebook. Genre, ouais, parce que dans la vie réelle. Attends. Ouais. La vie réelle non, ou sur Facebook. Mais en fait. Et avant elle était sur Second Life aussi, alors là c'était un peu plus compliqué. Non, c'est pas la même chose sur Facebook et dans la vie réelle. Sur Facebook, c'est genre des mecs qui m'envoient des messages, genre. Tout à l'heure, il y a un mec, à même pas une heure, il m'a fait un texte, il m'a dit ouais, je te trouve vraiment magnifique et tout, si tu veux, on se rencontre un jour et tout, et je fais, et genre, j'ai pas répondu. Et en fait, je supprime à chaque fois et tout, et au bout d'un moment, quand je regarde dans les archives, alors en fait, je vois que la liste, elle est pleine, quoi. C'est-à-dire? Elle se fait brancher sur Facebook par des mecs, en fait. Oui, oui. Mais je réponds jamais. D'accord. Mais je comprends pas ton problème du râteau. Ah, que tu le réponds pas, c'est ça le râteau? Bah ouais, sinon quand tu as des mecs n'importe où, je sais pas, je sais pas, dans le quartier ou n'importe où tu veux, et bien quand il y en a un, il veut te choper pour te ken ou pour t'embrasser, et bien tu dérives, genre tu fais ça, non merci, je te casse. Mais à 15 ans tu te fais ken souvent? Non. Ah bon. D'accord. Bah, nous voilà rassurés. Il y a Benji aussi qui dit mon pire râteau, c'est quand j'étais prêt à demander à une fille, mais à ce moment-là, elle a embrassé son mec. Ah oui. Oui. Ah, c'est... Note. Finalement, c'est pas un râteau. C'est elle t'a rendu service parce que t'aurais pu t'afficher. Alors que le mec, elle est arrivée derrière et au final, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé souvent. T'sais, tu chattes une meuf toute une soirée et puis à la fin de la soirée, elle te fait bon bah il y a mon mec qui vient me chercher. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc... Heureusement. Et tu l'as payé des verres et tout. Ah ouais, c'est ça, tu t'es dit merde, putain, je me suis ruiné la soirée pour rien, quoi. Bah oui. Une bonne soirée, après tu dis ça, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça, c'est clair. Le pire, c'est que c'est trop ça, les meufs, quoi. De quoi? Non, bah pour se faire payer à boire. Ouais. Ça dépend qui. Généralise pas trop aussi. Non, non. Ouais, nombre de meufs que je connais avec qui parfois on fait. T'as envie de ken en fait. Non, des meufs que je kenne pas, elles me font ouais, j'ai que 10 euros pour la soirée et tout. Ouais, je fais ah ouais, ça va être chaud pour se faire payer à boire. Fais quoi que tu racontes? Il y a plein de mecs qui vont me payer à boire toute la soirée. Bien sûr. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Bon, attends, il y a aussi Maxime avec nous de Nice. Salut Maxime. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, alors, sois le bienvenu. Toi aussi, tu voulais parler des râteaux? Ouais, moi, j'en ai. En fait, j'avais une amie. On était juste amis comme ça. Et au fil du temps, j'ai eu des sentiments pour cette personne. En fait, donc quand j'ai eu ces sentiments et tout, j'ai voulu la surprendre un peu. Parce qu'en fait, voilà, c'était délicat et tout. Je savais pas trop comment lui dire, vu qu'on était bien amis et tout d'enfance. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle travaille dans une parfumerie. Et du coup, un jour, je me suis dit, je vais aller sur son lieu de travail. Donc en fait, je me suis tout préparé, je me suis bien habillé, tout ça, j'ai acheté un bouquet de fleurs. Et là, tac, je suis rentré dans la parfumerie, ils sont une vingtaine, les clients au milieu, tout le monde. Et j'ai fait ma déclaration devant tout le monde avec un bouquet de fleurs et tout. Oh là là. Et alors? Et je me suis bien affiché, quoi. À le matin, en direct live devant tout le monde. Oh, et là, on se sent bien con parce qu'on est seul au monde, quoi. Ah ouais, là ouais. Ah, mais ça, c'est le mauvais plan. Faut jamais aller sur le lieu de travail, les gars. Ah ouais, ouais, mais. Parce que je sais qu'entre copines et tout, je les connais bien. Ben, c'est ça. C'est pire. En fait, non, à la limite. C'était... Ouais, à la limite, tu peux faire éventuellement livrer un petit bouquet de roses ou une rose, ah, tu vois, sur le lieu de travail. C'est trop mignon, ah, ben, ouais, ça. Voilà. Ça, tu peux faire. Mais arriver comme un bourrin sur le lieu de travail, c'est chaud. Hein. Non, c'est vrai. Il est en costume avec des fleurs à la main. Tu sais, c'est comme les. Ah, là, c'était fatal. Les mecs qui se font leur déclaration dans les stades et tout. Forcément, la meuf, tu sais, elle est pas à l'aise. Donc forcément, tu mets pas toutes les chances de ton côté, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr, après, avec ses sections et tout. Voilà, quoi. Je pourrais pas faire ça. C'est clair. J'ai la honte devant tous les gens avec qui tu bosses et tout. Forcément, la meuf, elle va faire non, dégage, je connais pas ce bouffon. Tous les collègues de travail, c'est chaud. Oh là là. Mais cette histoire, ils vont s'en répéter pendant 20 ans. Mais minimum. Jusqu'à la fin de sa vie, elle parlera de toi, cette fille, tu sais. C'est la fête de ma vie, là. Bah ouais. Il y a Rafa qui dit, je suis mort de rire. Eh ben, moi, à la récré, je sortais avec une meuf. Ah oui, c'est tout à l'heure. Je suis plié en deux, je vous écoute tous les soirs, vous êtes cool. C'est Denis qui avait envoyé le message. Merci, Denis. Et donc, tu t'es remis là depuis, quand même, rassure-moi, là. Ouais, c'est bon, je me suis remis, ouais. D'accord, ok. Ça m'a bien servi de leçon, c'est bon. Oui, oui, bon, j'imagine. Bon, bah, très bien. Bah, merci pour l'histoire, Maxime. Ouais, ça va. Et à bientôt, merci. Hein. À bientôt. Bonne soirée. Salut à toi, ciao. Il y a Pierre également qui est avec nous, là. Bah, non, on l'avait déjà eu. Il y a Lucas également, du Var. Salut, Lucas. Ouais, salut. Ouais, ça va? Bah, nickel, hein. Bon, tranquille, Lucas. Toi aussi, t'as eu un râteau? Ouais. Alors, vas-y, explique. Bah, perso, moi, c'était le plus gros râteau de toute ma life. Alors, je suis arrivé devant. Bah, en même temps, t'es pas bien vieux, donc tu peux pas non plus en avoir eu 150 000. Ouais. Bon, alors, vas-y, on t'écoute. Mais je suis arrivé devant la meuf, je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi et tout, et la meuf, elle m'a dit, mais ta gueule, elle m'a foutu un king dans la tronche. La violence, le pauvre. C'est pas mal, c'est pas mal. Le pire, c'est que j'étais avec des potes. Hein, et le pire, c'est que dis-toi que t'en auras d'autres, peut-être même encore plus violents. Hein. Non, mais c'est vrai. Là aujourd'hui, ah oui. Bon, tu te rends pas compte, mais c'est clair que ça risque d'être bien pire. Hein. Ouais, est-ce que j'ai déjà eu des râteaux, mais attends, je me souviens pas d'un particulier. Mais non, toi tu n'as pas de râteaux, Mickaël. Mais si, j'ai déjà eu des râteaux. Les meufs te courent derrière. Mais arrête, tu n'as que des pelles. Non, mais c'est ça, ouais, tu parles des pelles. Non, mon cul, ouais. Non, il y avait bien une histoire. Bah, je l'avais déjà raconté il y a pas longtemps, mais pour ceux qui étaient pas là, c'était le soir où j'étais en kiff sur une meuf et j'osais pas parce que j'aurais été un peu timide dans le domaine. Et du coup, j'avais eu la pression. Mon cousin m'a dit, t'as qu'à intérêt à lui dire ce soir, sinon c'est moi qui lui dis. Donc moment où je suis prêt à lui dire, elle me dit, ah, ce qui est bien avec toi au moins, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on sait qu'on est amis. Ouais, mais tu vois, c'est bon, pas un vrai ça, râteau, c'est pas un râteau ça. Tu vois, elle t'a pas mis un stop, elle m'a pas mis un stop, mais j'en ai eu des. Attends, putain, mais si, j'en ai eu, mais je me souviens plus. Bah, tu vois, la preuve que non, mais ça si, marche, si, un j'en râteau, ai eu, ouais, t'inquiète pas. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas pareil, moi, il s'est pris un râteau dans la gueule, c'est pas pareil. Ah, bah là, moi, j'ai pris tout le jardinage. Ah, ouais, jardinage complet, lui. Ah, bah alors. Ça va de la brouette à tout, hein. Au tracteur, surtout le tracteur, parce qu'il s'est fait labourer la gueule, regarde, c'est toi. Non, mais c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, après, moi, j'en ai déjà mis des tôles aussi, hein, cela dit. Hein, mais surtout avec des mecs qui viennent me draguer. Mais je, quoi? Mais oui, mais je ne suis pas gay, donc j'ai beau l'expliquer en long, en large, en travers. Mais oui. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Non, mais toi, c'est normal, t'as vu ta tête? Jusqu'à là, elle est rien. Mais non, voilà. Donc c'est juste que t'as des mecs qui viennent et donc qui essayent, donc je leur dis non. Non, mais c'est gentil, mais voilà, je suis pas gay, c'est comme ça. Donc voilà, il y a Karim qui envoie un message depuis l'application iPhone, hein, que vous pouvez télécharger gratuitement sur iTunes. Tapez Mickaël No Limit. Bonjour, ça fait un bail que j'écoute Fun tout le temps, je trouve que ça déchire grave. Bah merci Karim. Et Benji qui dit vous me faites trop rire, merci d'être là, même quand je vais pas bien, dès que je vous entends, je suis mieux. Bah, merci à vous. Et bah, merci à toi également, du coup, effectivement. Et message aussi qui est arrivé qui dit une fois je me suis fait draguer par une fille, une lourdingue. Oui, mais attention, hein, je suis déjà tombé sur des mecs qui étaient lourdingues. Et des meufs également. Je rappelle qu'un soir, il y a une meuf qui est arrivée à la radio et persuadée d'être ma meuf, d'être ma femme. Et elle était persuadée que c'était ma meuf. Elle est venue avec ses bagages. Elle est venue avec ses bagages, j'ai dû partir caché dans le coffre de toi. On a quitté la radio comme ça, c'était une angoisse. Et autre râteau que j'ai fait également, Sarah, Pierre et Lucas, vous allez me dire si vous avez peut-être déjà fait mieux. Bon, après c'était spécial aussi, hein, donc c'est-à-dire que il y avait des auditeurs et enfin deux auditrices qui étaient passées à la radio et donc moi j'étais parti après l'émission et un jour je dors, on était en coloc avec Toff, avec plein de gens. C'était l'auberge espagnole à la maison. Et donc un jour il y a quelqu'un qui frappe à ma porte de ma chambre, mais en pleine nuit. Hein. Ouais. Donc ça frappe. Un exemple, je sais pas moi, comme ça quoi. Voilà, donc moi j'étais en pleine nuit, donc. Mais, tu sais, je me dis non, à mon avis j'ai dû rêver, tu vois. Donc j'essaie de me rendormir. 10 secondes après, hop, de nouveau. Donc bah, je dis qu'est-ce qui se passe. Donc je dis oui c'est quoi. Donc la porte s'ouvre, mais c'est pas moi qui l'ouvre, hein, c'est elle. Enfin, je savais pas que c'était elle encore. Et puis là, elle dit ouais, Michael. Je dis ouais. Quel enfer. Non, mais tu vois, t'es en pleine nuit, t'es chez toi, tu dis qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. Et c'est pas la porte d'entrée, c'est la porte de la chambre. Et elle dit ouais. C'était pour savoir si je pouvais venir dormir avec toi. Je dis mais t'es qui? Ouais mais je sais plus comment elle s'appelle, on va l'appeler Virginie. Ouais je suis Virginie. Et puis je dis bah non en fait non. Ah bon non d'accord bon ok très bien. Bon bah, puis après elle s'en va. Bon ok d'accord. Hop la porte se ferme. Donc elle s'en va. Et puis je me dis j'ai dû rêver, ça a dû être un truc improbable, une histoire bizarre. Bon bref, c'est pas grave, passons à autre chose. Je me rendors, tout va bien, et là que se passe-t-il? À nouveau, c'est parti. Ça refrappe à la porte. Je dis mais. Je dis oui, parce que je suis un peu énervé, ça fait deux fois qu'on me réveille. Et ouais. Alors déjà qu'une fois ça le saoule. Bah c'est ça, oui c'est de nouveau Virginie. Je dis oui bah qu'est-ce qu'il y a? Dis est-ce que je peux pas venir dormir avec toi parce qu'il fait vraiment froid dans le salon? Bah je dis non, t'as qu'à aller voir avec Toff, il est dans la porte à côté. Ah ouais. Et bah ouais. Elle est jamais venue me voir cette salope. Bah non, t'étais avec l'autre. Ah oui, pardon. Bah ouais. Oui, espèce de con. Bah. En fait, elle se faisait chier du coup la copine et donc du coup lui était avec l'autre et oui. Il avait laissé l'autre en plein milieu du salon. Juste, mais moi c'est pas mon business. Ce fut l'époque où Toff ramenait des meufs à tire-larigot dans la ah bah maison, ouais. Dans la hacienda. Et donc du coup le lendemain je me dis c'est pas possible, j'ai rêvé. C'est normal. Il faut expliquer aussi que en fait j'avais ma porte personnelle, donc du coup je pouvais faire rentrer et sortir les meufs sans qu'elle passe par l'intérieur de la maison. C'est ça. Là, mais c'était improbable. Ah, j'adorais cet endroit. Donc là pour le coup la meuf a pris un bon râteau quand même, parce que deux fois en pleine nuit, alors qu'il y a un mec qui est là, qui dort, ouais je peux venir dormir avec toi. Bon Toff, ça aurait été le rêve de sa vie. Ouais moi elle serait venue les deux d'un coup, ouais. Ah bah ouais. Donc là non, je dis non, attends, t'es sérieux? Je sais même pas, moi je fais tellement attention, moi je suis trop perché, moi il faut pas que. Ça peut pas arriver comme ça, faut que le physique me plaise, faut que tout me plaise, faut qu'il y ait plein de trucs qui me plaisent. Ça peut pas arriver comme toi, je prends pas la première venue quoi, tu vois. Ah bah moi je prends la première, la deuxième, même la troisième venue. Hein, même la dixième classe, lui, il n'y a pas de problème. Il y a Paul qui dit, tu vois, un jour j'ai demandé à une meuf qu'elle m'a fait traîner un mois et après elle m'a dit qu'elle était encore avec son ex. Bah ouais. Il y a Citation et Beauté aussi, alias Manon qui dit, Mickaël, t'es le meilleur, peux-tu dire que t'es fantastique Manon? Bah voilà Manon, tu es fantastique. Je vous écoute tous les soirs. Merci Manon et gros bisous. Et le prince Nadia qui dit, le stop de ma vie, le mec me plaît, je lui parle et voulait boire un verre. Il me dit, oh j'avais oublié, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ou les meufs qui te disent, ah, je vais me laver les cheveux. Ouais. Moi, ça m'arrive pas, ça. Je dois me lever les cheveux, n'importe quoi. Non, sérieux? Bah oui. Bon, il y a Marine dans quelques minutes qu'on va récupérer. Lucas, merci à toi d'être passé. Lucas? Ouais. Ah, voilà. Donc, je dis merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux, hein. Ouais. Ah, bah, super. Je voudrais juste savoir. Ouais. Pour le pack fun. Oui. Ouais, bah, c'est bonjour pour Noah, hein. Quoi. Eh bah, tu vas gérer ça avec Sandro. Je te la repasse sans problème, Lucas. Allez, ciao. Salut, Lucas. Salut, Pierre. À bientôt. Bonne soirée. Salut à vous, bye bye. On va revenir avec Hugo dans quelques minutes. Marine, on va te faire aussi, comme promis, le match d'impro. Si vous voulez le faire, le match d'impro pour gagner votre casque focal d'une valeur de 200€. On fait ça dans quelques minutes. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous ne bougez pas de là, je vous cale le son d'Eminem. Eminem avec The Monster, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 20h minuit. Fuck. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. C'est parti. Il y a encore 50 minutes là pour vous inscrire pour gagner votre paire de Louboutins, mademoiselle. Si vous voulez la gagner, votre paire de Louboutins, je vous l'offre maintenant. Il suffit de venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel. On est plus de 300 000 depuis tout à l'heure. Merci à vous pour l'émission qui n'a même pas 5 mois. Ça fait vraiment plaisir. Et puis sans oublier donc que si vous êtes tiré au sort tout à l'heure, eh bien vous viendrez avec moi cette semaine. Et oui, faire les courses. On ira directement chez Louboutin, chez Christian. On ira chercher la paire de chaussures. En je personne, la paye chez lui dans sa maison. Non, ça j'irai pas jusque là. Mais bon, je la paye. Vous repartirez avec mesdemoiselles. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez jouer, c'est maintenant que ça se passe. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Vous faites un like et un partage de la chaussure, de la photo où il y a la paire de Louboutin, bien sûr, avec la semelle rouge, là, chaussure toute noire avec la semelle rouge. Je vous l'offre donc si vous la gagnez et vous, en plus, vous l'aurez pour les fêtes. Donc vous serez la plus belle pour Nouvel An, même pour Noël. Vous allez pouvoir vous la ramener auprès de vos copines. Bon, ça vaut quand même 450€. Donc si vous voulez la gagner, ne la laissez pas aux autres. On fait ça avant minuit et on écoute Eminem et Rihanna maintenant. C'est The Monster sur Fun Radio. Eminem et Rihanna sur Fun Radio avec Monster. Bienvenue si vous arrivez à 23h15. On va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Il y a Eva depuis l'application Mickaël No Limit là, qui existe depuis la semaine dernière, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/iTunes. Vous envoyez simplement Mickaël No Limit pour pouvoir la télécharger. Coucou l'équipe, je vous adore. J'espère faire avec toi la boutique de Louboutin. Vous êtes super. J'espère Eva. Il suffit simplement d'aller sur le Facebook et participer. Hein. Mickaël, fais-moi gagner le Louboutin. C'est mon rêve, c'est Maëva. Oh là là, toutes ces filles qui me réclament, quel plaisir. Oui. Ça que j'aurais dû offrir ces Louboutins depuis longtemps là. Toutes ces filles qui me supplient. C'est tellement agréable. C'est vrai. Oui. C'est ça. Mais oui. Les meilleurs râteaux. J'ai des Louboutins si elles veulent. C'est sûr. Ouais. Les meilleurs râteaux que j'ai mis sont tu es jolie, mais ton style vestimentaire ne me plaît pas. Oh. Je peux pas sortir avec toi parce que demain je dois sortir avec une autre fille et j'aime pas tes dents, tu as trop de tartre. Oh. C'est Mine qui avait envoyé ça, Mine d'Albi. Et Rafa aussi, je suis sorti avec une meuf et le lendemain elle m'a dit je t'aime pas en fait et tout le blabla comme quoi on n'est pas pareil, etc. Oui, bon, en une nuit on s'en est bien rendu compte. Hein. Et le prince Nadia qui dit Mickaël, il regarde à chaque détail chez une fille. Polo, lui, c'est les longs cheveux et Toff, il veut des mensurations avec avant de conclure. Mais il s'en branle même des mensurations au final, c'est un plus, mais il s'en fout quoi. Ouais, mais moi je suis chiant, moi je suis chiant, c'est vrai que je suis chiant. Ouais, ouais. Je sais que je peux pas prendre. Il y a une meuf qui arrive, et ça c'est véridique pour le coup, c'est déjà arrivé. Une meuf qui arrive et qui me dit viens, on baise. Ah non. J'aime pas quand c'est trop facile, je déteste ça. J'adore quand c'est trop facile. Non, oui, peut-être. Moi, la meuf, elle me dit viens, on baise, je lui dis maintenant. Non, mais moi je déteste. Pas qu'elle change d'avis. Hein. Ah non, mais je déteste. Jamais. Non, moi je déteste quand c'est trop facile. Il faut qu'il y ait un peu de travail, challenge. Petit challenge. Quand c'est trop facile, pour moi, si tu veux, quand c'est trop facile, c'est qu'elle en fume. Ouais, mais non, parce que. C'est après... jamais. On te. Attends, garde, tu vas chez le concessionnaire, il va pas te dire. Tu passes devant chez Porsche. Monsieur, oui, ouais. Je vous l'offre. C'est vrai. Comment ça vous me l'offrez? Oui, tenez, je vous l'offre. Il y a une enfume derrière. Ouais, s'il y a une meuf qui est bien et qui arrive et qui dit viens, on couche ensemble ou viens, on sort. C'est pas honnête. C'est vrai que c'est pas honnête, mais bon. Il y a un truc derrière tout ça. Et moi, je suis tellement parano qu'il y a des trucs. Dans l'improbabilité du dos, je bourre le dos, moi. Voilà, t'as raison. Non, et puis le problème, c'est quand t'as tellement travaillé pour la chinée, c'est qu'après, t'es crevé pour la baiser, quoi. Mais arrête, qu'est-ce qu'il est con, celui-là. N'importe quoi. Oh, c'est d'une classe. Waouh. Il a pas de. Mais non, mais arrête. Non, mais attends, mais toi, tu. Écoute, nous, on peut pas. Et le pire, c'est que Sandra rigole. Non mais il se rend pas compte. Eh Dove, il se rend pas compte. Nous on peut pas faire comme ça. Nous on est pas Mickaël de Fun Radio. Mais ça n'a rien à voir. On est obligé de les chiner, de leur mentir. Mais ça n'a rien à voir. Des histoires, genre je connais Mickaël, je vais te le présenter. Ouais, c'est ça. Non mais ça n'a rien à voir. Non mais vraiment. Mais oui. Je fais mes abdos, les gars. Tu te rends pas compte de tout ce qu'on est obligé d'inventer. Moi je peux pas. Voilà, moi s'il y a une meuf qui arrive et qui veut directement passer entre guillemets à la casserole, comme dirait Dove, et encore j'essaie d'être poli par rapport à lui, ça va pas. Voilà. Ah non, mais nous on n'a pas le choix. Nous. Non, mais peut-être, mais après. La voilà. Meuf, elle arrive. Et tu... déjà, on tremble. Et... Ouais, c'est la peine si on n'a pas déjà éjaculé dans notre falsa. Ah. Bon, il y a Louise qui dit pour les râteaux, un gars m'a donné rendez-vous et m'a posé un lapin sans explication. Deux jours plus tard, il me dit me parle plus, j'ai une copine. Ah oui, sur moi, c'est clair. Oh. Ou alors, il avait une copine en fait. Il a essayé de te pécho et après, comme sa copine a grillé, peut-être qu'il a fermé la porte. C'est possible. Fariel aussi qui dit moi, mon râteau, c'était quand j'étais en CM2 pour un mec qui était dans ma classe. Je lui avais écrit une super belle lettre et tout. Oh. Et je lui ai donné, puis il l'a lu et il l'a jeté à la poubelle. Pour moi. Le bâtard. Oh là là. Et le prince, il y a qui dit Mickaël offre ce soir des loup-boutins et Toff offre des loup-boudins. À vous de choisir. Quel est votre corps, mademoiselle? Mais exactement, je pense que tout est résumé comme ça entre Toff et moi. Ouais, voilà, je pense que là, c'est vraiment ça quoi. Mais sinon on ira et on ira ensemble au puce de Saint-Ouen pour la... Et Diana qui dit moi j'étais à fond sur une meuf dans ma classe, après un an je lui ai dit, elle m'a annoncé qu'elle était lesbienne. Ouais quand même. Et Daoud Douida, Loltov, c'est plus un radeau, c'est Caterpillar là, les gens les engins de chantier carrément, ah oui. Pas les chaussures, oui ça c'est sûr, effectivement. Bon, Marine avec nous, qui est là. Salut Marine. Oui. Et on fera l'impro juste après, la Marine donc de Seine-Maritime. Bienvenue à toi. Bonjour. Eh ben bonsoir. Bon, Marine, tu préfères des loup-boutins ou des loup-boudins avec Toff? Les loup-boudins avec Toff, moi. Ah, tu préfères les loup-boudins? Mais les cons. Oui. Marine, combien mesures-tu? 1m67. Oh, combien pèses-tu? Oh, quelle horreur. C'est dingue, ça. 1m67, combien pèses-tu? 72. Quel est ton tour de poitrine? 105D. Ah oui, 105D quand même, hein. Il y a du volume. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? D comme dinosaure. 42, d'accord. Eh bien, Tov va venir te porter tes loup-boudins, Marine. Mais non, elle viendra. Elle viendra, ouais. Et on ira aux puces de Saint-Ouen. Bon, par contre, les puces de Saint-Ouen, c'est que le lundi et le mardi, hein, donc on peut pas aller un autre jour. Alors que moi, je vous file les loup-boudins, mais on y va quand vous voulez, hein. Y a pas de détail, je suis pas dans le détail. Ah bah oui, mais moi, j'y peux rien, c'est fermé les autres jours. Mais c'est vrai. Mais donc, Marine, tu préfères des loup-boudins, c'est dingue? Non, bah ah, si. Oui, pourquoi pas. Bon, ben. Bah... Ok, écoute, y a pas de problème. Bon, sinon tu nous appelais pour les râteaux à la base, Marine, oui. C'est ça? Bon, alors c'est quoi ton plus gros râteau? Bah moi, c'est un mec à qui je parlais beaucoup et j'ai voulu y déclarer ma flamme et en fait... C'est tough. Là, je me suis prise le gros râteau, quoi. Et il m'a dit qu'il avait une meuf et que qu'il voulait qu'on reste amis, en fait. Bah, du coup, on n'est plus amis, quoi. Oh bah c'est dommage, le pauvre, lui, bah voulait oui, bien être ami. C'est dommage. Bah oui, carrément. Bah, il y a un message qui est arrivé aussi. Mon plus beau râteau, c'est quand j'ai demandé à une meuf de sortir avec moi, elle a embrassé sa meuf. Ah oui, ça ah oui, c'est con, ça. C'est Christopher qui vient de m'envoyer un mail avec ça, tiens d'ailleurs. Oui, ça c'est effectivement la loose. Mais depuis, ça va, tu t'en es quand même remise. Bah ouais. Bah non, parce que tu étais pas longtemps, quoi. Non, tu t'es pas vraiment remise puisque t'étais en train d'essayer d'avoir Toff là, donc c'est qu'il y a un problème. Hein, psychologiquement, t'es pas complètement fini, il y a un souci quoi, Marine. Oui, bah ça. Ah ouais. Bah oui, c'est impératif. on est d'accord. Bon bah Marine, merci de passer. De rien. Et tu reviens quand tu veux, Marine. Ok, y a pas. Je te fais des bisous, à bientôt. Bisous. Salut Marine, à bientôt. On va récupérer Hugo là, qui était toujours turbulent. T'es toujours turbulent en cours, toi, Hugo. Hein. Hugo. Il s'est endormi. Bah, il était fatigué, le pauvre. Il y a quelques minutes. Allô. Oh là. Ah, il est là, Hugo. Ouais, désolé, j'étais parti aux toilettes. Ben, on a bien vu. Écoute, je suis content que tu nous aies pas fait profiter de ce petit tour aux toilettes. Vraiment, c'est bien. Il y a Emise qui dit, si tu as toutes les filles à tes pieds, c'est peut-être parce que tu es canon. Ah ah ah. Mais qui a dit ça? C'était par rapport à qui? Bah c'était par rapport au fait que nous on devait chiner alors que toi... Ah non mais pas du tout avec... Ah non mais ça vient pas tout seul là, vous avez... Y a méprise. Non ça vient mais pas tout seul. On te connaît depuis mais tellement d'années, ça vient tout seul. Ça vient pas tout seul. Non. Je galère. Mais tu... Nous non, on mais galère. C'est vrai. Mais non. Nous on est obligé de payer resto sur resto. Non, toi tu galères, nous on traverse le désert tous les jours. Mais ça n'a rien à voir. Non mais c'est vrai. Non mais après il y a toujours les meufs qui t'intéressent pas qui viennent vers toi et puis après celles qui t'intéressent qui viennent jamais. Ah oui mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, il y en a qui viennent. Non mais on s'en fout. Moi je m'en fous, je prends pas la première qui passe, il faut que la meuf elle me plaise, il faut que physiquement elle soit bien, qu'elle soit à mon goût, il faut que psychologiquement elle soit à mon goût aussi. Il y a plein de trucs quoi, c'est pas possible, c'est pas la première qui passe quoi. Et voilà, il y a déjà des meufs sur lesquelles j'avais kiffé et au final il s'est jamais rien passé parce que bah. Ouais mais c'est la différence entre la rue commerçante où il y a plein de meufs qui passent et tu peux choisir et nous qui sommes dans les petites rues où les impasses. Bah qu'est-ce qu'il y a une meuf qui passe et donc on les prend, on est obligé. Oh là là, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, il y a Sarah qui dit la meilleure des radios, Mickaël. Merci beaucoup, une famille formidable. Que demander de plus et être là avec nous à Noël en direct. Merci à vous. Mais avec plaisir, Sarah. Il y aura de la dinde. Mais ouais. Nicolas qui dit Jardiland dans ta gueule, Toff. Damien qui dit ça s'appelle une salope mort de rire. Moi, c'était une fille qui te donnait rendez-vous et quand t'arrives au rendez-vous, bah, elle est avec ses potes et elle se fout de ta gueule. Oui, ça c'est nul par contre. C'est naze, ça c'est nul. Et Daoud Douida qui dit avant, je bossais en discothèque polonaise. Une horrible femme qui ressemblait à rien. Elle avait 4 dents, des poireaux sur la gueule. Elle a voulu me tirer jusqu'aux toilettes. J'ai dû lui dire que j'étais pédé pour qu'elle me lâche. Alors que je ne le suis vraiment pas. Ah ouais, mais dans ces cas-là, il y a pas de problème. Hein, tu peux mentir. Hein. Yello aussi qui dit c'était très mal. C'est très mal de rendre vénales celles qui ne le sont même pas. Merci d'avance, grand fou. On sait que tu ne sors pas de ta poche, mais c'est le geste qui compte. Et j'avoue ne rien voir contre un geste louboutinisé. On ne couchera pas ensemble. Par contre, cet amour platonique devra le rester. J'ai un mari Mimi. Eh ben oui, Yello, mais il faut tirer au sort, hein, comme les autres. Hein. Moi, on m'achète pas non plus. Hein. Contrairement à Toff, il n'y a pas de problème. On ne m'achète pas. Et citation et beauté, c'est Manon qui dit Mickaël, mon plus gros râteau, c'est Toff. Et toucher le fond. Manon, comment ça, tu t'es pris un râteau par Toff? C'est que vraiment, il y a un stress alors. Appelle-nous de suite. Oh là là, c'est ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu mets des râteaux donc, Toff? Avec Manon. Non, généralement, je ne mets pas de râteaux, moi. De râteaux, pardon. De râteaux, oui. Il ne met pas des râteaux, non. Non, non, moi, je ne mets jamais de râteaux. Bon, continuons à parler des gros râteaux. C'est possible, là. Je prends, moi. Bah oui, bah tu m'étonnes. Bon, et Hugo, alors, par rapport au fait que tu sois turbulent en cours, mec, à part te. Parce que bon, là, ta mère a décidé de te mettre dans un foyer fermé, c'est ça? Ouais. Bon, donc à part essayer de lui montrer en fait que tu vas changer et que tu vas essayer d'en fait d'être un minimum intelligent, Hugo, il y a pas de solution. Arrête déjà la shit, ça sert à rien, Hugo. Là, à part coûter de l'oseille et faire de la merde, ça sert à rien du tout, quoi. Mm. Et à part te la ramener auprès d'autres trous du cul qui eux-mêmes vont essayer de se la ramener. C'est des ratés. Non, ils mais ont voilà. Raté leur vie. Non, mais sincèrement, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Prends une douche. Non, mais oui, c'est ça. Prends une douche. Écoute, demain réfléchis. Tu sais ce que tu fais? Tu fais un tableau, les pour et les contre. C'est ce qu'on fait avec Toff tous les jours. Voilà, c'est ça. Pour et contre, à quoi ça sert? Voilà. Et qu'est-ce que ça peut te rapporter? Et tu verras très vite que le tableau avec le plus te rapportera plus. Hein. Tu vois, en termes financiers, en termes d'avenir. Donc non, vas-y, voilà. Ma gueule, lâche tout ça et avance. C'est tu vas continuer avec ton shit, tu vas finir comme Toff, une merde, une raclure, là. Hein, voilà. Tu vas... hein. Et encore, moi je ne fume pas. Et encore, il ne fume pas, c'est pour te dire aussi. Ouais. Hein. Bon, par contre, qu'est-ce que je sniffe? Mais enfin, bon, c'est un détail. Ouais, arrête, en plus. Il est tellement radin qu'il ne le ferait même pas. Oui, de toute façon, tu vois. Non, mais c'est ça. Imagine, attends le prix que ça coûte au gramme de poudre. Attends. Non, mais je préfère encore mettre de la farine. Hein. Ah, ouais, bah c'est moins cher, c'est sûr. Ouais. Bon, Hugo, merci de passer en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. Allez, à bientôt. Et sois plus sage, d'accord? Sinon, ouais. Je te mets un coup de pelle. Bon, allez. Salut, Hugo. Et sinon, moi, il me reste un râteau, si tu veux. Ouais, et on a toujours des râteaux disponibles, bien entendu, sans aucun problème. On se fait, dans quelques minutes, le match d'impro avec Julien, avec Thomas. Bonsoir tous les deux, comment ça va? Salut. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir à vous. Julien, donc, de Chapelle-sur-Chézy et Thomas, qui appelle de Talence. On va jouer ensemble, donc, au match d'impro. Le principe, c'est qu'on va vous donner un thème qu'il va falloir gérer. Nous, évidemment, au milieu, on va foutre un peu la merde de temps en temps, hein. Bah, normal. Et puis, bah, vous de jouer, on verra après. Les auditeurs voteront pour savoir lequel des deux a été le meilleur, d'accord? Ok. Allez, restez là. On s'écoute. Oh, un petit vieux son de Pitbull, tiens. I know you want me. Hop là, on se fait ça maintenant. Il est 23h26 sur Fun. Bonne nuit, tout le monde. You know that at 75 Street Brazil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pitbull, I know you want me sur Fun Radio. Il y aura Martin, non on l'a jamais mis celui-là, Martin Garrix. On vous mettra dans quelques minutes le son de Nicky Romero avec Legacy. Et puis la dernière ligne droite de l'émission avec toujours votre paire de Louboutins à vous offrir. C'est dans 30 minutes, attention mesdames et messieurs. Dans 30 minutes, vous allez peut-être choper votre paire de Louboutins. C'est vrai qu'il y a 14 000 personnes qui ont joué pour gagner cette paire de Louboutins. C'est vrai que ça fait du monde, mais au final, c'est un jeu gratuit. Si vous perdez, ben, vous n'aurez rien perdu puisque vous devez investir que dalle. Mais à côté de ça, si vous gagnez, vous repartez quand même avec une paire de chaussures à 500€, enfin 450 plus ou moins. Les filles avec la semelle rouge, la bien connue bien sûr, vous viendrez avec moi dans la semaine, si vous êtes dispo, ou la semaine d'après, hein, peu importe, directement dans la boutique. On ira voir Christian Louboutin dans sa boutique. On achète la paire de chaussures, vous l'essayez, prenez la taille que vous voulez. Je la paye et vous partez telle une reine. Oh, telle une princesse place. Même, voilà, j'ai envie de dire. Telle une princesse, vous repartirez avec votre paire de Louboutins, mesdemoiselles. Si vous voulez jouer, il reste 30 minutes, donc vous faites un like et un partage sur la photo où il y a la paire de Louboutins. Et puis si vous êtes tiré au sort avant la fin de l'émission, eh bien, ce sera pour vous. C'est aussi simple que ça. Il y a Maëva qui dit « Mickaël, fais de moi ta Cendrillon avant minuit avec les Louboutins ». Mais oui, Maëva, bah, peut-être ça sera toi. Attil qui dit « Moi, je suis à l'école d'infirmière en 3e année et demain, il y a tous nos partiels qui commencent pour toute la semaine. Tu peux nous souhaiter bonne chance, merci. Eh bah, bonne chance à toi et à tous ceux qui ont effectivement des examens là qui vont suivre. Et le prince Nadia qui dit Mickaël en costume avec le bouquet de fleurs dans les mains devant tous les collègues de sa copine. J'avoue, il faut le faire. Mais c'est ça. C'est un message de tout à l'heure. Et Ophélie aussi. Bon bah je vais pas faire le faux cul, dire que je veux vous épouser. Mais j'aime bien les escarpins. Alors s'il vous plaît, si vous voulez, ayez l'obligeance de me les offrir. Merci cordialement. les escarpins. Tu peux pas dire les loups-boutins. Les escarpins, je trouve ça tellement moche. Ouais. Je vais acheter une paire d'escarpins. Oh, quelle horreur. Mais c'est parce que ça fait mal aux pieds, donc c'est pour ça qu'il fallait un nom moche. Ah, ouais, c'est comme ça, des écrevisses. Oui, je vais acheter des escarpins. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, ce Burke. C'est une horreur. Une horreur, une horreur. Elle bon, allez, 23h30, on va se faire le match d'impro. On aura Geoffrey également qui voulait réagir par rapport au râteau. Et le match d'impro, c'est avec Thomas et avec Julien. Comment ça va tous les deux, là? Ça va. Nickel. En pleine forme, les gars? Ouais. En pleine forme? Oui. Vraiment la grosse forme? Ah bah, on le sent, là, ouais, les gars. Bon. Alors, match d'impro, est-ce que vous connaissez le principe? À peu près. À peu près. Bon, alors, le principe est très simple. Je vais donc vous donnez un thème et il va falloir évidemment faire toute une histoire par rapport à ce thème, d'accord? Ok. Bien entendu, Toff, Polo, Sandro et moi, on va de temps en temps arriver au milieu pour foutre la merde, c'est faire l'acteur en plus, d'accord? D'accord. Ok. Donc le but évidemment, c'est de continuer à garder cette histoire la meilleure histoire possible, quoi. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? Okay. C'est comme les matchs d'impro hein, que vous voyez parfois dans des soirées ou quoi. C'est on donne une idée d'impro et après vous partez. C'est libre. Vous faites ce que vous voulez. Il faut juste que l'histoire soit logique et évidemment il faut parler entre vous, Julien et Thomas. Il faut créer cette complicité. Il faut qu'il y ait du dialogue. Voilà. Il faut créer cette complicité. D'accord, et okay. Le thème que je vais donner dans quelques minutes sera très intéressant, vous allez voir. En attendant, écoutez bien, vous qui êtes derrière votre radio, avec le hashtag Mickaël sur le Twitter et le Facebook, ou alors via le SMS en envoyant Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Vous allez devoir voter pour Julien ou Thomas, lequel des deux sera le meilleur improvisateur. D'accord? Le thème, écoutez-le bien, est braquage de banque. À la GTA 5. Je m'en fous, comme tu veux. Braquage de banque, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce que vous devez avoir en tête. Moi je mettrai des sons au fur et à mesure qui voudront peut-être aussi vous donner je sais pas moi, si par exemple je vous mets la police qui arrive, bah forcément ça va changer votre donne si vous aviez prévu de cambrioler la banque. Enfin tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bon, donc est-ce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde, Julien, Thomas? Mais... Et le meilleur d'entre vous repartira avec le casque focal d'une valeur de 200 € qu'on vous offre toute la semaine. Attention, le braquage de banque, est-ce que tout le monde est prêt? Prêt. Attention. Prêt. Et Sandro peut éventuellement jouer la guichetière. Oui, c'est ça, j'y pensais. Voilà, pourquoi pas. Si vous avez besoin d'elle, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, elle répondra. Il n'y a pas de souci. Bon, 3, 2, 1, braquage de banque, c'est parti. Bonjour madame, je voudrais procéder à un gros retrait, s'il vous plaît. Oui, bonjour, un retrait de combien? Oh, à peu près tout votre coffre. Ah, c'est une blague? Non, levez les mains, c'est un braquage. Vous pouvez me donner votre pièce d'identité? Les mains en l'air. Quoi, les mains en l'air? Thomas? Oui, allô? Au client suivant, s'il vous plaît. Mais attends, Thomas, attends, la caisse, ramène ton cul. Stop, pause. Hé, Thomas! Oui? Il faut participer, hein, parce que sinon, si tu le laisses tout seul, lui, il va gagner, hein, si tu dis rien. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ceci est un hold-up. Oh putain. Oh mais. Oh putain, on est en train de. On est un petit peu timide, hein. On est en train de. Le patron. Il est là, le chef de la mollesse, il est là. Bon, allez, on y va. Client suivant. El patron. Client suivant. Vous êtes en train de faire un braquage. Personne ne bouge, c'est un braquage. Alors tu vas muer, puis tu reviendras après. Mais il tire, le salaud. Il tire. Ah, appelle la police. Ta gueule. Thomas, va au coffre, je t'attends là. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Putain, j'ai dit que... On est au coffre là. On est au coffre, on essaie d'ouvrir le bordel là. Mais des gamins de 15 ans. Je vais t'exploser la tête comme une pastèque. Ta gueule, il t'a un accent de merde. Accent de merde. Il est trop bien mon accent. Mais putain, mais braque la banque. Tenez les clés. Et toi, agent de sécurité, tu tentes rien là. Pose tenez ton arme. Tenez les clés, monsieur, tenez. Arrête de te foutre de mon gueule. Moi, je vous amène ou pas? Donne-moi les clés là. Conduis-moi au coffre. Police. Oh, ok, ok. Putain, les caves, à couvert. Enfant de putain, pose ton arme. Oh, oh là. Je suis touché là, Thomas. Ça y est, le coffre est ouvert. Ouais. C'est le joujou, JN. Ça y est. Le coffre est ouvert. Bon, hé, Fort Boyard. Julien. Prenons l'hélicoptère. Julien, t'as cru qu'on était blindés dans la banque ou quoi? Eh, Julien, qu'est-ce qu'il y a? Pose ton arme, enfant de putain! Julien, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Putain, une grosse bite. Oh non, des préservatifs. Eh, c'est une banque, c'est pas un sex shop, les gars. Il y a Schwarzenegger qui arrive là. Oh, pose ton arme, enfant de putain. Terminator est de retour. Salah Connor. C'est pas ici. C'est à côté. C'est bon, partez, vous avez le fric, partez. Thomas, monte dans la caisse, on le bat. Ouais, allez. Ah, ils ont volé les deux. Ils ont volé les deux. Pose ton arme, enfant de putain. C'est mon dialogue. Ah oui, oui, c'est ça, oui, c'est le seul et unique d'ailleurs. Oh là là là là là là. Eh, vous savez, on va arrêter le drame là, mais est-ce que vous savez que... Oui. Bon, on a déjà eu des mauvais acteurs, hein, ça, c'est évidemment, il y en a plein partout. Ah, mais pire que moi, est-ce que vous savez que vous avez quand même été très mauvais? Mais c'est ouf. Oui. Mais c'est... En fait, d'ailleurs, il y a l'autre à quel moment? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Hein, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment, quand on a fait braquage? Bon, déjà, toi, Thomas, t'as mis 1000 ans à débarquer, on sait même pas. Peut-être que tu faisais pipi, je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il était en train de charger la voiture. Ah ouais, non, ouais. Il faisait le guet devant la banque. Ah non, en fait, ouais, c'est ça, lui était dans la voiture, il attendait en fait que. Voilà, il arrivait pas à détacher sa ceinture. D'accord, il oui, c'est pas ça. À ceinture. Bon, alors, je sais que le choix va être rude. Va être très très rude, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui me dit j'adore, ils m'ont fait trop marrer. Bah écoute, tant mieux, hein. C'est surprenant. Parce que nous, on a galéré mieux. Quand même. Ah ouais, il y a Don Falcao qui dit ils sont nuls, même une vieille de 80 piges à la caisse n'aurait pas eu peur de sombrer. Julien qui dit pose ton arme, enfant de putain, bordel qu'ils sont mauvais, c'est Abdou. Il y a Damien qui dit putain, ils sont forts là, j'aurais pas peur moi. Et le prince qui dit j'ai envie de dire que heureusement que l'équipe est là pour rattraper la nullité de Thomas. Elliot qui dit les plus mauvais braqueurs de banque du monde. Emmy, c'est aussi qui dit ils sont trop mal, ils sont pas crédibles du tout. Et puis Serge qui dit bande de cons, c'est pas sorcier d'improviser sur ce thème d'un braquage de banque. Bah c'est ouais, ce qu'on moi, s'est je dit. Me suis engueulé par ma soeur qui rêvait toute la maison là. Bah oui mais bon c'est un braquage, faut que ça ressemble à un braquage. T'arrives oui, pas en disant bonjour, est-ce que vous auriez du sel s'il vous plaît? Non mais bah, quand vous pouvez pas parler sur l'antenne, appelez pas, c'est plus simple. Bah oui. Non, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Bon alors maintenant attention, la balle est dans votre camp, chers auditeurs, auditrices, il va. C'est le plus dur hein. Il va falloir voter lequel des deux était le moins mauvais. Je vais pas dire meilleur parce que bon dans l'absolu il n'y avait aucun des deux. Mais lequel était le moins mauvais, Julien ou Thomas? N'hésitez pas, hashtag Mickaël sur Twitter. Thomas, toi t'es quand même gonflé hein, de mendier des voix alors que t'as été archi mauvais. Avec son accent là. Donc hashtag Mickaël. Ah non bah attends, hashtag Mickaël donc sur le Twitter et sur le Facebook. Vous pouvez aussi envoyer Mickaël suivi de bah vous mettez soit Julien soit Thomas au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique. Et puis vous pouvez appeler Sandro au 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Oh qu'est-ce que vous avez été mauvais, j'en reviens toujours pas. Julien et Thomas, restez avec nous hein, d'accord? Ouais. Bon, on va revenir avec Geoffrey aussi dans quelques minutes pour parler des râteaux. T'es là, Geoffrey? Oui, je suis là. En pleine salut, forme Michael, salut toute l'équipe. Salut à toi, salut. Geoffrey. Bon, on va parler des râteaux dans quelques minutes. Tu restes avec nous aussi? Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Bon, parfait. Puis on écoutera aussi Nicky Romero avec Legacy. C'est ce qui va débarquer sur Fun Radio. On aura Eric également. Et puis attention, toujours votre paire de Louboutins, mesdemoiselles. Dernière ligne droite pour tenter votre chance. Il reste 15 minutes. Vous envoyez, bah, vous allez sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Et si vous êtes tiré au sort dans 15 minutes, je vous offre votre paire de Louboutins. On ira la chercher ensemble au magasin toute la semaine. C'est, enfin, quelque part dans la semaine, hein, c'est vous qui choisissez le jour en fonction de votre emploi. Et si vous n'êtes pas sur Paris, rassurez-vous, on vous paye également le transport pour venir jusqu'à la radio pour justement venir avec moi faire les courses chez Christian Louboutin. Et après, il dit non, mais non, moi les filles elles viennent pas. Et mais tout. Ça n'a rien à voir. Il y a des meufs comme ça, bah, je peux. Elles sont bien, et puis j'ai aucune chance, et voilà, ça arrive, c'est comme ça, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. Je sais de quoi je parle. Je sais que c'est déjà arrivé, donc voilà. Bon, allez, restez sur Fun Radio, Nicky Romero, promis, ça arrive après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 20h minuit. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, sur Fun Radio, en direct dans moins d'un quart d'heure maintenant, c'est Party Fun qui va débarquer comme tous les dimanches soirs de minuit à 2h sur Fun Radio avec Nicky Romero notamment. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y aura l'arrivée de Bruno tout à l'heure à partir de 6h, la première de la semaine. Bruno dans la radio des 6h pour vous sortir du lit en pleine forme. Et nous, on sera de retour bien sûr dès demain 23h juste après Love in Fun. Demain 23h sur Fun Radio avec encore des GoPro à vous offrir et puis avec tous les délires. Je rappelle que l'application également est Mickaël No Limit est disponible. Si vous voulez la télécharger, c'est gratuit. Vous tapez simplement Mickaël No Limit sur iTunes et vous la téléchargez. Et vous pourrez écouter l'émission, vous pourrez réagir à l'émission pour être tenu au courant de tous les jeux éventuels qui débarquent, etc., etc., etc., etc. Bref, plein de trucs. Donc si vous voulez la télécharger, elle est gratuite, donc vous tapez simplement sur iTunes, sur iTunes, tapez Mickaël No Limit tout simplement pour la télécharger. Et rassurez-vous, il y en a plein aussi qui demandent ouais, pour Android, ça arrive quand? Ça va venir, vous inquiétez pas, on travaille dessus pour la faire sortir le plus vite possible. En attendant, donc c'est sur iOS, donc sur Apple, que ça fonctionne, iPhone, iPod et iPad. Voilà, comme ça vous savez tout. Et on va récupérer dans un instant aussi Julien et Thomas pour le match d'impro, Geoffrey pour les râteaux et le son de Nicky Romero maintenant, c'est Legacy sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Jusqu'à minuit, bienvenue si vous venez de débarquer pour la première fois. Nicky Romero sur Fun Radio avec Legacy. Il est 23h50, dans 5 minutes maintenant, on fait le tirage au sort de la gagnante ou du gagnant pour la paire de Louboutin. Il vous reste 5 minutes donc pour venir nous rejoindre facebook.com/mickaël officiel. Il y a Denis qui dit vous pouvez redire mon nom, je suis trop fan, ça fait zarbi d'entendre son prénom. Et ben voilà Denis, il n'y a pas de problème. Florine qui dit Julien a été le moins bon mais des gros nazes morts de rire, il y a eu mieux. Mélanie qui dit salut Mickaël, je suis mort de rire avec vos dialogues, là c'est trop marrant. Alicia aussi, le pire match d'impro. Ah ouais ouais, pour le coup il a pas été, ils ont pas été bons hein. Gauthier également, énorme la soirée avec Mickaël le dimanche avant les cours. Daoud Douida qui dit ils ont volé les deux. Jean-Philippe depuis l'application iPhone disponible hein, sur le Facebook de sur le iTunes pardon, en tapant Mickaël No Limit. Mon pire râteau pour moi c'était mon meilleur pote qui m'encourage à aller avouer mes sentiments à la fille alors qu'il sortait avec. Oh le bâtard. C'est bon ça. C'est bon ça non? C'est vraiment un enfoiré. C'est scandaleux même. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et Maud aussi qui dit Tof je t'aime. Ah, moi aussi. Salut Yannick Braille également. Et citation et beauté, c'est dire Manon qui dit Mickaël avec ta jolie voix, tu as toutes les filles que tu veux. Mais détrompe-toi. Détrompe-toi. Je me suis déjà pris des râteaux, tu sais. Alors là, et plus que si tu n'imagines. Il s'en est pris tellement qu'il ne s'en souvient pas. Bah plus que tu. Non mais. C'est vrai. Non mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je réfléchis à un râteau. Il cherche un râteau. Mais je sais que j'en ai eu. Bah non, la preuve. Non, j'en ai eu. Bon, d'accord. Alors que Tof, il peut t'en raconter pendant. Il en a. Voilà, moi je pourrais t'en faire une. Tof, raconte-en, tiens. Je pourrais t'en faire une émission. attends. Bah il y a le râteau de la meuf que je me. Enfin non, dont j'avais oublié le nom. Donc en fait on va dans une boîte à Biarritz. On va dans une boîte, on fait une soirée, on rencontre une meuf. Et donc genre deux semaines ou trois semaines après on revient dans la même boîte, la même meuf est là. Et en fait je m'en souviens pas et j'essaye de nouveau de la serrer. Donc là la meuf elle m'a mis une de une grosse baffe de la gueule. On était là. Oui c'est vrai, c'est la baffe. Ah, c'est la claque. Oui, la claque. Oh, ouais. J'ai assisté à la baffe dans sa gueule. C'était énorme. Énorme. Il s'est pris une baffe par une nana quoi. Oui, devant ça, nous. Ouais. Devant nous. Bah oui, ah ouais, devant tout le monde, devant toute la boîte, elle m'a affiché un bien. Dans le van, on avait un van là-bas. Ouais, elle était pompier. C'était une pompier, ouais, exactement. Bah voilà. Pompier, elle avait de la poigne. Hein, ça a l'air que j'ai eu la marque pendant toute la soirée. Ouais, mais vous avez quand même fini la nuit ensemble, il me semble. Ouais, bah j'ai bataillé. Hein, c'était la seule avec qui j'avais une chance. Il l'a quand même ramené à l'hôtel. C'est beau, hein. C'est très beau. Et moi, je cherche encore après ce putain de râteau, j'arrive pas. Il y a pas. Mais si, j'en ai déjà eu. Arrête ton cinéma. Mais non, aucune meuf ne résiste à Mickaël. Arrête ton cinéma. Mais bon, je alors là, pas mais partie je te de dire que. Dimension. Mais je peux te dire qu'il y en a qui résistent. Hein. Et bien. Oh là là. Si, il y en a qui résistent. Ouais, mais bien sûr. Bien sûr, on te demande qu'à les connaître. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple, mais il y en a. Oui, bien sûr. Attends. Non mais je réfléchis, me stressez pas là. Musique d'attente. Mais on est en attente là. Attends. Ah bah non, je trouve plus. Hein. Pourtant il y en a. Hein. Non, il y en a pas. Mais quand ça me reviendra, quand je serai en train de rouler tout à l'heure là, je suis sûr que je vais me dire. Mais oui, mais bien sûr. Évidemment, j'avais oublié. Sur la route 66. Voilà. Bon, il y a Jordan qui dit mon pire râteau, c'est d'avoir été grand prince à payer cinéma et resto chic pour qu'elle ne réponde plus jamais à mes appels. prix pour un beau pigeon. Oh, oh mais ça arrive ça, on peut pas gagner à tous les coups, mais bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Bon allez, continuons à voter là pour Julien ou pour Thomas pour le match d'impro. On va donner le résultat dans quelques minutes. Julien et Thomas. Ouais. Oui. Bon, je peux vous dire que il y en a effectivement un des deux qui va gagner, non pas parce qu'il a été le meilleur, mais parce qu'il a été le moins mauvais. Non mais ce sont des choses qui doivent être précisées, c'est vrai. Vous n'avez pas été très très bon, hein. Vous avez même été chier. Voilà, vous avez quand même vraiment même pas été bon du tout, quoi, en fait. Hein. Moi, je suis un peu timide. Ah, bah alors, mais oui, mais bon, vous faites un match d'impro, donc il faut enlever la timidité. C'est ça qui fait en plus. Regarde, le virer sa timidité, c'est en faisant du théâtre, des matchs d'impro, mais justement. Oui. C'est là qu'on se sort les doigts du cul. Tu vois ? Ouais. Bah oui, okay. Bah oui. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire un petit appel avec Toff. Et juste après, on donne les résultats. Julien, Thomas, on verra lequel des deux gagne dans quelques minutes. Est-ce que vous nous avez écouté cette semaine, Julien, là, de 23h à 2h ? Julien et Thomas, pardon. Cette semaine, non. Non. Oui. Ah, très bien, Thomas, c'est déjà ça, tiens. On est à l'internat, on écoute tout. On vous écoute tous les soirs. Ah, bah ça fait plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Bon, alors, on y va. On avait appelé parce que on s'était rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient le sexe courbé à plus de 30%. Et que oui, du ça, coup. Je l'ai écouté. Ah, bah voilà, très bien. Et que du coup, ça s'appelait de la. Merde. Ah oui, on l'a vu. Prismonie. Pironi. Ouais, Pironi. Pironi, c'est enfin, ça, bref. C'est la Pironi. Voilà. Et donc du coup, on avait appelé des gens pour les prévenir. Ça avait donné ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, contrairement à Thomas, bien évidemment. Oui. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari avait le sexe de travers. Oh non. Elle avait du mal à raccrocher. Hein. Et souvenez-vous, c'était ceux-là hein, qu'on écoute maintenant là. Ferme ta gueule. Du con. Voilà, et on les avait rencontrés à ce moment-là et on les avait rappelés, écoutez bien. Bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Qu'est-ce que vous voulez ? Ben, je voulais savoir si vous avez le sexe de travers, monsieur. Mais ça va pas mieux la tête, non ? Ben si, ça va monsieur, je vois pas le rapport avec la tête. Si ? Ben non, il n'y a pas de rapport monsieur, parce que je veux juste savoir si vous avez le sexe qui part de travers. Tu vas pas te faire encadrer là, connard. Je veux pas le rapport, monsieur. Il m'a dit pareil à toi. Elle a du mal, hein. Ça a pas l'air facile. Ah ouais, non, là, sur la fin, c'était pas facile. Et donc, du coup, on l'avait rappelé, et c'est là que nous avons rencontré cette magnifique phrase. Ferme ta gueule. Du con. Allez, hop, on les rappelle maintenant, c'était alors, la finale. Oui, excusez-moi, monsieur, mais pourquoi vous voulez pas répondre à ma question ? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ben, si vous avez... Pourquoi vous m'appelez d'abord ? Qui vous a donné mon numéro ? Ben, non, mais moi je veux juste savoir si vous avez le sexe de travers ou pas, monsieur, c'est tout. Non, monsieur, j'ai un sexe normal. Il a alors, qu'est-ce que vous voulez de... Ben, moi je veux juste savoir si vous avez le sexe de travers, monsieur. Non, je vous l'ai dit. Donc non, vous l'avez bien droit. Venez me voir à tête, vous allez voir comment je vous la casse en deux, peut-être, moi, connard. Pourquoi vous voulez faire ça, monsieur ? C'est pas gentil. Et quoi ? J'ai pas besoin d'être gentil. Vous m'emmerdez depuis une heure, là. Mais pas du tout, monsieur. Je vous ai appelé trois fois. Oui, ne me dites pas monsieur. Madame, va te faire enculer, toi, connard. Oh, c'est vraiment pas et gentil. Et on arrête, hein. C'est pas gentil, ça, monsieur. Hein ? Non, vous êtes pas très gentil, monsieur. Non, j'ai pas besoin d'être gentil avec toi, moi. Bah, vous pourriez quand même faire un effort, monsieur. Attention. Eh, allez, monsieur, arrête-toi un peu, hein. Dis. Bah... Oh, va chercher un autre, hein. Qu'est-ce que tu es où ? Tu as pris tu as choisi dans le bottin, tu m'as choisi ? Ben c'est ça, monsieur, vous avez tout compris. Eh ben alors, ben choisis un autre, connard, d'être emmerdé comme ça le soir. Alors, mais c'est pas possible. Ben, oui, mais moi c'était juste pour savoir, monsieur. C'est eh ben, va savoir, va te faire enculer, je te dis, connard. Ben c'est pas gentil, monsieur, ça fait beaucoup d'insultes quand même. Exactement, oui. Ferme ta gueule ! Du con ! Eh oui, ferme ta gueule et du con ! Et en plus c'était bien, bien fait. Oui, mais bien appuyé. C'était cet appel-là, mais en fait je me suis gouré, c'était pas cet appel-là. Mais c'est pas grave, on s'est quand même bien marré. Ferme ta gueule ! Ouais. Du con ! Exactement. Bon, Julien et Thomas ! Ouais. Ça se passe comment les résultats, Toff, Julien et Thomas là ? Ça se passe très bien, c'est bien serré, mais bon, c'est quand même Thomas qui l'emporte. Ouais, c'est ça, c'est, quand, même Thomas qui, c'est quand même Thomas qui l'emporte. Bien. Et bah bravo Thomas ! Wouhou ! Voilà, merci, félicitations merci. Thomas, et ben c'est un miracle hein. Oui. Thomas, c'est un grand miracle. Ah oui, je te confirme, c'est-à-dire qu'à mon avis t'as dû faire marrer tout le monde avec ton histoire de trucs. Mais bon, bravo Thomas, le casque est pour toi, le casque focal, tu vas gérer ça avec Sandro au standard et puis Julien. Et ben tu reviens quand tu veux Julien, même si pour moi t'as été meilleur que lui. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Salut tous les deux. Ok, tu vas avoir un pack fun. Eh bah oui, tu vas gagner ça au moins, je te renvoie chez Sandro au standard, sans problème. Salut Julien, okay. À bientôt. À plus. Allez, ciao à toi, Julien. Vite fait, pour terminer sur les râteaux, là, Geoffrey qui est avec nous, là. Geoffrey, t'es là? Ouais, bien sûr. Bon, alors, raconte-nous ton râteau avant qu'on tire au sort, là, pour les loups boutins et qu'on fasse aussi le top tweetos. Bah, en fait, je me suis pris un gros vent, en fait. Ça remonte il y a quelques années, bah, j'étais en cul sur une meuf, tu vois. Ouais. Et, je voulais sortir le grand jeu, je voulais carrément lui offrir une bague, quoi. Alors, je suis arrivé avec la bague, normal. Que là, tu t'es saigné à acheter? En fait, j'ai piqué ma mère. Ah oui, non, d'accord, alors ça va. Ah, c'est bon, ça. Bon, après, je vais la voir, je lui dis, bah ouais, moi je t'aime, je vais te sortir avec toi et tout. Je lui offre la bague. Alors, en fait, elle la prend, je lui fais, alors, est-ce que ça veut dire oui? Puis, elle me dit, dans tes rêves, et elle se barre avec la bague. Ah, la pute, elle est partie avec la bague, en plus? Ouais. Oh là là. Et qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère, pour la bague? Ta mère, si tu veux. Ah ouais, franchement, mère, ouais. Elle s'en est pas rendu compte. Putain. Ça se fait pas. Ah non, franchement, ouais, c'est dégueulasse. T'aurais pas dû voler ta mère pour ça. Bah déjà, ouais. Ah mais t'aurais pas dû, pourquoi t'as fait ça? Con, bah. Bah, je sais pas, j'avais envie de lui offrir quelque chose, en fait. Et puis, je me suis dit, je lui offrais une bague, c'est classique, quoi. Putain, mais là, elle s'est foutu ta gueule, hein, mec, t'as tout gagné, hein. C'est-à-dire que là, t'as niqué ta mère et elle t'a niqué aussi. Donc au final, hop là, jackpot des deux côtés. Bah bravo, Geoffrey. Ouais, exact. Eh bah, félicitations, hein. Ouais, ça t'a appris une leçon ou pas? Me méfier des pétasses. C'est, oui, c'est une manière de voir les choses. C'est bien dit, effectivement, oui, c'est vrai. Bon, eh ben écoute, j'espère que ça t'aura effectivement servi de leçon, Geoffrey. Bah, passe une bonne soirée, hein. Est-ce que je pourrais avoir mon message d'accueil? Est-ce que ça va tuer pas longtemps que je vous ai? Oh, bien sûr que tu veux un message d'accueil comment? Un sale hard. Alors, ouais, j'ai celui-là qui est pas mal. Mais je m'en branle de vos questions de merde ou pas de merde. J'en ai rien à foutre. Non, c'était pas dans... Je me suis trompé. Je pensais qu'il était plus violent celui-là. Peut-être celui-là. T'as quand même fait péter les plans là. On va toi faire enculer toi. Et je sais pas avec qui t'es, à tous faire enculer maintenant. Vous commencez à me bander là. Voilà, celui-là était pas mal. Ouais. Bah voilà, message passé, je ferai. Avec grand plaisir. Et tu reviens quand tu veux, hein. Juste une petite dédicace à un pote. Ouais, à une seule personne, à un seul pote, alors vas-y. Ouais, je connais la règle. Petite dédicace à Gaëtan. D'accord. Que j'espère revoir dans pas longtemps. Et bah, le message est passé, y a pas de problème. Salut. Ouais. Salut tout le monde. À bientôt, Geoffrey. Ciao à toi. Bon, allez, top tweetos maintenant avant de faire les loups boutins. Allons-y. Top tweetos, donc c'est le troisième qui gagne. Numéro 5. Numéro 5, c'est Julien Quinquin. Numéro 4. Numéro 4, c'est Magda. Numéro 2, c'est le prince Nadia. Numéro 1, c'est Angélique. Et numéro 3, donc le gagnant ou la gagnante, C'est Cédric. Qui a déjà gagné, me semble-t-il, non? Je sais pas s'il a déjà gagné. Ouais, je sais pas. Bon, ouais, en tout cas, tu repars avec le sextoy, quoi qu'il en soit. Le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, bravo, on remet en jeu tout ça évidemment demain dès 23h. Et avant, Party Fun, alors attention, il y a le ou la gagnante pour la bottine. Attention, paire de chaussures à 450€ que je paye de ma propre poche. Je tiens à préciser quand même encore une fois. Mais ça c'est beau. Pour Noël, je sais, je suis comme ça, c'est aussi simple. Tu es trop bon, Mickaël, tu es trop bon. Il y a Sarah qui dit, Mickaël, impossible de mettre un râteau à Mickaël, comment ne pas craquer, le plus beau contraire de Toff. Oh mais c'est bien, c'est gentil. Mais c'est pas vraiment un compliment parce que être mieux que Toff, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Tu m'aurais dit ouais, t'es quand même vachement mieux que George Clooney. Ok, là d'accord, là tu vois, je pense ça comme un compliment, mais après voilà, faut se mettre au bon niveau quoi. Allez, on appelle maintenant le gagnant, la gagnante, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, eh bien ce sera gagné. Allez, c'est parti. Je connais pas du tout le prénom, le nom, rien. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? C'est Pam, Pamela. Salut Pam, Pamela. Oh, c'est ouais. Pam. Ouais, Pam, Pamela. C'est Mickaël, c'est Mick, Mickaël qui est en direct sur Fun Radio. C'est Po, l'eau. Ok, exactement, ouais. Bon, Pam, Pamela, tu avais participé sur le Facebook, oui, de l'émission pour gagner une paire de Louboutins. C'est ça. Eh bien, Pam, Pamela, tu repars avec ta paire de Louboutins. Oh, bah voilà, okay. Pam, quel est le problème ici? T'as vu comment on t'accueille? Est-ce que je pourrais boire du champagne dans ta chaussure? Ça m'excite. C'est ça. Bon, non, j'étais en train de faire des crêpes en fait, là c'est pour ça. Ah bah parfait, bah écoute, tu vas pouvoir venir nous en apporter. Tiens, qui fait des crêpes à minuit? Je ne sais pas. Bon, okay. Bon, Pamela, quand est-ce que t'es disponible pour qu'on aille acheter la paire de chaussures ensemble? Bah écoute, j'ai la semaine prochaine, donc... Eh ben... Bon, écoute, alors tu vas gérer ça avec, avec Sandro au standard, qu'on trouve une date. Ouais. Comme ça, tu vas venir jusqu'à la radio, en tout cas pas loin, on se retrouve. Tu viens avec nous, on va chez Christian Louboutin, tu choisis ta paire de Louboutin, je la paye et tu te barres et on est pépère. Enfin, surtout toi, quoi. Voilà. J'espère. Et toi, paye mon verre aussi, bien entendu. Hein. On ira boire un verre juste après. Évidemment, ouais. Dis-moi, c'est quoi ta pointure? 39-40, ça dépend. 39, bah écoute, alors on va l'essayer, comme ça c'est plus sûr encore. Hein. On fera les photos aussi, ça permettra aux râleurs et aux soi-disant. Okay. Oui, c'est de la triche de voir qu'en fait. Non. Ouais, mais je sais bien, ouais. Donc, d'ailleurs, on va mettre. Je vais mettre ton nom, Pam Pamela, sur le Facebook, comme ça au moins. Et vous verrez le suivi après, effectivement, puisque cette semaine on ira avec Pam Pamela, direction Louboutin. T'as quel âge au fait, Pam Pamela? 22 ans. 22 ans, ok, très bien. Et c'est qui derrière? C'est ton mec, ton mari, ton frère, ton père? Non, c'est mon chéri. Lui ne vient pas, hein, donc il n'est pas du tout invité. Non, mais que ce soit clair. Gueule, hein. Non, mais voilà, que ce soit clair et net, tu peux venir avec une amie si tu veux, mais lui n'est pas du tout le bienvenu. Voilà. Non, mais sûr que ça lui fera plaisir de le savoir. Non, mais je préfère être franc. En plus, il est à côté, c'est bien, elle entend tout. Eh ben, c'est parfait. Eh bien, comment il s'appelle? Samuel. Comment? Samuel. Eh bien, Samuel ne vient pas. Tu n'es pas le bienvenu. Il y a des tâches ménagères à faire pendant ce temps. Voilà, elle peut venir avec une amie, sa sœur, limite sa mère, 22 ans, ce sera bon pour Toff, hein, 22. Ouais, la mère, ça doit avoir 40. Ouais, une bonne quarantaine. Une parfait. Bonne quarantaine, Toff, il l'aime bien. Un bon parfait. Vieux pot comme je les aime. Voilà. Bon, Pam Pamela, passe une bonne soirée et donc la paire de Louboutin, tu seras la plus belle des princesses pour Nouvel An. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Salut Pam Pamela. Salut. Allez, ciao à toi. Oh putain, oh, ça me fait déjà chier d'avance, 450 euros. Ah ouais mec, mais c'est beau, bravo. C'est beau ce que tu fais. Ah putain, ah je l'ai déjà en travers la gorge là, tu vois. C'est... Oh là là. Toute la soirée, il a dit ouais, je suis un beau gosse. Une fois que c'est passé, il dit oh putain, je suis. Ah putain, j'ai la rage là. Oh là là, 450 boules dans une paire de pompes. Enfin bon, Félicia qui dit moi je te résiste, regarde, je préfère Toff. Non mais tu as te fait le droit d'avoir mauvais goût, Félicia. Merci, ce n'est pas pareil. Moi aussi, voilà. Je t'aime, Félicia. Et bon bah bravo en tout cas à tous ceux et celles qui ont participé pour gagner la paire de Louboutin. On remettra son jeu à l'occasion, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis bah, on vous pourrait suivre le suivi justement avec Pam Pamela pour votre pour sa paire de Louboutin. On ira la chercher dans la semaine avec elle, on ira à la boutique, elle choisit, je paye et elle se barre. Et elle ne devra pas oublier bien sûr de mettre un gros coup de talon dans le cul de Toff. Bien sûr. Dans les couilles de Toff, même pour être précis. Qui ne servent tout à rien. Bon, passez une bonne soirée en tout cas. Bonne nuit à l'écoute de Fun. On se retrouve. Ah oui, générique, merde, putain, à chaque fois le dimanche j'oublie moi en plus. Allez, générique de fin d'abord pour Polo, c'est parti. Hop là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, Toff te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça. Enculé. Cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu t'en donc t'es un enculé. Emir, j'ai toute la journée. Bah va te faire enculer déjà. Et bah oui, c'était un bon plan ça déjà pour commencer. Ferme ta gueule, dis con. Eh bien allez vous faire foutre, cher ami. Vous êtes un petit connard. Allez vous faire enculer profondément. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal. Ils sont canadiens. Bah oui, ils sont canadiens, mais c'est ça. Ouais. Allez vous faire enculer profondément. Vous êtes un petit connard. Toi l'enculé. Toi l'enculé, toi l'enculé. Et... Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, Toff te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, tout simplement. Eh ben merci d'avoir encore été là ce soir, merci d'avoir été aussi nombreux. On a passé les 300 000 ce soir sur le Facebook en 5 mois, même pas. Merci beaucoup en tout cas. Continuez à faire passer le message auprès de vos potes, etc. Il se passe enfin quelque chose à la radio à écouter le dimanche soir de 20h à minuit et toute la semaine de 23h à 2h du matin. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur le Facebook, sur le Twitter. On va en citer quelques-uns qui étaient là ce soir notamment. Il y avait Alicia qui nous souhaite une bonne nuit, bien bonne nuit à toi aussi. Il y avait Basile, il y avait Ménina, il y avait Jenny, il y avait M. Diaz, Emily. Lily également, Jumeau 56, il y avait également Anaïs, Jérémy, Cédric, Mélissa, Elodie, Fred S et bref, plein d'autres. Je peux évidemment pas tous les citer. Et merci aussi de nous avoir rejoints sur le Facebook et le Twitter. Passez une excellente nuit et rencard demain dès 23h sur Fun Radio. C'est Party Fun qui va débarquer et on se retrouve demain donc dès 23h. Salut, salut tout le monde, à bientôt. À demain, ciao.